Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de Casse sur table, votre émission comics, manga, BD en règle générale. Avec moi aujourd'hui autour de la table des nouveautés, je suis avec Alex. Salut. Nécro. Je suis pas une nouveauté moi. Salut. Et Issam. Salut. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Ça va, ça va. Tout le monde va bien? Ça va. Prêt à parler comics, manga? Ouais, ouais. Il y en a, j'aurais préféré pas m'en rappeler. Il y en a, j'aurais préféré pas les lire, tout simplement. Aussi. On reviendra dessus. Ouais. C'est ça. Mais avant, comme... Fire Punch, par exemple. Non mais ça, c'est bon, c'était dans la première émission. Oh la vache. Tu vas t'en remettre, hein. Mais bon, c'est allez. Pour inciter les gens à regarder. J'avais te balancé mon café brûlant dans la gueule. Coupe le podcast, on recommence. Nous, on va l'évincer d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Alors, messieurs, chassé de l'équipe pour différents artistiques. Un petit tour de table rapide. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement hors lecture? On va commencer par Nécro. Ces derniers temps, j'ai rejoué à Saints Row 3 et 4. Et ça m'a fait plaisir de voir que le jeu n'avait pas trop mal vieilli. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est bien dans Saints Row qu'on peut jouer en multi avec des gros godmichés et tout, non? Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Oui, t'as une batte de baseball ouais. Géant. Genre un peu Elastoc comme ça et tu frappes les gens avec. Mais ça, c'est un clin d'œil à GTA. Mm. C'est-à-dire qu'en GTA, tu pouvais avoir un petit god que tu tapais les gens avec, ils ont décidé d'en faire un monstrueux, voilà, c'est tout, histoire de dire « Nous, on fait plus gros !» Mais t'as retenu que ça comme hommage dans cette... Bah... T'as des hommages à tous les films des années 80-90, et là, t'as retenu le sexe géant. J'ai pas joué, c'est juste des souvenirs de stream. C'est souvent le plus marquant. Hein. Ouais. Oui, quand même. C'est juste des souvenirs de stream comme ça, j'étais tombé dessus, c'est dans le 2, ça m'avait marqué. C'est dans le 2 ou dans le 3 qu'on peut balancer du caca sur les immeubles grâce à une espèce de bétonneuse détournée. C'était dans le 2, je pense. Le 2, ouais. Le 2, j'ai survolé et j'ai trouvé la pratique au niveau des voitures, la conduite des bagnoles absolument dégueulasse. Et vu qu'il y avait une mission à un moment où il fallait absolument bien conduire, j'ai abandonné là. C'est à partir du 3 que la série devient bien. Voilà. Parce que les deux premiers sont des pompages purs et simples à la saga GTA. Donc, bah, ouais, si t'as joué à GTA, autant jouer à GTA, en fait. Ils se veulent sérieux. C'est un sous-GTA. Ils se veulent sérieux, mais le but, c'est de balancer du caca avec une bétonneuse. Dans une mission, en fait, oui, à un moment. Ah bah, il y a un moment où tu dois récupérer des caisses, tu sais, des containers en ferraille remplis de prostituées avec des hélicoptères et tu dois, je veux dire, voilà. T'as tout et n'importe quoi comme mission dans le jeu. Pourquoi pas, hein. Et c'est à partir du 3 que ça devient vraiment nawak. Ah oui, oui. Le 4, tu commences, t'es le nouveau président des États-Unis, tu dois décider d'éradiquer le cancer ou d'éradiquer la faim dans le monde. T'as le choix entre l'un des deux. T'es prêt à arriver à ça parce que le président s'est barré et que toi, tu as sauvé le monde et que tu atterris sur le bureau de la Maison Blanche. Voilà. Legit. Ah oui, non, mais la scène, tu vois, en 5 minutes, t'es président et t'as sauvé le monde. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est comme ça, Trump, que ça s'est passé. Il a pas encore détruit le monde, non, ça non va. C'est vrai. Pas encore. On s'y dirige aussi, petit à petit. C'est en travail. Hein. Lui, c'est l'inverse, tu vois, il est président d'abord et puis après, il détruit le monde. Il fait l'inverse. Alex, un truc à nous raconter? Oui, bah, on en a parlé il y a 5 minutes. J'ai regardé la saison de Stranger Things. On en a parlé en off. Pas grand chose à dire, c'est mieux que la première, mais après pas trop d'intérêt quoi. D'accord. Je pense que toi tu l'as vu, Nécro aussi tu l'as vu du coup. J'ai vu les premiers épisodes. Je sais pas si on en parle 5 minutes ou... Moi j'ai vu, j'ai beaucoup aimé donc Moi, je suis pas d'accord avec vous pour dire que ça n'apporte rien. Mais bon. C'est peut-être aussi nos générations qui fait qu'on s'attache plus à cette idée de trame narrative. Mm-hmm. Parce que ça nous touche plus par rapport à des trucs qu'on a vus dans notre enfance, dans notre jeunesse, alors que... Bah, Mais c'est peut-être pour ça que moi, la saison 1, c'était complètement osef. Après, la fin de la saison 2 m'inquiète un petit peu, parce que je pense qu'on va tourner en rond. Ah, moi, justement, je pense pas. Je pense que la saison 3 a justement amené des nouveaux trucs pour qu'on puisse s'éloigner du fameux upside down. Notamment les expériences sur d'autres enfants qui auraient été faits, quoi. Ouais. Tu vois? Si, ça peut. Vas-y, prends-le, ton paquet de bonbons, là. Ça va faire du bruit, ça va faire du bruit, tant pis. Parce que c'est vraiment le... Merde. Les gars, quoi. Issam, comment se porte ton élevage de coraux? Mon élevage de coraux va bien. Je suis en train de reconstruire la grande barrière de corail. Je sais pas si... Qui est un petit peu à la peine. Qui est un petit peu à la peine, mais c'est... C'est bon, et regardez, on fait ça. Ça prend 2 secondes et tout. Hop, voilà. C'est, je vais lancer bientôt un Tipeee pour reconstruisons la grande barrière de coraux. voilà, j'espère que ça va beaucoup donner. Mais et sinon, plus sérieusement, Plus moi j'étais sérieux. Hein. Bah, cette semaine, en dehors de, des mangas, bah, j'avais surtout travaillé sur mes autres émissions, donc rien de particulièrement intéressant. On s'est bien amusé à parler de Nanar. Alors, notamment un film qui avait l'air bien pourri. Qui s'appelle Devil Story, il était une fois le diable. Bon, il y aura les liens vers ma chaîne. Voilà. C'est à peu près tout ce que je fais de ma vie. Hein, d'accord, beaucoup de travail en gros. Ouais. Si, j'ai découvert... T'es pas obligé de péter, hein, tu sais. Même qu'il a le décor. J'ai découvert 666, un album d'Aphrodite Child, qui est vachement sympa. C'est un groupe où il y a entre autres Demis Roussos et Evangelis. Ah, d'accord. Voilà. C'est vachement sympa. C'est anticlimatique, ce comme nom, par rapport à Demis Roussos. Bah, c'était leur début, aux deux. Et c'est vachement sympa, ce qu'ils font. Ça donne l'impression que c'est le truc super putaclic qu'on ferait aujourd'hui, avant de faire le contenu de qualité, une fois que t'as des gens, quoi. Bon, ouais. Non, mais voilà, du coup... Je conseille aux auditeurs 666 de Aphrodite Child. D'accord. Et moi, comme la semaine dernière du jeu vidéo, bon, on t'a pas demandé. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Là. Bande de petits enculés. moi, ça va très souvent être du jeu de vidéo de toute façon. Et qui dit jeu vidéo en ce moment, forcément. Ouais, c'est bon, tu joues à Mario. On s'en bat c'est ça. Coups. C'est bon. On s'en fout. Forcément. Non, on s'en fout pas parce que Mario Odyssey, bah, c'est juste une putain de claque. C'est juste Nintendo qui, une fois encore, prouve que bah, c'est eux les grands patrons du jeu de plateforme en 3D. Alors que bah, plus personne n'en fait, tout simplement. C'est un genre qui est un petit peu en train de crever dans sa tombe. Alors, ce qui est super, c'est qu'ils réussissent à révolutionner le truc, mais à chaque fois avec le même personnage, les mêmes personnages, à la foutre. On va réinventer le jeu avec les mêmes personnages. C'est ça, parce que c'est un jeu qui est bourré d'idées, c'est un jeu qui est bourré de contenu. J'en suis au 8ème monde, je sais qu'il y en a encore au moins deux autres qui m'attendent, c'est juste énorme. On retrouve des grands mondes ouverts à la Mario 64 ou à la Mario Sunshine. C'est plus du tout des petits niveaux comme Mario Galaxy le proposait. Ouais. C'est vraiment des mondes plus ouverts avec des missions pour choper, alors non pas des étoiles ni des soleils, mais des lunes cette fois-ci. Et beaucoup de lunes, alors qu'à la base c'était toujours une dizaine de lunes par niveau. Là dans celui-là, selon certains niveaux, ça va être 64 lunes, des fois 45. C'est vraiment énormément de contenu. Et pour des putains d'heures de jeu encore devant moi. Et le speedrun actuel est à moins d'une heure et demie. Mm. Avec du glitch aussi, j'imagine. T'as un saut glitché surtout, qui a beaucoup permis. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est de lancer la casquette, faire un saut, rebondir sur la casquette, la relancer, et après, tu ne peux plus rebondir dessus une autre fois, mais donc t'as déjà fait un saut super étendu. Mm. Et c'est possible en speedrun ou seulement en TAS? C'est possible en speedrun, les gens ils font ça à la manette. Hein. Il n'y a pas d'émulation pour l'instant sur ça, donc... Oui. Voilà, en TAS, ce serait délicat. En TAS, c'est encore un petit peu tôt, quoi. Oui, non, c'est pas faux, j'avais pas... Je pense que là, on doit avoir des TAS sur Zelda, hein. Vu qu'ils ont commencé, ils ont réussi à l'émuler, je crois. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, à partir de l'émulateur de Wii... Je crois qu'ils ont réussi à l'émuler, ouais. C'est pas possible. Mm. Mais voilà, en tout cas, Mario Odyssey, une grosse claque. Je pense que je n'ai pas fini de le boucler. Bah, ce qui est bien, surtout, je trouve, sur le Mario Odyssey, c'est qu'ils ont pris un peu de risque, tu vois, à faire une ville avec des humains, etc. On n'en voit jamais dans les jeux de Nintendo, par exemple. Et ce niveau-là est vraiment cool, en plus. Hein. Mm. J'avais peur de me retrouver dans un niveau un petit peu bizarre, mais il est vraiment cool. C'est bien de mettre Mario dans des univers comme ça. Et puis, on peut customiser son Mario. On peut lui acheter des vêtements, et ça, c'est cool aussi. Mm. Petit clin d'œil à Jessica Rabbit. Non. La celle en rouge avec le maquillage, hein, je me suis dit... C'est Pauline, tout simplement. Ouais, mais la façon... C'est la toute première nana c'est la toute première nana dans le vieux jeu Donkey Kong que Mario sauvait. Ah, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait un tout petit clin d'œil, quand même. La façon... Puis elle n'était pas brune, Pauline. Bah si, à la base, Pauline, elle est brune. Non, parce que le fond était noir, donc elle était châtain, quoi, Pauline, si je me souviens bien, dans Donkey Kong. Bah, elle s'est fait teindre, c'est bon. Ah, voilà. On nous ment, les cheveux sont teints, voilà. Écoute, on en parlera le jour où on fera un podcast jeux vidéo. Mais pourquoi pas. Car là, il est grand temps d'aborder maintenant le sujet principal de cette émission, à savoir la critique de manga, comics et BD, quand on en lira un jour, parce que c'est vrai que depuis le début du podcast, on n'en a encore jamais abordé. Si, on a fait le monde de Zouzou. Le monde de Zouzou, ouais. Mais voilà. C'était vachement bien. Alors, parlons donc de Hattrick. Tome 3. Alors, ce mois-ci, contrairement au mois dernier, il n'y a pas énormément de bouses. Hein. Donc, réjouissons-nous. Alors, par contre, quand il y en a... L'année dernière... L'année dernière, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait Hattrick, mais... Ouais, mais quelle bouse, quand même. Ouais, c'est ça, mais il n'y en avait pas plus que ça. Ouais, mais celle-là, elle était... Elle comptait pour 10. Disons que ça a un peu liquide, donc ça tapissait un peu partout. Elle m'a tellement dégoûté que jusqu'à la fin de l'année, je suis traumatisé. Si tu vas par là, le septième qu'on va aborder va vous étonner. Ah oui, bah oui, ça. C'est pas pour rien qu'on l'a mis en septième position. C'est ça. Ah là là. Commençons tout de suite cette sélection par un titre qu'on a tous lu autour de la table. To the Abandoned Sacred Beast, édité par Pika Édition et dessiné, enfin, par le duo Maybe, puisque c'est un duo. Le dessinateur étant un ancien dessinateur de hentai. Faites-en ce que vous voulez de cette information. Ah ouais. Le réalisateur de Visual Story est un ancien réal de porno aussi. Comment il y a peut-être un lien. C'est pour ça qu'il y a une fille à gros nichons. C'est peut-être le même. C'est ça. Les plus fameux nanardeurs sont des anciens réels de cul. Hein. On n'est pas là pour faire la promo d'Issam, messieurs. Donc ça n'en vaut pas la peine. C'est quoi, De faire la promo pour Issam. Nécro, tu as pris le bouquin. Ouais. Est-ce que tu veux prendre la parole, du coup? Oh, alors, joli zoom. Oui. C'est l'histoire d'une fille qui rentre dans un saloon avec un flingue, qui décide de buter un mec qui est au fond de la salle, et tout ça pour une vengeance. Mais voilà, le mec se relève, elle va le suivre, malgré ce soit l'homme qui ait tué son père, pour essayer de comprendre pourquoi il a tué son père, sachant que il faisait partie d'une troupe d'élite à qui on a inoculé des pouvoirs qui ont fait qu'ils sont devenus super puissants, mais qui perdaient le contrôle. Mmh. Et donc ça entraîne de la folie, des gens qui ils commencent à buter des gens autour, voilà. Un peu, ça fait un peu syndrome post-traumatique, Vietnam, tout ça, enfin c'est... Je trouve l'histoire sympa, notamment le côté western qui est mis en avant au début, après on retrouve un peu du côté médiéval, fantastique, on retrouve un peu de tout ça. J'ai trouvé assez sympa. C'est vrai que le truc avec le pont fait assez western. Tout le délire autour du pont à protéger. Ouais. Même l'habillage global de l'histoire, les lieux dans lesquels ça se déroule, les habits des personnages. Mmh. C'est très western dans l'ambiance. Le côté duel dès le début. Quoi. Le premier qu'il affronte, la rue est déserte, ils sont en plein milieu d'une ville far west. Tu t'attends juste à avoir un petit coup d'harmonica et c'est parti. Quoi. Bah, et puis il se protège avec une plaque de fer. Exactement. Et ça, c'est pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars et Retour le futur 3 qui avait fait un hommage. Il y a un hommage dans le 3 et dans le 2, Biff le regarde. Voilà. T'as parlé d'harmonica, tu m'as fait penser à la vieille qui passe dans la rue. Mais ça, c'était une foreshadowing. Hein. Il y a beaucoup dans le 2. Beaucoup, beaucoup. Ils expliquent vraiment. Le 3 va se passer dans le Far West. Ils le savaient déjà, vu qu'ils le produisaient en même temps. Et voilà, c'est ça. Bref, on n'est pas dans la guerre des clapes. ne commençons pas les digressions. Bah, moi, j'ai bien aimé. C'était une petite lecture sympa. Voilà. J'attends d'en voir plus quand même avant de vraiment me dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Alors visuellement c'est très très beau par contre. Ça je pense qu'on sera un peu tous d'accord pour le dire. Entrée de la forteresse là. Voilà, il y a des points. C'est le meilleur chapitre je pense graphiquement. Bah, les créatures sont très bien ensemble. Bah, elles sont très bien et puis même niveau visuel elles sont assez originales. Mmh. Non moi je suis... J'ai été un peu sceptique sur ce que ça allait devenir pendant le tome 1, parce que ça faisait très classique, et en même temps j'avais un peu du mal à voir ce que ça voulait me raconter, quels allaient être les objectifs et compagnie. Le tome 2 m'a un peu plus donné envie de découvrir la suite, il y a une histoire, un univers vraiment sympa qui se met en place. Ouais, qui s'installe dans le tome 2. Et je trouve que la toute fin du tome 2 redistribue un peu les cartes, et pourrait poser des trucs réellement intéressants. Ça donne l'impression que ça a emprunté plein de gimmicks déjà au film, en général au début, l'univers cinéma, et ensuite que ça a emprunté plein de gimmicks un peu partout et que ça les redépoussière en les utilisant autrement, en les abriquant autrement, ce qui fait qu'on se retrouve un peu paumé dans... Ouais, et puis... Et c'est bien, c'est-à-dire que des fois on a besoin de cette errance. Et non, c'est bien réussi, moi j'ai bien aimé, toi tu l'avais lu aussi. Oui, j'attends d'en savoir plus, parce que c'est pas encore suffisant pour... Enfin, je trouve, pour faire un véritable avis définitif. Enfin, c'est pas une bouse, voilà. Oui, non, c'est d'accord là-dessus. Clairement. On n'a pas beaucoup entendu dessus. J'ai à peu près le même avis que toi. Moi, l'attrait principal, c'est vraiment de découvrir chaque créature. Ouais. Ça me plaît bien. Oui, parce que visuellement, ils sont plutôt réussis. Donc, Puis leur histoire aussi, parce que comprends. Ouais. Là, il y en a un qui se fait une forteresse à un moment. Tu sens que le mec, il n'est pas encore dans sa guerre. Et ça, c'est vraiment mon chapitre préféré. Ouais. J'ai vraiment bien kiffé ça. Bah, et puis le lien qu'il y a souvent entre leur objectif dans la vie, leur apparence et leur pouvoir. Oui. Il y a des trucs intéressants là-dessus aussi. Puis en plus, alors un truc qui m'a éclaté, c'est que la fille, elle sort tellement de nulle part dans cet univers-là. Quand tu vois comment elle est sapée par rapport à ce qui l'entoure, avec son flingue en plus, tu te dis, mais qu'est-ce que... Japon, qu'est-ce que t'as fait? Si j'avais un seul reproche à faire dans cette histoire, c'est vraiment le début dont tu parlais tout à l'heure, où elle part dans sa vengeance, et puis la page d'après, non, elle a totalement changé d'avis. C'est elle change d'avis très rapidement. Elle retombe très très vite. Moi, je l'ai pas pris comme un changement d'avis, j'ai pris sur un « putain, je comprends plus ce qui se passe ». C'est vraiment la... Des fois, il n'y a qu'une planche où on la voit à poil. Ouais, c'est... Bon, ça va. C'est pas... Ouais, c'est pas abusé. Ça va, de pervers. Et puis, c'est pas non plus trop en avant. Plus si vraiment tu voulais faire un reproche là-dessus, t'aurais dû prendre la case où c'est la blonde qui se fait tirer le corset par le petit garçon. Quoi. Là, oui, là, c'était gratuit. Quoi. Oui, totalement. Le sexe gratuit, on en parlera. Pour le fameux numéro 7 de la sélection. Oh, c'est gratuit. Non, mais justement, en parlant de gratuité, moi, je vais parler de mon coup de gueule par rapport à Sacred Beast. Ah. C'est le putain de prix du bouquin. Parce que tu penses qu'à l'argent, toi. Non, mais il faut le dire. 7,75€ pour une édition aussi nulle à yèche. Il faut le dire. 1 euro de moins, il faut le dire. Ça aurait été. Qui est si nul que ça, tu trouves l'édition? Bah écoute, elle est basique. En fait, pour lui, le prix ne justifie, il n'est pas justifié. Pas. Ouais. Le papier est le même qu'un autre manga, quoi. Le papier n'a rien de transcendant. Tu mets pas un truc à 7,75€ pour ça. Je te montre un tome de l'Attaque des Titans, c'est la même chose niveau qualité. D'impression, qualité de papier, c'est la même chose. L'Attaque des Titans, c'est 6,95€. Casterman, ça coûte combien? Berserk aussi, d'ailleurs. Casterman, c'est 8,45€. Ah, voilà, pour 70 centimes de plus, ça se voit quoi la différence. Voilà. Aussi, alors que oui, quand tu vois un Casterman, quand tu vois un Area 51, déjà il y a un vrai travail sur la couverture, sur la texture de la couverture, sur le papier, sur l'impression, voilà. Alors que là, non, c'est pas possible. Je suis d'accord, c'est très basique, mais c'est pas nul à chier. Si, par rapport au prix, si. C'est ça le truc en fait. Ah oui, voilà. Par rapport au prix, si, c'est un scandale. Ça remet pas en... Voilà, ça remet pas en cause l'auteur lui-même. Après, non, ça remet pas en cause. Après, l'édition n'est pas dégueu, mais c'est tout. Ça vaut pas 7 euros. Ça vaut pas 7 euros sanguin. C'est quoi ce prix sorti de mon cul? Peut-être que les prochains tomes seront moins chers. Non. Ça va être mieux que du Panini. Ouais. Oui, mais ça, en même temps, oui. C'est pas très compliqué. Non, mais voilà, je tenais à le dire parce que j'ai entendu d'autres personnes sur les internets dire que le prix était amplement justifié. Il a dit ça. D'autres podcasts qu'on n'énoncera pas ici. Ah. On rappelle que sur les internets, hein, même sur les réseaux sociaux, il y en a qui justifient le prix de l'iPhone 10. Donc à partir de là, je veux dire, tu justifies n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon. Enfin, Apple, ça fait 30 ans que le prix de leur matos est injustifié. Oui, voilà, ça fait 30 ans ça fait 30 ans que ça augmente à chaque nouvel appareil et que les gens continuent à acheter. Donc bon. Au bout d'un moment, le problème avec Apple, c'est que c'est pas Apple qu'on doit critiquer, c'est plutôt ceux qui continuent à acheter les yeux fermés. Ouais. C'est plutôt ça. Mais bon, ça sera pour notre podcast sur le numérique. Est-ce qu'on va parler des livres un jour ou... Alors, je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on en a fini avec toi avant de notre Beast? Oui, bah, globalement, ouais, c'est une lecture sympa quand même. Voilà, c'est ça. On attend de voir. En fait, l'univers, je pense, a énormément de potentiel. Et j'ai hâte de voir si la fin du tome 2 va relancer... permettre d'exploiter ce potentiel. Soit ça relance correctement, soit c'est casse-gueule, ça fait shonen classique et bah justement c'est je pas trouve ça. Que ça peut permettre de sortir du shonen classique. Oui, alors ça aussi hein, les gens de chez Pika le sortent en seinen. Non, c'est du shonen hein, et ça pue le shonen à plein nez. Hein, faut arrêter d'éditer des trucs en faisant genre c'est du seinen alors que c'est pas du tout vrai. Il y a un peu de sang. Il y en a qui font l'inverse hein, qui te sortent du shonen et après tu te rends compte que ça devient du seinen de plus en plus. Tu te dis mais les gars, vous savez classer ou pas? et ça aussi hein, c'est comme des trucs qu'on a eu il y a deux mois. Si t'en crois Pika, c'est la révolution de la dark fantasy. Hein. Ah bon? C'est précisé dedans. Non, c'est pas précisé dedans, mais c'était dans les documents pour les elle libraires. Elle se fait révolutionner toutes les deux mois la dark fantasy. Ah, c'est ça ouais. C'est qui qui avait fait du plus ou moins hentai en disant que c'était du shonen aussi la dernière fois? Ah, je crois que t'avais dit en disant que c'était de la dark fantasy. C'est là, c'est notre fameux numéro 7. Nous allons en parler. Ah oui, c'est ça là. Nous allons en parler, ne t'inquiète pas. Voilà. Ils disent que c'est quoi? C'est du shonen. Ils disent que c'est de la dark fantasy. Ah non, shonen. Shonen. Ah, ouais, c'est vraiment shonen. Il y a vraiment un mec qui a validé ça. C'est bon, ça passe. Bon. Et si on passait du coup au deuxième titre de cette sélection avec Necro et Issam pour nous en parler. Big Trouble in Little China, le comics. Alors que le nom du comics peut être trompeur, car ce n'est pas une adaptation de Big Trouble in Little China, c'est la suite directe du film de John Carpenter. Allez, c'est ça. Alors déjà, le titre c'est Jack Burton dans les griffes du mandarin. En français. Voilà, ce sera peut-être plus familier à certains sous ce titre-là. Le titre français, exactement. Jack Burton dans les griffes du mandarin, très rapidement, c'est l'histoire d'un camionneur joué par Kurt Russell, qui se retrouve pris dans une guerre des gangs entre magiciens à Little China. C'est n'importe quoi, ça sent bon les films hongkongais des années 80. C'est... En fait, c'est le film que Tsui Hark aurait fait aux États-Unis s'il avait réussi à faire un bon film aux États-Unis. C'est un film extraordinaire. C'est génial. Jack Burton, je vous le conseille à tous. C'est à mais voir. Ça sent le popcorn, hein, ce film-là. Hein, tu vois, c'est, on sent que Carpenter est ultra fan. C'est un film qui avait fait un bide à sa sortie, ouais, mais qui a depuis gagné une réputation de film culte. Et donc voilà, la suite en comics. Et j'ai envie de dire, si vous avez aimé le film, vous aimerez le comics. Alors, c'est un délire aussi qui est bien assumé. Là, le truc, c'est qu'il n'y a plus la contrainte des effets spéciaux qu'il y avait avec le bateau de film, surtout forcément à l'époque. Et donc, bah, on reconnaît effectivement alors, les auteurs. Les auteurs. je regarde. Les auteurs. Ça... histoire de John Carpenter et Eric Powell, scénario d'Eric Powell, dessin de Brian Churia et couleur de Michael Garland. C'est l'éditeur. J'en fous de l'éditeur. C'est Réflexion. D'accord. Voilà, réflexion. Apparemment, l'éditeur s'appelle Réflexion, je connaissais pas. Mais big up, les gars. Du coup, t'allais dire. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il peut se permettre de mettre tous les pouvoirs magiques ou les bestioles qui volent, là, du moment que y a plus souci de contraintes avec les effets spéciaux. Mmh. Là, tu prends n'importe quel... Voilà, j'ai pris un truc au pif. Là, il y a une créature qui est une sorte de fusion de géant humain à plein de têtes. Même aujourd'hui, en effets spéciaux, ça rendrait cheap, quoi. Ouais. Alors qu'en comics, ça passe tout à fait. Ou ce serait trop horreur, peut-être ? Non, ce serait, on verrait du numérique de partout qui dégueulerait, ou on verrait du latex de partout qui dégueulerait. Mais bon, dans tous les cas, on reconnaîtrait que bon, c'est pas... Dans tous les cas, ça dégueulerait. Voilà. C'est dégueulasse. Oui, non, c'est dégueulasse. C'est vraiment super fun. L'histoire est plus que légère. Hein. C'est aller chercher un objet A pour sauver personnage B. Mais c'est super bien mené, c'est très très drôle, notamment le délire autour des anciennes femmes de Jack Burton, j'ai trouvé ça très drôle. Ah, puis le délire autour du Bigfoot, là, il est pas mal non plus. Hein. Oui, oui. Le Bigfoot qui passe comme quelqu'un de tout à fait normal avec juste un t-shirt et une casquette, alors que... Non, là, c'est clairement le... comme dans les Tortues Ninja, en plus. Voilà, c'est comme dans les Tortues Ninja quand elle mettait un imper et un chapeau, oui, qu'elle disait, on a l'air humain, ça là, se voit un peu. Voilà, non, ça se voit pas. Les Tortues Ninja qui, dans le dessin animé, avaient un dirigeable. Marqué torture au-dessus. En même temps, il rencontre pas une seule créature normale sur son parcours, hein, quasiment. Tout le monde est magicien ou démon ou quelque chose. Là, un mec qui a beaucoup de chance. Il n'y a pas de gens normaux dans cet univers. Si, il y en a un, mais il est entravé, là. Et c'est en plusieurs tomes, du coup, j'ai vu. Oui, c'est le tome 1, là. Donc ça veut dire qu'il y a une suite encore. Mais il y a même un crossover qui a été fait entre le Kurt Russell de Big Little China et le Kurt Russell de New York 1999. 97. Ils ont fait un comics qui mélange les deux. Donc à mon avis, sans doute, Réflexion l'éditera chez nous d'ici quelques temps. Je pense qu'il y a eu un comics individuel New York 97. Non, par contre non. D'accord. Mais j'aime beaucoup... Ah si, mais si, que ce que je raconte, il y a eu un comics New York 97 qui pareil, c'est une suite. Mais cet acteur-là, j'aime bien. Je veux dire, ses films, même quand ils sont un peu nanars, c'est... Il y a cette patte qui fait que de toute façon c'est badass. Voilà. Il a une bonne gueule, quoi. Ouais. Et revoyez le film. Ou voyez-le si vous ne l'avez pas encore vu. Oui, par contre le film, oui, c'est clairement à voir. Bon, par contre, surtout que je pense qu'il faut le voir avant de lire le comics. Parce oui, que c'est mieux, parce que c'est la suite directe. Direct. Ça commence 5 minutes après. Après, oui, toi, Nécro, qui n'a pas vu le film. Ah ouais, ça va pas choquer. Voilà, ça t'a pas perturbé outre mesure. J'ai pas vu le film et j'ai pu apprendre l'aventure telle qu'elle. T'as pas besoin de connaître beaucoup de background. Ah oui, non, quoi. En même temps, il n'y a pas énormément de background dans le film. Hein. L'histoire est très simple. Disons peut-être que tu vas louper quelques petites références. Mais... Voilà. Ouais, c'est ça. Mais vu que t'as pas vu le film, t'as pas l'impression d'avoir loupé une référence, donc ça choque pas. Voilà. Bon, par contre, on va pas s'attarder sur l'édition qui est très basique. Oui, ouais, coup, c'est couverture souple. Peut-être une couverture solide, ça aurait été plus sympa. Bah, même peut-être un peu plus grand format, parce que là, on est vraiment sur du format tout petit, à un prix quand même quasiment 15€. Élevé, Après, c'est le souci des... Là où on pardonne à Réflexion, et que je pardonne pas à Pika, par exemple, c'est que Réflexion est un tout petit éditeur qui n'a pas forcément les moyens. Là où Pika... qui quand même, on va pas me faire croire qu'un éditeur qui édite Fairy Tail, Seven Deadly Sins et Attaque des Titans, on va pas me faire croire qu'ils ont pas les moyens de vendre un manga à 9,95, à 6,95 au lieu de 7,75 alors que ça les vaut pas. Voilà, parenthèse fermée. Ça dénonce, ça, c'est marqué. Hein. T'es rancunier. Hein. Ah, je suis énervé. Mais t'as qu'à baisser les prix en boutique si ça te gêne. Ah, bah écoute, la loi, la loi Jack Lang me l'interdit. Pas, donc, tu fais pas ton Macron hein, à dire ouais. Hey, vous pouvez pas faire un effort pour compenser l'augmentation. S'il vous plaît, les propriétaires, baissez ça comment. La loi Jack Lang me l'interdit. Hein. Ouais. Je serais déloyal et tout. Voilà. Voilà, c'est ça, espèce de petit salaud. Bon, si on passait au troisième titre de cette sélection, on va rester dans du comics, on va rester dans du comics indépendant. On va vous parler de Private Eyes, édité par Urban Comics, écrit par Kavogan, un auteur de talent, et dessiné par qui, mon cher Necro? Est-ce que tu peux nous dire ça, vu que c'est toi qui as le bouquin dans les mains? Marco Martin. Merci, Fogier, Alex. Et avec la collaboration de Munsa Vicente. Qui doit sûrement être à la colo ou quelque chose comme ça. Oui, à mon avis, il est à la colo. Oui, parce que dans les notes, à la fin du tome, il est évoqué nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les noms qui sont alignés. Voilà. Ouais. Ah la vache. On a trouvé. Non. Oui. Oui. Lettrage, non. Non. Non plus. Il a peut-être juste préparé le café, en fait. Non, en fait, c'est vrai qu'il n'est jamais cité. Il n'y a que Marcos Martin, là, qui est cité. Est-ce que ça serait pas le propriétaire du site sur lequel ça a été publié à la base, parce qu'à la base c'est un webcomics. Ouais, mais je sais qui pas. Ensuite a été publié en format relié. Moi, comme je ne connais pas, je ne sais pas. Alors, je serais pas le meilleur. On va éviter de dire des conneries, donc on va arrêter de supposer. Je serais pas le meilleur pour faire un résumé, sinon, par contre. Alors, c'est très simple, ça se passe dans un futur plus ou moins lointain. Je crois qu'il n'y a pas de temporalité indiquée. Il n'y a pas de temporalité indiquée, hein. C'est juste un futur où le cloud a été rudement piraté. Ça aussi, alors on n'a pas trop d'indications si c'est mondial ou si c'est arrivé qu'aux États-Unis, ce souci-là. Bon, de toute façon, si ça arrive qu'aux États-Unis, c'est mondial pour eux. Donc, oui, voilà. Le monde ne se résume qu'à... Pour un truc comme Internet, c'est dur d'envisager que ça puisse se localiser. Vrai. C'est vrai. Mais donc, voilà, le cloud a été piraté, les informations personnelles de tout à chacun, de la plus grande célébrité au plus petit citoyen lambda, ont fuité. On connaît tout sur tout, et sur tout le monde surtout. Et donc, du coup, la population décide de vivre entièrement masquée afin de cacher le peu d'identité secrète qu'il leur reste. Voilà, en gros, le pitch de base. Et donc, on suit l'histoire d'un personnage qui est détective privé et qui va se faire embaucher dans une affaire qui, à la base, semblait une petite affaire d'adultère à la con et qui, au final, part légèrement en cahuète. Est-ce que ce résumé vous convient, messieurs? Tout à fait. Moi, ça me semble bien, ouais. Tu vas le refaire. On va l'enregistrer une deuxième fois pour être sûr. Histoire d'être sûr que je dis pas des conneries. On notera qu'au niveau des masques, ils se sont fait plaisir parce que t'as des références à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Oui. Je veux dire, t'as du Rocketeer, t'as du. Y a un petit peu de tout, ouais. T'as eu plus ou moins Simi, Spider-Man, t'as de tout. Bah, globalement, le dessinateur à tous les niveaux s'est fait plaisir. Mais avant ça, avant d'aborder les masques, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore évoqué et qui serait peut-être important d'évoquer, c'est le format du comics en lui-même. Oui. Alors, il est en format horizontal. À l'italienne. Paysage, ouais. Paysage ou à l'italienne, comme on dit. Je crois que, en fait, dans les notes, strip. À la fin, ils disent que ils ont voulu adopter un format 16/9. Oui. Voilà. Bah, je crois qu'on appelle ça à l'italienne. En fait. Peut-être, mais eux, ils disent 16/9. Non, je sais pas. Je m'en fous, j'aime pas les ritales. Mais c'est très beau l'Italie. Le problème, c'est qu'il y a plein d'Italiens. Bah, ils font beaucoup mal à la barrière de corail, les Italiens. Ah, d'accord. Je savais même pas qu'Urban avait une collection strip. Enfin, de Corot, pardon. Si, si, ils éditent. Ils éditent Codo. Ils éditent Agare du Nord. Il y avait un autre truc. C'est l'histoire d'un. Alors, Agare du Nord, c'est la traduction française hein, qui veut ça. C'est l'histoire d'un petit viking, en fait, qui. C'est une série de gags, un petit peu à la Snoopy. Oui. Sauf que la traduction française, c'est Agare du Nord. Je regardais c'est ça quand fun, j'étais petit. Quand j'étais petit, ça date un peu. Agare c'est vieux, Agare du Nord. Ouais, j'aimais bien. Ouais. Donc voilà, ils ont ça dans leur collection. Ils ont il y avait un autre comic qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de couverture rouge, là. C'était quoi? J'ai oublié. Spider-Man? Non. Alors. Tu dis pas que des conneries parce qu'il y a des strips, hein, Spider-Man. Parce qu'il y a une époque où Spider-Man a été publié en strip dans un. Je sais plus quel journal américain, mais du coup Panini les a sortis en France. C'est Urban qui font aussi la publication du. Espèce d'artbook de parodie de super-héros, là. Un peu sexuel et tout. Putain, mais si j'ai pas. Non, c'est pas Urban. Non, c'est pas Urban. C'est un autre éditeur. C'est un autre éditeur. Mais oui, qui est en format. Ouais, qui est en format comme ça aussi. En format strip. Alors, il y a un truc que j'ai noté sinon au niveau de. Du comics en lui-même, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une évolution graphique au fur et à mesure que l'histoire avance. Et le truc qui me gênait, effectivement, comme j'avais dit, c'est le côté statique dans les débuts. C'est-à-dire que tu as l'impression, des fois, que t'as un mannequin qui a été posé, t'as un mannequin en bois qui a été posé et qui l'a fait par rapport à ça, mais que du coup, ça... t'as vraiment cette impression figée ou cette impression pas possible au niveau atomique. Moi, ça m'a pas marqué, moi. Bah, moi non plus, personnellement, ça m'a pas. Je vois ce que tu veux dire, je comprends très bien ce que t'as pu ressentir, mais je l'ai pas ressenti, moi, de mon côté. Et Sam non plus, apparemment. Non. C'est... Moi, vraiment, j'ai trouvé ça très joli visuellement dès le début. Il y a un univers graphique assez riche, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, univers graphique et même univers, quoi, oui. En lui-même. C'est super intéressant comme, ouais, comme point de départ d'une histoire. Et puis, oui, l'histoire qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des chapitres, c'est super bien mené, c'est super intéressant. Moi, le seul reproche que j'aurais, c'est que, justement, je trouve que les auteurs ne mettent pas à profit le format strip. Mmh. Tu sais, c'est très quadrillé, en fait. C'est très, le dessin est très classique. C'est du quadrillage tout simple, en fait. Ouais. Y a pas, si, au début, à un moment, il y a une double page où tu vois sur chacune des pages les personnages qui se tournent le dos. Et c'est l'une des rares fois où le format strip est utilisé à bon escient. Sinon, c'est un découpage très classique, en fait. Ça serait mon principal reproche sur l'aspect visuel du comics. Parce qu'après, tout le reste, pour moi, c'est juste parfait. Pour moi, c'est une grosse recommandation. Ah oui, hein, carrément, oui. Que ce soit l'édition en elle-même, tout est bien foutu. Puis même, il y a une réflexion assez intéressante, toujours, justement, d'Internet, ouais, de la vie privée et compagnie. C'est ça, sur les déviances, un petit peu, que ça peut mener. Et qui devient de plus en plus profonde au fur et à mesure, surtout. Mmh. Ça va pas tellement choquer, parce que c'est un thème que j'ai déjà vu plusieurs fois dans d'autres œuvres. Enfin, ça va pas... Donc, ça va pas marquer plus que ça, parce que pour moi, c'était déjà du réchauffé. Après, bon, c'est la façon de l'intégrer dans l'histoire qui était intéressant. Ouais. Et puis même, les personnages sont plutôt cool, hein. Le personnage principal, au début de l'histoire, est un petit peu détestable, je trouve. Oui. Il est un petit peu hautain, il est un petit peu sûr de lui. Voilà. Disons qu'il gagne en rédemption au fur et à mesure du bouquin. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, il est un petit peu pète-couille, quoi. Le personnage de son grand-père est fun. Ouais, par contre, oui. C'est le grand-père qui a connu Internet. Bah, en fait, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a des grands-pères d'aujourd'hui. Bah, en fait, c'est un grand-père de notre génération. C'est enfin, ça. C'est quand nous, on sera grand-père, en fait, son grand-père. Il y a quand même une chaise couleur peau de zèbre. Hein. Voilà. Bon, là, c'est pas trop notre génération. Mais ça aussi, à la limite, ça serait un petit truc. Peut-être que quand on évolue, on se met à aimer la peau de zèbre. À la limite, ça serait un petit truc que je pourrais reprocher, c'est que le grand-père, il a connu tout ce qui est smartphone et tout. Donc, c'est sous-entendu que bah, c'est notre génération. Et genre, son petit-fils, lui, il sait pas du tout comment ça marche. Alors que, bah, quand même, au bout d'un moment, c'est pas comme si ça avait... Alors, c'est pas comme si ça existait plus depuis 10 000 ans, quoi, tu vois. Oui, non. Bah, ça n'existe plus que depuis une vingtaine d'années. Tu montres des enfants, aujourd'hui, un Polaroid et un téléphone à cadran. Oui, mais... Et une Game Boy, voilà, ça va être délicat. Oui, mais... il cherche le tactile. Non, mais à des enfants. Mais le personnage principal, c'est pas un enfant, il a une trentaine d'années, il est détective. Tu vois, il y a quand même, renseigne-toi un minimum, quoi. Ah oui, mais je veux dire, ceux qui ont la trentaine aujourd'hui, bah, c'est ceux qui ont connu les années 80, un peu, oui, 90. Mais... Je veux dire, on a baigné dedans quand même. Je veux dire, des téléphones à cadran, on en a tous touché. Oui. Mais il y a un moment où, non, il y a un moment où bah, ça va juste être ce qu'on en dira. Et eux, ils se diront, bah ouais, mais c'était de la merde. Ouais, lui, il l'a peut-être connu quelques années, mais je comprends qu'il l'ait oublié. Pour moi, ça me perturbe. Pour moi, c'est aussi perturbant que... parallèle cinéma, pour moi c'est aussi perturbant que le fait qu'au début de Star Wars 7 tout le monde ait oublié ce spoil pas, je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Tout le monde a oublié ce que c'est que les Jedi, quoi, au début de Star Wars 7, alors que ça fait que 30 ans qu'ils sont plus là, quoi. C'est bon, les gars, ça fait que 30 ans qu'ils sont plus là, vous pouvez pas avoir oublié l'existence des Jedi, surtout que ça fait deux fois que ça arrive. Bah ça, oui, parce en plus, que quand quoi. Tu reprends l'épisode 4, tu te non, dis mais... bah ils ont déjà plus ou moins mais... oublié que ça existait, mais alors sauf... qu'il y avait non, une putain de corruption. Très bonne explication à ça dans le Star Wars 7, c'était que c'était dans le scénario du 4, donc ils ne pouvaient pas le palmettre. Non, mais alors que pour le si coup, vous voulez faire un hommage. Entre le 3 et le 4, il y a une bonne raison. C'est que pour le coup, c'est l'Empire qui a fait de la propagande et qui a fait en sorte. Là, il y a une vraie raison scénaristique. La grosse différence dans le 7, c'est que Leia, elle est plus vieille. Voilà. Mais bref, pour moi, c'est le seul petit souci que j'aurais. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Hein? Oui, c'est pas bien, c'était en Mars 7. C'est pas bizarre que j'aurais employé comme terme. Non, mais ouais, ça me choque pas plus que ça. C'est ouais. Quand vraiment. Quand tu vois par exemple, il y en a qui sont capables de dire oh putain, tu connais pas telle application, mais t'as raté ta vie. Alors qu'en fait, ils connaissent pas nous ce qu'on a vécu aussi. Je veux dire qu'on a tous eu pratiquement la même richesse. Tout bêtement, là, si on te mettait un Minitel sous les yeux, est-ce que tu saurais encore l'utiliser Oui, parce que je sais comment utiliser un Minitel, vu que j'ai grandi à l'époque des Minitel, donc. Ouais. Voilà, par tout contre, simplement. Tu montres ça à quelqu'un en disant, tu vois, ça c'est l'ancêtre d'Internet, il va avoir du mal quand même avec. Hein. Ouais, voilà. Mais il y avait on faisait du ski, c'était que pendant ces 8-9 premières années que ce genre de téléphone existait, il n'y en a peut-être tout simplement pas eu quand il était gosse, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, enfin, de là à ne pas savoir comment l'allumer, c'est quand même gros, quoi. Bah, il y en a, ils savent pas allumer une Game Boy, hein. Il y a des enfants, tu leur mets une Game Boy dans les mains. Oui, mais encore une fois, ne compare pas des enfants à des adultes. Bah, 9 ans, t'es un enfant. Mais là, il a pas 9 ans le personnage, il en a une trentaine d'années. Bah, c'est pas ça qu'il disait il y a 5 secondes. Oui, mais je disais s'il a connu un truc que pendant 8-9 ans. Voilà. Non, je suis en train de chercher un truc qu'il y avait dans les années 70 et qu'on n'aurait pas connu et qu'on sait pas du tout comment ça marche. Alors que tu vois. Le disco. Alors que tu vois. J'ai pas entendu en pas de def. Non, c'était pas. Non, mais sérieusement. Alors que le bouton d'allumage d'un appareil électronique, c'est le même depuis des centaines d'années. Enfin, des centaines d'années. Depuis 50 ans, c'est le même. Des centaines, tu vois. Depuis 50 ans, c'est le putain de symbole qui est là. Oui. Tout le monde le connaît, ce symbole-là d'allumage. C'est bon, quoi. C'est tout. Moi, ça me paraît bizarre. Encore une fois, tu peux pas comparer. Dans 30 ans, on nous dira, ça se trouve, quoi ? Vous utilisez des boutons, vous ? Faites pas par la pensée, peut-être. Sérieux ? Et encore une fois, tu peux pas comparer la réaction d'un enfant à celle d'un adulte. Tu vois qu'un enfant qui cherche du tactile, je veux bien, c'est un enfant. Mm. Un adulte, tu lui mets une Game Boy entre les mains, il sait très bien que c'est pas tactile de base, il va le savoir. Oui. Si tu veux. Enfin, je sais pas, ça me perturbe. Moi, non. Bah, c'est bien. Je te dis. Sur ces mots. On en parle dans 30 ans. On se met ça dans un coin, et puis on se donne rendez-vous dans 30 ans. On en parle dans 30 ans quand on aura tous des enfants. Et on se dira, putain, ils sont cons quand même, les jeunes, de pas comprendre que ça fonctionne comme ça. Alors, moi, je l'ai pas lu, je vois le prix. Ah, le prix est un petit peu élevé. Justifié ou pas ? Le prix est un petit peu élevé. Moi, je l'aurais L'édition plus. L'édition est vraiment belle. Ouais, mais je l'aurais. C'est un peu cher. De là que ça vaille, 28 euros. 5 euros le moins, peut-être. Je l'aurais plus mis aux alentours de 25. Moi, je m'attendais à 20 euros. Il est à 22,50 plutôt. Y a pas, ça n'existe pas, 20 euros chez Urban. Oui, non, mais enfin dans la vingtaine, quoi. Voilà, 22,50 chez Urban. Urban, leur tarif, c'est 19, 22,50, et ensuite, c'est 28, voilà. Oui, bon, sinon, ça présente bien. Quoi, c'est vrai, ouais. Je pense que du moment que c'est un peu original, il gonfle un peu. Après, c'est aussi, je pense que... Il n'y a pas forcément des grosses ventes. Il n'y a pas que l'histoire d'originalité, c'est-à-dire quelque chose qui touche un public plus ou moins de niche, où ils sont pas assurés, des fois, de faire des ventes exceptionnelles. Des fois, ils vont monter un peu le prix pour minimiser les pertes. Moi, je pense à l'originalité de l'édition. Bah oui, c'est surtout ça. On voit pas souvent. Je pense que tous les imprimeurs n'ont pas forcément peut-être les moyens d'imprimer un format aussi comme ça facilement. Aussi, et donc, oui. Je pense donc ça demande des prix. Voilà, ça peut demander des moyens plus élevés. Enfin, y a plein de raisons qui font que ce truc-là peut effectivement coûter plus cher que... Après, quoi qu'il en soit, l'édition est plus que jolie, quoi. Ouais, oui, elle est sympa. Il y a le petit signé. Oui, voilà, c'est ça, pour ça a l'air de marque-page. C'est très, très cool. Ça, c'est bien, ça. Ah, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Oui, c'est évident. Ça manque, hein, franchement. Voilà. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Dans 20 ans, il n'y aura plus de livres, mon petit monsieur. Nos futurs. le fameux papy. À la lecture, ça fait pas, c'est pas un peu fragile Non, à aucun, moment, à aucun moment, je me suis dit que j'allais abîmer le bouquin en le lisant. Pas du tout. Non. Bonne qualité de page. Ouais. Bonne qualité de page. Et les blancs sont bien blancs. C'est-à-dire qu'il y a des pages, des fois... Non, mais il y a des pages, des fois... Bon, aussi, on a compris... Urban Comics, là, plus blanc que blanc. Je suis déjà tombé sur des comics ou des BD où c'est, ça, c'était un peu beige, très légèrement beige. Et tu sentais que c'était une édition où ils n'avaient pas mis la qualité maximale. Ouais. Comme ça, tu veux dire Panini c'est... Manga. On avait eu ça, des blancs un peu crémeux sur... Non, ça, c'est... On appelle ça des métis, ils savent. Sur le numéro 7. C'était lecture perso, ça, ils savent. On appelle ça sur des métis. Sur le numéro 7. Non, sur Silver. Arrêtez. C'était volontaire dans Silver. Oui, sur Silver, c'était volontaire. Et d'accord. Les cases étaient blanches. Les cases étaient blanches. Ouais. Voilà. Les bulles, vous voulez dire. Oui, les bulles. Pardon. Oui, vu que c'est cases sur... Oui, bien. Silver, c'était bien. Oui, non, c'est oui, mais c'est bulles dans cases. C'est les bulles. Oui, Silver, c'était bien. Ouais. Nous attendons le tome 2 avec grande impatience, tous les trois. Nous attendons le tome 2. Avec grande impatience. D'accord. Est-ce qu'on bouclerait pas le sujet Private Eyes? Si, ça me paraît bien. Avec une grosse recommandation quand même. Ouais, voilà. Même toi, au final, même si l'aspect visuel au début te déplaisait un peu. Ouais, c'est un truc. Le propos rattrape le jeu. Moi, mais voilà, c'est. Je veux dire, à part ça, j'ai rien à dire dessus de mal. Hein. Tout va bien. C'est bon, nous n'aurons pas à te lapider après l'émission. Même Alex recommande parce qu'il a reçu un chèque de l'auditeur. Oui, je le recommande, mais mille fois. Enfin, c'est l'œuvre magistrale 2017. De toute façon, tu l'auras lu si t'as lu. Ils t'ont payé cher. Bah, je crois que l'éditeur t'avait dit de faire une chanson aussi, un slogan chanté. Oui, je le ferai à la fin. Voilà, restez jusqu'à la fin du podcast, ne vous inquiétez pas, je chanterai. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On a engagé Jules pour composer la mélodie. Oh putain. La vache. La du... sur une musique de Black M. Et d'ailleurs, ouais, non, ça vaut pas le coup. Non, ah. j'ai compris enfin pourquoi il faisait comme ça. Et pourquoi il fait comme ça? Parce que ça fait Jules. J-U-L. C'est bien, voilà, c'est... vous avez la même réaction que moi. Moi aussi, j'avais jamais capté que ça faisait Jules. Ah, bah, tu vois, quand il fait ça avec ses doigts, là, comme ça, ça fait Jules. C'est bien, c'est vachement bien pour un podcast. Non, mais je pense que les auditeurs comprennent ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, tu vois, je le savais pas, et maintenant que je le sais, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais moi, j'ai appris ça l'autre fois, je me suis dit, mais quel génie. Ou pas. Non, ou pas. Ou pas, c'est lui. Oui, c'est ça, ou pas. Mais c'est bien, je suis pas le seul à... C'est bien. Je me sens comme le vieux dans Futurama. Très marrant d'ailleurs par rapport à Jules. Je sais qu'il faut pas tout le monde tape dessus. C'est un peu le bouc émissaire. Ouais, c'est un petit peu le bouc émissaire. Faut pas tirer sur l'ambulance, mais quand elle cherche aussi. Ouais, c'est. Je sais pas si vous avez eu son message sur Facebook quand il a été arrêté pour excès de vitesse ou je sais plus trop quoi et qu'il a mis un message d'excuse sur Facebook. Mais c'est un truc. C'est un truc d'enfant de primaire quoi. C'est ça. Il y a 200 fautes d'orthographe dans son machin. Il y a 200 fautes par mot. C'est à se demander s'il fait pas exprès. C'est à se demander s'il fait pas exprès. Si c'est pas un style. Ah, peut-être pour peut-être entretenir. C'est l'image, quoi. C'est l'image de Jules. Ouais, ouais, mais. C'est une image de con, mais c'est une image. Oui, oui. Non, certes, mais bon. Enfin, Nabila aussi, hein, je pense qu'elle faisait exprès, mais c'est pas excusable pour autant. Ah, pour les coups de couteau, elle a fait exprès. Hein. L'honneur, au bout d'un an. Vas-y, plante-moi. Au bout d'un an, on peut avoir un minimum de fierté, quoi. Voilà, alors c'était le moment people de cette émission. Et le moment closer. Beaucoup de digressions, comme d'habitude, hein, la team digression est encore là. Et elles font du bien. On va la faire à chaque fois, elle fera jamais rire personne, celle-là. De quoi? J'en fous, un jour ce sera la mode. De quoi, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit digression, j'ai digression. D'accord, voilà. D'accord. Merde. Alors ça, faut la pas... soundbox qui foire. Il faut pas le couper ça. Ah, faut pas le couper. Voilà. D'ailleurs, on va laisser le. C'est au point. Hein. Bah oui. Ça marche bien. Bah, ça fait quoi si j'appuie là? Ça fait rien. Ça fait rien. Bon, si. Suivant, je vais la garder. Ah, c'est une insulte ça. Ça fait ça. Ah, bah c'était bien. Voilà. Bon, et si on passait au prochain titre de cette émission, cette émission justement... qui part complètement. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est ou pas est-ce celui-là. Que c'est l'autre. C'est l'autre. Voilà, c'est l'autre. Moi, j'ai pas lu. C'est vous deux. Bah, vous avez bien fait, fallait pas le lire. Bah, pourquoi? Bah, pourquoi? Alors, nous parlons de Reborn. Écrit par Marc Millar et dessiné par Greg Capullo. Qu'on remercie pour ça. Oui, parce que c'est magnifique, mais c'est tout ce qu'on aura à dire de l'œuvre, finalement. C'est juste beau. Vous m'excuserez, comme ça m'intéresse pas, pendant que vous parlez, je regarde un manga de cul, moi. Oui, en plus, c'est un excellent manga, t'as raison. Non mais je fais un setup payoff pour le mois prochain. Édité par Panini. Panini, ouais. Bah, comme tous les autres Marc Millar, de toute façon. C'est ça. Alors Reborn, c'est simple, c'est et si après la mort il y avait finalement un autre monde. Bah, ce qui est un bon postulat de départ. Oui. Oui, oui. Ah les idées, j'ai rien à reprocher. Bref. Et si le fait d'être gentil ou méchant durant sa vie, ça a une influence justement dans ce nouveau monde après. Ça, c'est un petit peu trop tout est blanc ou tout est noir, quoi. Et si finalement, après la mort, on était dans un espèce de JRPG, Dark Fantasy, bah, ça, c'est parce que c'est la mode. Le bien s'affronte contre le mal. Ça, c'est parce que c'est la mode du moment. Et bien voilà, c'est Reborn et c'est pourri. Non, c'est pas pourri. Si. Bah non. La couverture elle est très bien. Hein. Ouais, bah, oui, mais c'est ce que je dis. Capullo, c'est magnifique. Mais, ah, mais ça, visuellement, on peut rien reprocher. Et puis le petit bandeau qui est mis autour pour dire par les auteurs de. Ah, bah ça, c'est. Aussi, hein. Ouais, puis même, tu sais, avec la sortie de Netflix, le partenariat avec Millar, etc. Oui. Mm-hmm. Il y avait le petit bandeau aussi sur Electric. Ouais, il était très bien. Hein. Mon plus gros reproche en fait sur Reborn, c'est que l'histoire s'enchaîne beaucoup trop vite et qu'il n'y a aucun travail scénaristique pour moi. Bah, en fait, ça aurait gagné à être une autre c'est... vie, en fait. Ouais, non, mais typiquement, là, on a vraiment l'exemple parfait du travail de Marc Millar à faire des espèces de scénarios pour séries. Ouais. Séries, films, voilà, ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ça aurait gagné à être en 12 ou alors à être une ongoing. Mmh. Tout simplement. Ce fait que, du coup, c'est un magnifique storyboard. En c'est gros, ça. C'est un scénario beaucoup trop riche pour ce que c'est ça. Non, mais il y a plein d'idées, c'est en séries, films, ça doit être génial. Et c'est pour ça que tu peux pas qualifier ça de pourri non plus, parce qu'il y a plein de bonnes idées dedans. Si, parce que le fait d'en faire un comics comme ça, ça ne sert à rien. fais une série ou un film si tu veux faire ça, mais ne fais pas un comic, ça sert à rien. Ça sera fait. Donc, pour toi, c'est vraiment le médium qui est mal exploité. Ouais, et qui c'est ça. Pu être autre chose. C'est vraiment le problème récurrent avec Mark Millar sur ses dernières œuvres, c'est qu'il fait Sauf Huck dernièrement. Ouais, mais Huck, c'est récent d'ailleurs. Ouais. J'avais fait l'erreur la dernière fois. Il a de superbes idées, superbes univers. Il essaye de créer son Millar World. Alors que j'attends toujours les connexions entre ses dernières œuvres. Mais parce que, mis à part dans des arts faits par des auteurs, il n'y a aucun rapport. Voilà, il va pas jusqu'au fond. En fait, il fait sa petite truc, fait son petit storyboard, et puis voilà. Et après, il te le vend ça comme un comics. Mais pour moi, à partir du moment où il y a des bonnes idées, tu peux pas dire que c'est pourri, c'est tout simplement. Bah si, parce que le rendu à la fin en comics, il est pas bon. Je suis sûr que si tu cherches, il y a des bonnes idées dans le programme de Macron. Quoi ? Le truc incomparable. Le comics, pour moi, il est pas bon, il n'est pas abouti, Millar, il est feignant. Est-ce que c'est de la flemme ou est-ce que c'est qu'il pouvait pas développer de toute façon par ce médium-là que de base il pouvait largement développer, il pouvait faire une série plus longue, tout simplement. Ah, mais ouais. Est-ce qu'on l'a laissé faire ? Millar, à mon avis, t'inquiète pas, il pèse suffisamment dans le game pour qu'il dise je vais faire une ongoing, on le laisse faire une ongoing, quoi. Là, surtout que c'est édité par Image Comics. C'est Image, ça, ouais. Donc, Image, il l'aurait largement laissé faire une ongoing s'il avait voulu. C'est Millar surtout, quoi, donc il l'aurait laissé faire. Hein. Clairement, ouais. On notera que pour du Panini, c'est de la bonne qualité. Ah, par contre, le travail éditorial est chouette. Hein. Voilà. Il y a les covers entre chaque numéro. Voilà. C'est bien respecté, ça. Le papier est bien, la couverture, c'est... Non, mais clairement, les points forts, c'est l'édition et surtout les dessins de Capullo. Ouais, les dessins de Capullo sont magnifiques. Regarde, ils sont très beaux, les dessins, mais ils font très cliché de la fantasy, quand même. En même temps, l'univers est cliché de la fantasy. Mais tu vois, moi, si j'avais dû lire un éditeur au hasard, j'aurais dit Soleil. Le scénario est très peu exploité. Enfin, il a de superbes idées, Millar, mais il fait son petit storyboard. Là, c'est bien que maintenant, il ait son partenariat avec Netflix. L'idée, il va faire ses trucs, c'est super, j'attends de voir. Moi j'ai beaucoup aimé l'idée du chat. Oui. Parmi les méchants, il y a le chat que la personnage principale avait comme chat domestique, et qui du coup est passé du côté des méchants parce qu'il veut se venger d'elle pour l'avoir castrée. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais ça marche aussi pour les animaux. Ça marche aussi pour les animaux. Qui s'humanisent et qui deviennent des personnages. Ça, c'est une très très bonne idée, c'est la page que tu tenais avec l'autre main. Mais pareil, par exemple, le personnage du chat qui est super badass. Il est expédié en 3 secondes. Il est expédié en 3 secondes. Ça, c'est complètement con. C'est débile. C'est stupide. Même le méchant de fin, il est expédié en 3 secondes aussi. Hein. Oui, mais oui. Tout expédié en 3 secondes. Tu vas le voir, on voit avec tes lunettes. Donc, oui, dans les bonnes idées, t'as le chat. Les bonnes idées aussi, il y a le mari finalement. Qui, là, par contre, on est loin du cliché, qui retourne pas du tout avec elle et qui a fait sa vie dans son coin. La reine des fées aussi, qui est sympa, je trouve. Ouais, mais qui retourne pareil. Que pour le truc, elle retourne sa veste à une vitesse grand V. C'est tout le temps comme ça, elle retourne sa veste à vitesse grand V, quoi. Donc, pas vraiment une recommandation, mais éventuellement, ça pourrait donner une bonne adaptation. Emprunter à la médiathèque du coin et puis à attendre la série ou film. Clairement, en Millar, on recommandera d'autres trucs, quoi. C'est clair que c'est clairement pas l'œuvre de sa vie. J'avais pas lu, c'est en presse aussi qu'il l'avait fait, je crois. Millar, ouais. Je l'avais pas lu en presse, mais je pense que ça va être le même problème, quoi. En presse, c'est cool. Un enchaînement de bonnes idées, mais pas du tout exploité. Si, en presse, c'est cool. Non, c'était cool. Ouais. Millar, c'est pas nouveau qu'il y ait des trucs inégaux dans sa. Le bon Millar est loin, quoi. Même Kick-Ass, le premier, excellent. Les deux autres ont des. Enfin, le 2, j'aime bien. Le 3, je le trouve assez faible. Alors, moi, c'est l'inverse. Moi, le 2, j'ai détesté et j'ai bien beaucoup aimé le 3. Le 2 a des défauts, mais je trouve que ça reste bien. Le 3, je trouve qu'il est vide, en fait. Puis c'est de la violence. Il commence très, très bien, le 3. Le premier chapitre est excellent. C'est le 2 que j'ai trouvé. Violence gratuite et pas terrible. Ouais. Le 3, j'ai bien aimé. Hit Girl, c'était nul. Moi, j'ai pas lu. Hit Girl, c'était pas terrible. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Millar, dernièrement? Par contre, en adaptation, j'ai préféré le 2. Nemesis, c'était nul. Le truc là avec le gamin paraplégique qui devient un super-héros. Supérieur. Alors, supérieur, la fin, elle est ultra bidon. Moi, j'ai toujours pas lu. Bon, après, c'est c'est Lenin Francis Yu qui vient avec l'illustre. Donc, à mon avis, ça doit être magnifique. Ouais, c'est joli. Mais la fin, elle est bidon, mais au possible. Vraiment. C'est genre, tu lis et arrivé à la fin, tu fais ah ouais, tout ça pour ça. Non. Non. MPH, c'était cool. De Millar. MPH, ouais, c'est bien. Il y a vraiment un début, un milieu, une fin. C'est parfait, MPH. C'est très très cool. Et Starlight aussi, dernièrement, qui est très très bien. Il y avait aussi Chrononauts, mais celui-là, il avait pas l'air d'être très... Ah, l'histoire, elle est pas terrible. Hein. Ça doit pas être transcendant. Hein. C'est Sean Murphy au dessin, donc voilà. Surtout qu'en plus, Chrononauts, c'était vraiment le coup d'appuyer sur le Millar World, justement, je pense, de naviguer entre tous les univers des autres séries. Puis ils l'ont pas fait, quoi. Il l'a pas fait. Voilà. il ose pas. Ou alors il a la flemme. Il a la flemme, je te dis. Il attendait, je pense, son partenariat comme ça avec Netflix ou une autre plateforme vidéo. Et... Surtout que là, je repensais justement le fait de passer dans tous les univers d'un auteur et tout. C'est ce qu'avait fait aussi. On avait parlé avec Stephen King. Dans oui, la Tour Sombre. La Tour Sombre, c'est la Tour Sombre, tu vois, justement, ça parle d'un peu tout et n'importe quoi dans ses œuvres. Tu dis, ah ouais, c'est cool. Mmh. Parce que c'est amené de façon pas trop violente, pas trop dégueu. Donc il y a moyen de faire ça dans quelqu'un qui a, mais... pour quelqu'un qui a fait des œuvres autant, surtout. Mais en plus, il est con, parce qu'il y a plein d'œuvres de Millar que c'est facile à relier quoi, entre elles. Hein. Ouais, il y en a plein, c'est pas dur. Hein. C'est facile. Il y a plein d'œuvres que c'est facile. Voilà, donc l'idée de départ m'a vachement séduite, mais tout le reste. Pas du tout exploité. Quoi. Ça aurait gagné, elle durerait plus longtemps. Ouais, être un vrai comics. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Bon, on a fini alors. C'est quoi le prochain? Le prochain, tu vas garder la parole. Ah, c'est bon. Tu vas parler avec Necro et avec Issam d'un autre comics qui est juste devant toi. Oui. Juste un peu de cendre. C'est un comics français, je crois. Oui. Édité par Glénat Comics. Putain, c'est les Français encore? Bah ouais. Là, on fait pas que du hat-trick, mon gars. Hein. Ben, ah ouais, non, mais je vais dire, c'est la même équipe. Il y a aussi un autre français. Ce sera le mois prochain. Voilà, le mois prochain. Français. Et franchement, ouais, il y a du bon quand même. Hein. C'est quoi pour le mois prochain hein. Le Batman de Marini. Ah, c'est français Bah oui. Donc, oui, Tom Adey et Aurélien Polis, juste un peu de cendre. Aux éditions Glénat Comics. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui, depuis qu'elle est petite, voit des choses avec un de ses yeux. Elle voit des morts partout. C'est-à-dire qu'elle a les yeux verrons. Des gens qui sont morts. Elle a les yeux verrons. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les yeux verrons, c'est. Les yeux des couleurs différentes. Voilà, c'est couleurs différentes. Et en fait, un de ses yeux voit certaines personnes comme si elles étaient en train de se consumer, comme si elles étaient inhumaines. Elle a un œil qui voit si longtemps, quoi. Voilà, c'est un peu ça, mais seulement chez certaines personnes, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde est normal, sauf une personne, quand elle est petite, et elle va en croiser de plus en plus, et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à voir ce genre de choses. Et donc, c'est tout un parcours pour savoir d'où ça vient, pourquoi, essayer d'appréhender son pouvoir un peu mieux. Surtout qu'il y a une chose intéressante, c'est que ceux qui ont le même pouvoir qu'elle n'ont pas exactement le même pouvoir. Il y a des différences déjà. Oui, puis ils n'ont pas les mêmes réactions aussi face à ça, justement. C'est plus qu'ils n'ont pas les mêmes réactions et que ça entraîne qu'ils n'ont pas le même pouvoir. Mm. Oui, mais voilà, du coup, ils ne voient pas la même chose, des fois. Il y en a un qui ne voit pas du tout, carrément. Mais il ressent. Il sait, mais... Assez vite, il y a aussi le fait qu'amener que ces gens, ces êtres qui se consument, dans l'ensemble, ils vont surtout surgir dans des lieux où il y a eu un malheur, une catastrophe, quelque chose du genre. Et c'est des personnes affaiblies par leur situation de vie, par leur pauvreté, donc beaucoup de personnes qui ont des situations assez précaires. Mmh. Donc il y en a beaucoup en France depuis les dernières présidentielles. Ah bah ils sont tous en cendres, hein, avec un fil qui les rattache à Macron. Hein. C'est délicat. Je pense qu'on peut remonter à plus loin que Macron. Hein. Ah bah le fil en fait, à chaque fois on remplace la tête, hein, et le fil il se rattache toujours au président. Oui, en général oui. Pour ça il a essayé de changer de place le bureau, mais... Ah ça marche pas. Salaud. Ouais. En fait, plutôt que de parler de manga, on va faire une révolution. Allez, on y va, les mecs, on sort dans la rue. C'est ça. Alors, vous n'avez pas encore abordé l'aspect graphique. Alors, juste un peu de cendre. Juste une tuerie. Qui fait plus... C'est du matte painting. Qui fait plus roman graphique que véritable collage, comics. Ouais. C'est du matte painting, photo manipulation, parce qu'il explique un peu à la fin le process d'une de ses planches. Bah, ça ressemble beaucoup à du collage aussi. Hein, ouais, en fait, il y a du mélange entre photoréaliste et... Mais c'est pas dégueu, c'est-à-dire que c'est vraiment... Et digital. Bah, ça ressemble beaucoup à du McKean, l'auteur qui signe les covers sur Sandman. Oui. Ça ressemble beaucoup à son style. Il va y avoir... pas mal de planches où on n'a même pas réellement de cases à proprement parler. On va avoir sur une double page une composition de dessins qui vont se glisser, se fondre les uns dans les autres. Mmh. Mais ça arrive pourtant à rester super clair. Voilà, on n'est pas perdu pour la lecture, autant. On n'est jamais ça perdu. Dans le sens de la lecture, on ne perd jamais en fait. Il y a assez peu de dialogue, je trouve. C'est beaucoup de narration. À part quand il rencontre un certain personnage, ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'échanges. Il y a un travail sur les couleurs. Les deux tiers, là. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un gros travail sur les couleurs aussi. Non, j'ai adoré, moi, personnellement. Moi aussi, il y a juste la fin qui me chagrine un peu, qui est un peu trop rapide, mon goût. Un peu expéditive. Ouais, mais je l'ai trouvé intéressante. Mais elle est intéressante. Un bouquin que vous recommandez tous les trois ? Ouais. Ouais. Bah quand je l'ai fini, je me suis dit, est-ce qu'il y a un tome 2 ? Non, bah, dommage. Alors, feuilletez-le, à la limite, parce que c'est vrai que graphiquement, voilà, ça installe quand même un truc un peu particulier. Ouais, tu penses que ça peut rebuter ? Bah, ouais, C'est complètement assumé comme style, donc après, ouais, ça peut rebuter, voilà. C'est pas habituel dans le marché français encore, donc... C'est ça, on voit pas souvent ce genre de truc. Moi, ça m'a un peu, au niveau de ce que ça m'a fait ressentir, ça m'a un peu rappelé un truc qu'on avait évoqué, je crois, dans le premier numéro. Hate, c'est oui. Y a un peu la même idée. Bah, chez Glénat aussi. Ouais, en plus, ouais. Donc, bah, c'est le même processus de création. Je pense, ouais. Il y avait un Batman comme ça, oui. J'avais lu un Batman, je crois, comme ça, une fois. Oh, il y a tellement de trucs qui ont été faits avec Batman que. Où tu retrouvais beaucoup de traits. C'est comme si l'atmosphère faisait partie des personnages, des fois. Mm. Tu sais, où ça venait jusqu'à tirailler le costume, des choses. Mais ça me plaît, ce genre d'esthétique. Mmh. Et là, elle est plutôt léchée, quand même. C'est-à-dire que même si c'est beaucoup d'estompes, les choses comme ça, c'est très léché, c'est très, très fignolé. Mmh. On sent qu'il y a vraiment un travail de fou sur chaque planche. Puis un petit hommage à Bowie, c'est cool. Ah. Ouais. Donc voilà, soutenez le... Première page. J'ai cru le voir, oui. Soutenez le travail des auteurs, parce que c'est des jeunes auteurs, et apparemment, ils ont pas mal galéré à le monter. Donc soutenez ça. Et toi, oui, c'est du comics original... Mais du coup, je comprends pas. Fait avec IDW, apparemment. Ouais, voilà, je pense qu'ils sont d'abord allés se faire éditer. C'est là l'hommage à Bowie. Ouais. Donc voilà. Et même, ils en parlent un autre moment. Ouais, mais vu qu'ils évoquent plusieurs célébrités avec les yeux verrons, oui, Bowie ressort. Alors, par contre, je savais pas pour l'acteur d'Iron Man. Ouais, moi aussi. Je savais pas du tout. Ouais. Robert Downey Jr. Parce qu'il. Voilà, elle en parle justement comme personne avec les yeux verrons. Je savais pas du tout. Je l'ai appris avec ça. Il doit porter des lentilles le reste du temps. T'imagines un Iron Man avec des yeux verrons, au secours. Ouh là là. Pourquoi pas. Marvel, il paraît que c'est un truc qui met mal à l'aise certaines personnes, les yeux verrons. Ah ouais. Je saurais pas te dire pourquoi. Mais... Bah, peut-être que c'est perturbant quand même, peut-être. Après, ouais, sur un quoi, cas comme Bowie... Ouais, voilà, moi non plus, j'ai jamais croisé quelqu'un qui a les yeux verrons. Des animaux, oui, j'en ai déjà croisé, mais pas les humains. Pour le cas Bowie, c'était spécial en plus au niveau des yeux verrons, parce qu'il avait en plus un œil plus dilaté que l'autre suite à un accident. Donc en plus, il avait un œil qui était vraiment muté. Il s'était trop défoncé, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'est trompé de narine, et voilà. Il a tout mis dans la salle de droite. Il a perdu la vue d'un œil, et du coup, son œil s'est jamais remis complètement. Donc du coup, effectivement, quand tu regardais Bowie de face, il n'avait pas de lentilles, mais il avait les yeux bizarres, quoi. La drogue, c'est mal, me voyez. Ah, il n'a pas fait que se droguer, Bowie, voyons. Non, encore heureux que non. Il a passé un temps considérable. Ah, il a chanté aussi. Il a passé sa licence. Oui, mais entre deux chansons. Avez-vous terminé? Ouais. D'aborder juste un peu de son. Oui, moi, je le recommande. Et grosse recommandation. Oui, mais c'est ce que j'ai compris. Hein. C'est coup de cœur général, c'est ça? Normalement, ça me plaît pas. Ouais. Genre, tu sais, la façon dont c'est fait, mais là. D'habitude, t'es pas trop graphic novel, ouais. Ouais, je suis pas graphic novel du tout, mais là, non, c'est passé crème. D'accord. Donc, recommandation générale. Ouais. Très bien. Eh bien, le prochain titre ne sera pas une recommandation générale. On est trois à l'avoir lu. Necro, Issam et moi-même. Ça s'appelle Scarlet Town. C'est édité par Komiku. Et je laisse Issam nous parler des auteurs et du pitch. Alors, de l'auteur. Oui, il n'y a qu'un auteur. C'est Nokuto Koike. Et l'histoire, ça suit Koichi. Un jeune homme qui vit dans une ville apparemment lambda, avec son père qui est au chômage et qui enchaîne les petits boulots. Et puis tout à coup, son père commence à chaque fois à faire des petits boulots où il se passe des trucs étranges, où il y a des monstres qui apparaissent, enfin des trucs bizarres. Et les phénomènes surnaturels se multiplient dans la ville, surtout autour de Koichi et de son père. Et là, ça commence pour moi. Là, c'est tout. Ça part en couille à partir déjà de là. C'est-à-dire que le pitch commence comme ça, et à partir de là, il n'y a pas de conséquences. Bah, c'est-à-dire que... C'est le gros souci, c'est que rien n'a de conséquences. Le père affronte une grosse créature qu'il dévore presque. Ça n'a pas de conséquences. Et puis même, il cherche un peu à comprendre pourquoi il y a ces phénomènes, Voilà. mais pas trop. D'habitude, le fait qu'il n'y ait pas nécessairement d'explication, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais là, il n'y en a vraiment aucune, quoi. Là, c'est la différence entre pas d'explication et pas de conséquence. Oui, mais là, non seulement il n'y a pas d'explication, mais tout le monde s'en fout. Bah, c'est ça. Pas. Alors qu'on nous fait comprendre que supposément, il y a quand même une grosse partie des habitants de la ville qui sont au courant qu'il y a des trucs. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont employés, quoi. Donc, sous-entendu, t'es employé pour empêcher des zombies de passer une barrière la nuit. Normalement, ta famille, elle est aussi au courant, quoi. Mais t'en parles autour de toi. Il y a un moment où ça m'a fait penser à Buffy contre les vampires, où une saison d'avant, ils butent le maire. En fait, toutes les émissions, t'aimes bien Buffy, on a compris. Vous allez comprendre d'où vous venir. Il y a une attaque de vampires contre le maire qui s'est transformé en créature géante avec l'école qui est détruite par 100 kilos de TNT. Oui, ça, c'est un peu voyant dans la ville quand même. Mais ça se limite à l'école. Et non, c'est pas ça, c'est que l'année scolaire d'après, plus personne en a rien à foutre et tout le monde a oublié. Mais sauf que dans Buffy, ils se disent, mais c'est normal ça. Et ils prennent ça à la dérision. C'est parce qu'on te montre pas les Men in Black qui arrivent avec leur bâton lumineux et. Là, y a rien du tout. C'est. Y a un moment, je veux dire, y a des zombies. Oui. Des zombies, ils viennent d'où? Non, mais me regarde pas comme ça, je suis d'accord avec toi. Y a rien. Je suis d'accord avec toi, c'est un titre qui n'a ni queue ni tête, quoi. Bah, pareil, il y a un perso. Enfin, je sais qu'au Japon, ça arrive que les gens se déplacent masqués. Ah, il y a des zombies, d'accord. Mais. Là, il y a un personnage dans les personnages principaux qui se déplace perpétuellement avec un masque sur tout le bas du visage. C'est le personnage qui est en couverture du tome 2. C'est ça, qui est en couverture du tome 2, et on n'a jamais d'explication là-dessus. Personne ne se demande pourquoi, enfin. Bah, il est tout le temps malade, en fait. Après, c'est souvent au Japon qu'il y a des gens comme ça. Ouais, parce qu'en fait, les gens veulent pas choper de maladie, il y a la pollution, soit, enfin, y a beaucoup de choses. Ils sont malades, ils veulent pas refiler leurs microbes, soit. Après, il y a un ou deux trucs fans. Très souvent, c'est pas qu'ils veulent pas tomber malade, c'est qu'ils veulent pas refiler leurs microbes. T'as le moindre rhume, tu portes ça, quoi. C'est la mentalité japonaise. Mais bon, qui, ça, c'est un peu. Ne pas refiler tes microbes aux autres, quoi. Mais oui, c'est. Avant, ils se suicidaient dès qu'ils avaient un rhume, mais ils ont constaté une légère chute démographique. Ils se sont dit, c'est pas worth it quand même. Alors... Et c'est dommage, parce que le point de départ d'une ville qui attirerait naturellement les phénomènes paranormaux, c'est pas con. Ah oui? Mais c'est mal exploité. Enfin, oui. Rien n'est fait avec ça. Il y avait juste un truc qui aurait pu être sympa, c'est que le fils se retrouve à devoir affronter et achever finalement ces trucs-là, à chaque fois. Et qu'il en veuille de plus en plus à son père, qui se retrouve toujours dans des situations de merde, et qu'il l'attire là-dedans. Alors que oui, ça aurait pu être très sympa. Parce que là, tout le monde s'en fout, quoi. La fin du tome 1 et le début du tome 2 essaient de poser une intrigue plus suivie, mais ça va pas plus loin, part sur des chapitres individuels. Et puis après. Limite, c'est trop tard, quoi. Ouais, c'est déjà trop tard. Bah, surtout qu'il y aura 3 tomes. Hein. Tu t'es bouffé 3 chapitres. 3 ou 4 3, je crois. Bah, 3 tomes, enfin voilà. C'est... 3 tomes. Alors déjà, du coup, pourquoi pas avoir sorti les 3 en même temps? Pourquoi sortir les 2 premiers alors qu'il y en a 3? Ouais. Voilà. C'est très étrange. Graphiquement, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais à ce niveau-là. Puis ça reste fun de temps en temps. Ouais, mais... Je veux dire, t'as ce côté inachevé. À chaque fois, t'as cette frustration. À chaque fois, tu te dis, mais... Putain, les gars, wow. Surtout que le premier tome, oui, c'est un chapitre, une histoire. Et souvent, et en plus, c'est pas des chapitres qui sont très très longs. Non. C'est des chapitres d'une dizaine de pages, des fois. Donc, ça va vite, quoi. En fait, c'est comme Reborn. Il y a des bonnes idées, mais elles sont pas exploitées. Sauf que là, ça dure plus d'un tome. Ouais, mais là, Mark Millar, il est encore plus inexcusable. Mais c'est vraiment comme si on te montrait les 15 premières pages d'une histoire et qu'après on te disait « Ah, en fait, il y a ça à côté !» Oui, mais je voulais lire la suite, ça. Non, tu vas lire celle-là, maintenant. C'est ça. Et puis oui, je sais pas, le côté humour est pas si présent que ça. Non. Tu sais, ça aurait pu être un truc vraiment à base de gags et d'humour nawak, alors que pas tellement, en non, fait. Pas tant que ça. Déjà, s'ils étaient expressifs, ce serait bien. Oui, je veux dire, le personnage principal, il est aussi expressif que, je sais pas... Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas de l'humour... Tu vois, avec un pitch comme ça, ça aurait pu être de l'humour absurde, de l'humour à l'anglaise, quoi. Alors que non, c'est un humour très terre à terre au final. Et ça colle pas tellement avec ce qui se passe. Mmh. Je suis content de pas l'avoir lu. Ouais, non, mon avis. Ah, t'as rien loupé. C'est mon avis. T'as vraiment rien loupé. Donc voilà, ça va être la 0 recommandation de la semaine, je pense, hein, pour l'instant. C'est ça. Attendez le numéro 7. Si vous cherchez un calepin, c'est vrai. C'est le prochain. J'ai pas vu, ouais. Bon. Est-ce qu'on arrête Scary Town? Ben voilà, il feuillette, il tombe sur la meilleure page. Est-ce qu'on peut pas reparler 10 minutes de Scary Town? Ou alors parler d'autre chose? Bonne nuit, Poun Poun, vous avez lu Bonne nuit, Poun Poun. Allez, il est grand temps d'aborder le numéro 7. Et Pretty Woman, vous avez vu. Est-ce que vous avez lu le journal d'Anne Frank? Le numéro 7 de cette sélection. Qui vient de ressortir dans une nouvelle édition. Alors même, son anniversaire. Ouais, une version bande dessinée. Elle a quel âge, la petite Anne Frank? Ah bah, je sais, c'est son anniversaire depuis longtemps. Hein. Ouais, ils ont sorti une BD avec des scènes coupées. Ouais. La... Voilà. Celle où elle sort de sa tombe, c'est ça? Ouais. Un grand moment. Hein. Mm. Elle a un ami qui s'appelle Frédéric, en plus. Anne Frank Return. Frédéric? Oui, mon ami Frédéric, c'était un autre livre qu'on vous a lire au collège. Ah, je connais pas. Ah, je... Non, je l'ai pas lu. Celui-là. Moi non plus. Ah, putain, moi, on m'a fait lire le journal d'Anne Frank, mon ami Frédéric, dans la même année. On aura rajouté la lettre de Guy Moquet, je crois que je cherchais son nom. Un petit Mein Kampf aussi, là. Lettre, hein. Non, ouais. Il y a l'autre, là aussi, comment il s'appelle. C'est celui qui était dans un camp de concentration et qui a survécu, là. Enfin, qu'on a écrit. Hitler. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mais non, son nom d'emprunt, voyons. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'ai oublié, bref, on s'en fout. Non, mais il y avait eu ce livre assez chouette, appelé Les Bienveillantes, qui se plaçait du point de vue d'un nazi, mais du nazi lambda, celui quand... Celui qui allume les fours. Non. Celui qui était touché par la propagande, mais qui savait pas ce qu'il faisait, quoi. Bah, oh, qui travaillait dans l'administration, en fait. Donc, c'est même pas qu'il était touché par la propagande, c'est qu'il en a rien à battre. Il fait son boulot. Le mec, il coche des cases et il remplit des chiffres, quoi. C'est assez sympa, Les Bienveillantes. D'accord. Un bon petit roman à lire le soir avant de se coucher. Non, mais c'est le point de vue est sympa. Oui, on comprend ce que tu veux dire, c'est ça, espèce de torsionnaire. Oui, ça doit être intéressant. Ouais. On comprend ce que tu veux dire, espèce de psychopathe. Alors, est-ce que tu veux nous faire un résumé de Wonder Rabbit Girl? Et sinon, vous êtes allé au restaurant dernièrement. Déjà, pourquoi ça s'appelle comme ça le titre? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il y a une raison. Alors, vas-y. Ouais, vaguement. Il y a un sextoy. Ah, si, c'est le pseudo d'une nana. C'est le sextoy. Ouais, c'est ça. C'est le pseudo de la nana qui recherche. C'est ça. Alors, l'histoire, c'est. Ça suit Ray, un lycéen qui est timide et qui a pas de chance avec les filles, dont le frère qui lui est à peu près tout l'inverse, c'est le beau gosse, audacieux, qui drague comme il veut. Et un jour, le frère tombe dans une sorte d'état de choc, une sorte d'état catatonique. On sait pas pourquoi. Et en fouillant dans ses affaires, Ray trouve des notes concernant une certaine Wonder Rabbit Girl et des notes sur toutes les filles de la classe et du lycée de son frère, avec à chaque fois le fantasme de cette nana. Et ça, c'est le prétexte pour qu'il aille enquêter, pour essayer de comprendre pourquoi son frère est devenu comme ça. Donc il va chercher la fameuse Wonder Rabbit Girl. Est-ce que ça lui gratte? Soyons honnêtes, c'est juste un prétexte parce que chaque chapitre est sur le même modèle. Il y a une nana qui a un fantasme. Il l'exploite avec son fantasme. Il l'exploite. Et en fait, on passe pendant 15-20 pages dans la tête de la nana qui se fait des films incroyables à partir de trucs tout cons. Et c'est nul. Alors, il faut préciser que c'est des fantasmes, mais jamais de ta vie t'aurais envisagé ça comme fantasme, quoi. Mais si, la voleuse qui se fait choper, ça oui. Ça oui, à la limite. Bah, mais oui. L'autre qui fantasme sur les trucs médicaux. C'est quoi? Vas-y, explique. Ah, au Japon, ça existe. Ça existe. C'est quoi le truc médical? Vas-y, moi je suis curieux. On peut donner cet exemple. Sur les infirmières. Cet exemple-là, il y en a une, son fantasme, c'est les médecins. Et donc il suffit que le personnage principal se déguise en médecin pour qu'elle parte pendant 20 pages en s'imaginant qu'il lui fait un toucher rectal, qu'il la palpe partout. Si, mais ça, c'est commun ça. Oui, mais avec des vrais médecins, je veux bien, mais pas avec un connard qui met juste une blouse. Ah, si, bah, les jeux de rôle comme ça, entre couples, il y en a plein quoi. Ouais, mais là, c'est pas un couple. Non, mais même, je veux dire, même entre personnes qui veulent. Quoi? Ils veulent. Voilà. Hein, faire la chose! Qui veulent faire la chose là, c'est commun pour moi, je trouve. Ah! Et ça part super loin, c'est... Oh, si vous continuez encore à m'examiner, je ne tiendrai plus. Ah, docteur, viens mettre tes coups d'assaille. Voilà. Juste un petit aparté, on est quand même sur une couverture rose avec une fille kawaii, le truc est votre marqué... sirop spécial tout blanc, donnez-moi encore plus. Avec une bouteille de sirop... Pourquoi tu prends une voix de mamie quand temps. Tu fais ça? Ça coupe tout. Donc, je sais... C'est une couverture rose avec une fille kawaii, c'est marqué shonen, c'est ça? Ça, on va en venir, on reviendra à la et fin de ça. Ouais. C'est du hentai. C'est hentai soft, mais hentai. Non, mais en plus, c'est que. Je pense que c'est censé être comique, mais ça n'est pas. Non, mais il y a un truc déjà, c'est. Ben, en fait, c'est même pas excitant, quoi. Ah non, c'est nul, non, c'est clairement. Même pas excitant. Bah, c'est pas excitant. Parce que pour toi, ça, c'est pas assez. Toi, il te faut du hardcore, toi, il faut. Bah non, mais non, mais c'était. Faut qu'il y ait un méga strapone. Mais non, c'est pas ça. Avec des clochettes. Bah, non, moi, quand les gamines, elles ont plus de 8 ans, de toute façon. Moi, je les prends dans le berceau direct. C'est pas ça, c'est que les situations sont tellement ridicules que bah, ce n'est pas excitant. Ouais, bah, mais c'est pas drôle non plus. Tout à l'heure, en fin d'émission, tu parleras de trucs bien plus excitants que ça. Oui. Mon cher Alex. Il faut passer par une grosse injection. Et puis c'est trop vulgaire pour être excitant. C'est ça, c'est vulgos quoi. C'est vrai que le Japon, là, l'image, ils sont capables de faire un empire naissance et compagnie. Ouais, ah mais c'est bouffant. En fait. Et donc dans les fantasmes, c'est donc le fantasme du médecin. Il y en a une, c'est le fantasme de se faire fouiller parce qu'elle est kleptomane. Enfin, voilà, c'est elle rêve qu'elle se fait fouiller de partout. Il y en a combien? Il y a trois fantasmes. Mais du coup, c'est quoi le fil rouge de l'histoire? Il doit trouver la Wonder Rabbit Girl. Mais c'est juste ça en fait. Ah parce qu'il sait que la Wonder Rabbit Girl, c'est parmi ses filles. Voilà. Non. Bah si. Sans doute. Bah, mettez-vous d'accord. Sans doute, mais on n'a aucune pourquoi preuve. Il ne peut pas simplement, à partir des fantasmes, se dire « Ah bah tiens, peut-être qu'elle, il y a un petit indice. » Ça allait fonctionner un peu par « On retire un peu la liste, on est pur. » Par exemple, dans les dernières notées, tu vois. Est-ce que tu as précisé que, du coup, il se fait passer pour son frère? Oui, non, j'avais oublié. Ouais, parce que moi, je ne comprenais plus rien. Là. Par contre, je viens de voir ça. Ouais. La première, j'ai oublié quel était son fantasme. Je ne sais pas, elle aime les cons. Alors attends, je vais te dire ça. Ouais, c'est ça, dis-nous ça. Pour là, avec des sandales et chaussettes. Jauge d'extase, je crois que c'est de se faire palper, non? Non, mais c'est tout, de se faire palper. Non, mais genre, elle est au milieu de la pas classe. Pas par les mêmes personnes. Non, c'est dans un café. Oui, ça oui, c'est entouré de monde. Entouré de monde, en public, en fait, se faire tribuler, voilà, je crois. En public. Non, c'est se faire réprimander. Ah, oui. Ah, c'est ça. Oui, elle aime se faire réprimander, elle aime être dominée, celle-là. Ce ne sont pas des objets, d'accord. C'est un problème d'Oedipe. Bon, alors l'image de la femme. Ah bah elle en prend un coup. Voilà, elle se fait déglinguer. Alors on va la refaire. L'image de la femme se fait bip. Voilà. Non, l'image de la femme, voilà, c'est un massacre. Ah l'image de la femme, là c'est ça. Ah oui, c'est double cartouche là. C'est dégueulasse. Nécro, tu veux rajouter quelque chose? Il y avait Sébastien Patoche qui avait fait une chanson. Ouais, non. Je voudrais lui mettre une cartouche. Oui, voilà. Surtout pour oublier qu'il y a eu ces chansons-là. Franchement... Merci là, Cyril Hanouna de nous avoir fait découvrir Sébastien Patoche. Ce que j'en vois, franchement, c'est déplorable. C'est-à-dire que c'est pas moralisateur, ce que je veux dire. C'est que je suis pas le dernier à lire du hentai. Et là, c'est... Pervers. Non, c'est tellement entre ces mondes-là avec... Ça n'a aucun intérêt. C'est comme si tu prenais toutes les scories des genres et puis que tu les mélangeais avec et que bah, t'as que du rabiot, quoi. C'est de la merde. C'est... Non, mais encore une fois, alors, et j'aurai le même discours le mois prochain avec une autre œuvre. Pour moi, ça, typiquement, c'est le genre d'œuvres qui sont toxiques. Oui. Parce que ça montre clairement de mauvaises choses aux gens. C'est clairement, on nous montre la gente féminine qui est là que pour le plaisir masculin. Que et pour servir d'objet de fantasme. C'est ça. Un ministre qui met ça en avant, il peut gagner des points pour réussir à faire virer le manga. Il n'y a pas de problème. Donc, C'est vrai que c'est plus ou moins... En plus, l'excuse de la toxicité, c'est celle qui avait été employée pour plus ou moins bannir le manga dans les années 90. Exactement. Donc, Et du coup, je donne la note de Ségolène Royal sur 20 à ce manga. Je pense que vous êtes d'accord. On ne me rappelle pas des mauvais souvenirs. Bah, et ça, l'autre gros problème, c'est que c'est voilà, classé en shonen. On en vient. Parce qu'effectivement, on ne voit pas de tétons, on ne voit pas de bites, on ne voit pas de... Ah si, les tétons, on les voit. Non. Mais on ne voit pas les nénés. Non, on ne voit pas de tétons. Si. Non, on les voit pas, on les voit. Oui, c'est à travers c'est le tétons. Ouais, voilà. Et on ne voit pas. Oui. Ouais. C'est le contraire, tu veux dire, on voit les nénés, mais on ne voit pas les tétons. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on. Ouais, bon, bref, on va pas faire un débat là-dessus, quoi. C'est bon. C'est. Mais oui. Ah non. Ah, merci. Bien. Ça, c'est ton nombril. Oui, donc c'est classé. En fait, c'est classé l'excuse shonen. Pour le classer en shonen, mais. Ah, le comble, ça aurait été de le mettre en shoujo. Oh ah, là, ça aurait plus de logique. Ils seraient allés jusqu'au bout de leur idéaux. Après, je suis sûr que ça doit être publié dans un magazine shonen au Japon. Pour le coup, c'est pas impossible. Pour le coup, Delcourt, à mon avis, a choisi le choix de l'honnêteté, contrairement à Pika, on en revient, avec les trucs qui sortent en seinen alors que c'est du shonen. Là, ils ont choisi de sortir sous un label honnête. C'est juste que, bah non, faut pas sortir des trucs comme ça en France, quoi. Ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Enfin, des merdes comme ça, faut que ça reste au Japon. On veut pas des trucs comme ça chez nous. Bon, après, on sait que les Et puis même au Japon, si ça se trouve, ils estiment que c'est de la merde. Non, je crois que ça marche super bien au Japon, j'avais vérifié. C'est une série, tu l'as pas précisé, je crois, c'est une série terminée en 7 tomes. Hein. Oui, c'est indiqué là, 1 sur 7. C'est assez malaisant à lire, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je me sentais mal à l'aise en le lisant. Je l'ai fini, moi. Tu vois. Toi, non? Non, moi, j'ai lu que les deux premiers chapitres. Ah, moi, j'ai tenu jusqu'au bout. Plus loin. Je repense... J'ai tenu jusqu'au bout, parce que j'avais pas encore fini de me branler. Mais ça passe, il cache. Dit-il en me regardant. Non, mais voilà, c'est la. Alors, si, on voit du téton. Ah, ah, bon, ah, là. Ah, ah, il y a un téton. Mais on le voit pas entièrement. Oui, non, mais c'est. Ils doivent avoir le droit de montrer 50%. ça doit être des quotas. C'est comme le mot fuck dans les films aux US, il y a c'est un quota ça. À respecter. Il faut que j'en ai un. Ça se mais, mais voilà, c'est hypocrite de se dire, soi-disant, que je montre pas trop de seins, soi-disant que je montre pas les organes génitaux, je fais du shonen, alors qu'en réalité, y a des trucs qui montrent les seins, qui montrent tout, et qui sont beaucoup, beaucoup moins explicites que ça. Oui. Et je me souviens de... Et quand à propos, ouais. Là, il n'y en a pas. Je parlais du hentai. Je me souviens, dans les années 90-2000, il y avait beaucoup de hentai qui se vendaient en France. Une partie du manga qui se lisait, c'était du hentai. Je me souviens, il y avait un truc qui était commun à ce qu'on avait en France en hentai, c'est que c'était très comique. Et finalement, ça montrait pas tant que ça. C'était extrêmement censuré, ce qu'on avait en France. Et c'était, du coup, ça jouait sur le comique à mort. Ogakure Clinic, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la saga des Yujin. Golden Boy, c'est très censuré. Golden Boy, à la fin, c'était plus du tout censuré. Golden Boy, c'était. J'ai pas c'est vu plus du tout. À la fin, c'est... Mais tout ce mais qui le est. Le début est très comique. Oui, tout ce qui est Dr. Eugene, ouais. C'était extrêmement censuré et finalement, ça jouait sur les situations comiques. Hiro. comment ça Hiro Stickology. Voilà. Les deux premiers sont de l'Heroic Fantasy, plus récent, si je me souviens bien, et qu'après, à partir du 3 et le 4, c'est n'importe quoi et c'est de l'orgie de monstres. Vous parlez de Game of Thrones? Ouais, plus ou moins, sauf que là, c'est surtout vers la fin que ça. Il y avait Bible Black aussi dans les premiers hentai arrivés en français. Ouais. C'est une référence, quoi, en plus. Bible Black aussi, en référence. Qui est celui qui faisait l'ambiance la plus malsaine à l'époque. Ah, c'était mal, c'est glauque. Ah, hein, oui. On fera des recommandations hentai un jour quand tu mais je l'ai déjà dit, l'émission spéciale hentai, ce sera pour le numéro 69. Et là, il n'y a rien de tout ça. Et ça sera pareil pour Garder Clap, hein, numéro 69 spécial pornographie. Là, il y a. Ce que j'ai vu, il n'y a rien de tout ça. Tu es pressé, jeune. Il n'y a pas, ce côté malsain qui pourrait finalement apporter de l'intérêt au truc. Je veux dire, même Bible Black, c'est que ça veut dire que ça aurait eu plus d'intérêt si ça avait été des gamines de primaire plutôt que des lycéennes. Non, mais ce côté, je veux dire, un côté prédateur, par exemple, au mec qui aurait pris du plaisir à faire cette tâche-là ou des choses comme ça, et là, qui aurait vraiment fait une sorte de mise en scène malsaine, ça aurait pu être un truc assumé. Là, il n'y a que dalle. Je pense que ça aurait pu être encore pire, parce que ça aurait pu être une valorisation du prédateur. Ouais. Si aussi. Ça aurait pu être encore pire. Mais limite, ça aurait pu être plus marrant à lire. Ah, ça, je ne dis pas. Mais... non, mais il n'y a rien à récupérer. Non. C'est... Du coup, on va peut-être s'arrêter là. Avec. C'est moi, mais voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est... si on compare, qu'on avait lu il y a je ne sais plus quand, Pornographeur, qui lui montrait assez clairement les actes sexuels, ben voilà, mais qui le faisait pas de manière vulgaire déjà. C'est ça, je trouve que Pornographeur est bien moins toxique, enfin n'est pas toxique. Ah, il n'est pas du tout toxique. Et surtout, je pense que c'est limite plus accessible à un public plus jeune que ne l'est celui-là. Pornographeur, je le mettrais moins de 12, celui-là, je le mettrais moins de 16, quoi. Oui, clairement, oui. Parce que moi, je le mettrais pas. Oui, mais si je devais vraiment le mettre. Non, mais dans Pornographeur, donc déjà, c'est pas vulgaire. Mais un autre truc aussi, c'est que dans Pornographeur, les personnages font adultes. Oui. Là, ils font mineurs. Rien que ça, moi, ça me dérange. Oui, c'est pas vrai. Rien que ça, ça me dérange. Si, pour revenir aussi sur la cohérence du truc. C'est des lycéennes japonaises, c'est toutes des salopes. Oh putain. Elles valent en jupe. Bah justement. Dominique Fachot, bonjour. Pour revenir sur la cohérence du truc et justement sur ça, c'est là, les fantasmes, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un bouton on-off sur les filles. C'est... Y a pas de. Non, c'est des objets, clairement. Oui, mais c'est ça. C'est... Ah, mais c'est ça. C'est... Je ne sais pas ce qui se passe dans ce lycée, mais... Enfin, voilà, elles partent au quart de tour. Les... Ah, mais il y a des aphrodisiaques qui doivent être glissés dans les boissons des distributeurs. Hein. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ils sont dans leur costume. C'est ça. Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à autre chose? On ne va pas en parler pendant 10 000 ans de cette merde. C'est la fois comme si on l'avait fait. L'aphrodisiaque est directement sur le Sailor Fuku. C'est ça. Allez hop, Wonder Rabbit Girl. Ouais, raye bien. Voilà. Sur une échelle de 1 à Gambling School. Oh bah, Gambling School. Gambling School est mieux. Ouais. Alors que tu sais comment je crache dessus, hein. Ouais. Gambling School est mieux. Limite, j'ai plus... Voilà, le peu que j'ai vu mieux. Là, Hattrick est mieux. Oula. Firebun, c'est mieux. Moi, je l'ai au même niveau, je pense, mais... C'est triste. Mon Dieu. Mais par contre, malgré tout ça, vous avez quand même envie de le lire. Allez l'acheter au 44 rue du Jard. J'en ai plein. Il y en a plein, ouais. Non, plein. Si vous cherchez à caler un meuble. Si vous cherchez à faire du feu de cheminée. Bon voilà, gros coup de cœur. Gros coup de cœur de l'équipe. C'est ça. Blague à un ami. La grosse recommandation. Voilà. Bon allez, passons au suivant, messieurs. Alex, tu vas pouvoir reprendre la parole avec nous. Parce qu'on va parler de Shooter. Shooter. Édité par Glénat Comics. Et vu que tu l'as lu récemment, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Non, parce que c'est toi qui vas le faire. Mais pourquoi c'est moi? Parce que t'as jamais fait de speech encore. Le pitch. Bah si, privatise, mais bon, c'est pas grave. Non, mais tu le feras mieux. Alors, c'est un comics scénarisé par Joe Ketting et dessiné par Leila Del Duca. Oui. Qui a un style très cartoony, très sympa. Et est-ce que c'est elle qui colorise? Non, les couleurs, c'est Owen Gianni, qui lui aussi fait du bon travail. Il y a que nous deux qui l'avons lu? Non, on est trois avec Issam. Donc ouais, j'ai bien envie de parler de l'aspect graphique déjà, parce que c'est très très propre, et surtout les couleurs en fait qui sont très très chouettes, des couleurs qui font un petit peu pastel en fait, mais pastel plutôt sombre, qui tend plutôt vers le sombre, c'est, enfin voilà, personnellement, niveau visuel, j'aime beaucoup, et maintenant on va parler du foutoir que représente l'histoire, parce que c'est totalement n'importe quoi. Donc on suit Kate Christopher, Catherine. Je connaissais un Christopher, c'était un connard. Ouais, moi aussi, c'est un connard, effectivement, t'as raison. Je crois qu'il est sur ta droite actuellement, non? Il avait une librairie, je sais plus. Ouvert le 44 rue du Jard à Reims. C'est ça. Ouvert de 9h à 19h. Du mardi au samedi. Alors attention, en été, ça change, il ouvre à 10h. C'est ça. Et à partir du mois de décembre, ouvert du lundi au samedi, attention. Ah, c'est vrai? Ah bon? Bah, bien sûr. Pour les périodes de Noël, ouvert du lundi au samedi. Ah, oh, quel homme, déjà fait ça dévoué à sa clientèle. Oui. N'est-ce pas? Donc, cette Kate Christopher, elle a grandi avec une mère absente, on sait pas trop pourquoi, je me semble que c'est pas vraiment. Non, on sait pas encore, on sait pas. Oui, il n'y a pas plus d'infos que ça. On n'a pas d'explication sur sa mère. Et surtout avec un père fou d'aventure, explorateur émérite du monde entier. Qui aimait bien l'amener de temps en temps dans des missions d'exploration, comme notamment dans ce souvenir d'enfance directement sur la Lune, hein, comme cadeau d'anniversaire, c'est plutôt classe. Hein? On t'amène sur la Lune, ça fait plutôt plaisir, c'est plutôt un souvenir, je pense, assez marquant, même si elle s'en bat les couilles à son âge. C'est une tradition familiale, je crois, c'est une famille d'explorateurs, en fait, génération en génération, qui vont un peu partout. Quoi. Bah, sauf qu'elle, quand elle est gamine, on voit dans les flashbacks, elle n'a pas trop la fibre exploratrice, ça vient plus tard. Ouais. Mais il faut dire que la Lune, il n'y a pas un troquet. Enfin, c'est chiant. Il hein. n'y a pas un troquet. C'est rien. Et donc, un jour... Puis, ils ont installé un petit bar sympa. Tu vas pas avoir beaucoup de passages. Hein. Ouais, mais ils ont des bonnes bières, je te conseille. Ah. Vous avez fini? Oui, c'est bon. Et donc, un jour qu'elle se rend sur la tombe de son paternel pour lui rendre hommage. Ah, attends, je pense qu'il y a des cultures de coraux, il paraît maintenant sur la Lune. Oh putain. Un jour qu'elle se rend sur la tombe de son paternel, elle se fait agresser par des espèces de. Parce que c'est son anniversaire. De ninjas fantomatiques qui essayent de la kidnapper. ainsi qu'une armée d'hommes animaux, des lions, qui essayent aussi de la kidnapper, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, bah déjà, ce qui est cool, c'est qu'on s'attendrait à ce qu'elle soit un peu une victime, et au final... Au final, non, elle botte des culs. Elle latte, quoi. C'est ça, elle botte des culs. Aidée par son chat horloge. Qui est super. Qui est un personnage super cool. Il est super. Alors qui... Qui est agaçant d'optimisme. Ouais. Qui rappelle un petit peu Félix le chat au niveau du design. Je pense que c'est volontaire. Oui, je pense aussi que c'est volontaire, clairement. Mm. On va pas en dire plus que ça sur l'histoire, parce que bah, c'est foutrac, comme je l'ai dit. Mais c'est du foutrac super frais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. C'est bourré de bonnes idées, c'est bourré d'originalité, surtout. C'est quand on le lit, on n'a pas l'impression d'avoir déjà lu ça, en fait. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Ouais, c'est super original, il y a énormément d'idées. On sent que l'auteur, il a envie de nous raconter beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ça sent vraiment... Alors, par moments, c'est un peu fouillis. Bah, typiquement, le début, ça va super vite. Ouais, c'est ça. Le début ne prend pas le temps... Alors ça, c'est un petit regret, à la limite, que j'aurais. C'est le début ne prend pas le temps de poser ses personnages. C'est vraiment... c'est direct, on y va, quoi. Alors, après, c'est un truc que j'avais critiqué dans certaines œuvres, mais là, justement, ça m'a pas dérangé. Parce que l'héroïne elle-même se retrouve paumée à être attaquée tout à coup par des fantômes mauves d'un côté et par des hommes animaux de l'autre. Et je trouve que on a aussi perdu bien son on est aussi perdu qu'elle, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, je pense que ça aurait pu gagner à présenter un peu plus les persos. J'ai trouvé que c'était du foutrac, mais ça m'a évoqué... Enfin, c'est du foutrac, mais j'ai l'impression, sans savoir dire pourquoi, que l'auteur sait où il va. C'est foutrac, nous on ne comprend pas où ça en est. Mais je fais confiance à l'auteur pour savoir où ça va. Bah, c'est notamment les rebondissements de la fin où on découvre des choses sur elle, sur sa famille, qui relance vont peut-être recoller toutes les pièces du puzzle. Quoi. C'est voilà, son domestique, c'est un squelette parce que c'est comme ça. Parce qu'il s'est fait maudire. C'est parce qu'il s'est fait maudire. Ouais. On voit son passé. Et le chat, c'est quoi comme malédiction qu'il a eu parce que C'est un chat horloge, c'est comme ça. Qui la réveille le matin. Allez, c'est l'heure. C'est à partir du moment où t'as une femme. C'est à partir du moment. La fille hologramme qu'ils ont jamais. Peut-être. Voilà. Tu sais, à partir du moment où t'as une femme, une espèce de femme loup qui monte un tricératops. Oui, voilà quoi. Qui la sort comme un espèce de cheval là de son véhicule comme ça. Allez, on y va. Ouais, et puis il y a les deux espèces de chats qui utilisent des lance-missiles aussi. Ça aussi c'est un petit regret parce que le personnage est plutôt classe et au final il est vite expédié quoi. Tu vois, au bout d'un moment elle y passe et puis voilà quoi, on sait qu'on la reverra plus, c'est triste. Mais on est vraiment dans un univers vachement riche, pas qu'avec des humains. Non bah oui, c'est totalement nawak oui. Ah oui, il y a vraiment plein de trucs, c'est. Non, je repense à la période Métal Hurlant aussi où t'avais plein de trucs qui étaient nawak où tu sentais que les auteurs étaient sous acide. Et t'avais plein de trucs intéressants, mais qui duraient juste des fois une planche ou une case, et puis tu passais tout de suite à autre chose, alors que l'histoire, la case, t'avais envie d'en voir plus. Bah, ça me l'a un peu fait au début, quand on la voit traverser comme ça la ville, on revoit plein de choses, on se dit « Ah, oh, super, et tout, est-ce qu'on va voir la suite ?» T'as envie puis, d'aller partout. Ah, c'est sur une double page, ça. Ouais, puis on n'en voit pas beaucoup plus, c'est dommage. Mais c'est bien, ça, comme idée. Enfin, j'aime bien l'idée, finalement, que c'est soit ouvert sur autre chose, qu'il se passe autre chose ailleurs. Non, mais c'est très, très frais. Hop. Ouais. Vraiment, ça fait partie des trucs qu'on peut recommander en cette fin d'année, quand on veut lire un truc vraiment original qu'on n'a pas vu ailleurs. Puis c'est, vrai, c'est vraiment super beau, quoi. Mm-hmm. Un gros travail sur les couleurs, hein. Et sur le dessin, oui. Alors qu'en plus, Wonder Rabbit Girl, les couleurs étaient nulles. Ah ouais, ah ça, ils se sont pas foulés. Hein. T'aurais dû faire un blanc, en ce moment-là. Ah, 50 nuances de gris. Oh là là! Il y avait 50 nuances de gris. J'allais pas plus loin. Ah, Wonder Rabbit Girl, c'est 50 nuances de nullité, oui. Mais de la nullité grise. Oh putain! De la nullité grise. Bon, on va pas encore reparler de Wonder Rabbit Girl, merde, dis ça, m'arrête de revenir sur les trucs comme ça. Putain, au dernier podcast, déjà, à chaque fois, tu revenais sur Ed-Trick, là. C'est vrai que le mois prochain, on fera un crossover avec Ed-Trick. Il y a le tome 3 qui est sorti, on en parle ou pas? Oh putain! Non. Il paraît que le mois prochain il faut un crossover avec Gambling School. Attends, on repose ta question, Issam! Sur Ed-Trick? Il y a le tome 3 qui est sorti, on en parle ou pas? Nique ta mère! Voilà! ça lui fait plaisir! Voilà! Donc je disais, il y avait un crossover qui allait se faire avec Gambling School et ça va être sur les fantasmes tirés des jeux de hasard. Ça va être super! Ah, c'est Gambling... ah ça va être bien! Bah, Gambling School le fait. Je vais lire Gambling School, c'est déjà sur les fantasmes liés aux jeux de hasard. Voilà. Ah oui, là, ça va être encore plus poussé, ça va être encore plus dégueu. Par contre, un crossover Ed-Trick Gambling School avec le mec qui met des coups de boule à toutes les joueuses, ça peut être intéressant. Et là, maintenant, je vais tirer la carte qui va te faire perdre. Boum. Oh. Et là, on en parle. Ah. Voilà ce que j'en pense. Bref, bon, Shooter, est-ce qu'on recommande tous les trois? Shooter. Comme l'Island. Oui, plutôt. Est-ce qu'on recommande tous les trois? Oh, moi, oui. Je le recommande, oui. Bon, on est d'accord sur ce point. Bon, et si on passait maintenant à une petite sélection shoujo, on va se faire un petit tunnel shoujo pendant que Monsieur Alex baille aux corneilles. Pardon. Non mais ne t'inquiète pas, je ne pense pas qu'on t'ait entendu, auquel cas tu seras viré de cette émission. Youpi. Salaud. Avec Issam, parce qu'on est les deux seuls à avoir lu du shonen, j'allais dire, non, du shoujo. Aujourd'hui, autour de cette table, on va commencer par vous parler de Close to Even. De Rin Mikimoto, aux éditions Pika. C'est ça, aux éditions Pika. Close to Even, c'est l'histoire d'une petite nana, d'une lycéenne qui s'appelle Ninon, qui est un petit peu dans son monde, un petit peu introvertie, qui est très associable, on peut le dire, hein, qui est avec sa perruche, que tout le monde pense être un oiseau empaillé constamment sur son épaule, alors qu'en vrai, bah, c'est une vraie perruche. Qui parle. Qui a la possibilité de parler. Alors, c'est pas juste un désir, c'est pas que dans sa tête, puisque un autre personnage entend la perruche parler, alors on sait pas pourquoi elle parle. Mais c'est parce que la perruche reproduit des paroles ou c'est qu'elle parle vraiment? Non, elle parle vraiment. Elle parle vraiment. Oui, tu sous-entends reproduire comme un perroquet. Oui, elle parle vraiment. Moi, je dirais parce que le Japon. Voilà, c'est ça. Voilà. Puis en plus, il n'y a pas d'explication. Et puis, sinon, à mon avis, il n'y aura pas d'explication, je ne pense pas. À mon avis, non. C'est juste une perruche qui parle. C'est ça. Comme ça. Qui apprend à connaître un autre personnage qui s'appelle Kira. Alors, ce n'est pas le Kira que vous connaissez tous de Death Note. Ah, ça aurait été intéressant. Hein. Même si le personnage est, comme Kira de Death Note, un petit peu sombre de premier abord, On apprend que ce personnage de Kira serait en raid de maladie. Au tout début, on ne nous dit pas quelle est cette maladie, mais on apprend que dans une petite année, normalement, il devrait passer l'arme à gauche. Et du coup, ça va être l'histoire d'amour naissante entre ces deux personnages. Est-ce que le résumé te convient, ouais, mon cher Issam? Très bien. Et donc, ça va être l'apprentissage amoureux entre ces deux personnages-là, puisque elle, forcément, avec l'innocence de la jeunesse lycéenne japonaise typique, les garçons, elle ne sait pas trop ce que c'est. Alors que lui, par contre... Tu parles toute de salope. Dominique Fachot est encore revenu. Dominique Fachot, vous n'êtes pas invité à cette table, s'il vous plaît. Jeanne, au secours. Alors que lui, par contre, il les collectionne un petit peu, les nanas. On sous-entend un petit peu au début du tome qu'il enchaîne les relations rapides. Ouais, qu'il ne s'engage pas. Parce qu'il est conscient qu'il n'en a plus pour très longtemps à vivre. Il le dit à un moment, d'ailleurs. Oui, il le dit. Il veut pas qu'on s'attache à lui. Parce qu'il sait qu'il va y passer, donc il ne veut pas s'attacher, il ne veut pas que quelqu'un s'attache à lui. Il veut que des plans cul. Mais donc justement, vu qu'il va commencer à lui-même éprouver des sentiments pour elle, l'attachement va quand même naître. C'est C'est un shoujo assez dramatique, mine de rien. Ouais. Même le côté dramatique est même plus intéressant que la romance, je trouve. Les deux sont très liés, de toute façon. En général, oui, la romance et le drame, c'est quand même très lié. Mais La vieille réflexion d'adolescent romantique sans voilà. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Visuellement, c'est très très propre. C'est relativement simple, mais c'est bien. Où ça se laisse regarder? Moi, pour un shoujo, je trouve ça vraiment très joli. Déjà, les cases sont loin d'être vides. C'est joli, c'est très joli. Il y a beaucoup d'effets, strombo, beaucoup d'effets. C'est du shoujo, quoi. Mais tu vois d'habitude les effets. Mais tu vois d'habitude les effets comme ça dans le shoujo, c'est quand il y a des cases qui disent je t'aime, des trucs comme ça. Là, c'est quand il y a des cases qui disent je vais mourir. C'est un autre message. Les ombrages qu'on utilise dans les trucs dramatiques. Ouais. Là, on le voit bien. C'est ce genre de dégradé grain. Ouais. C'est globalement, je trouve que ça pose plein de trucs intéressants et que j'ai l'impression que ça va traiter de manière assez subtile l'approche de la mort du personnage, justement. Le traitement de la maladie, tout ça. C'est ça qui peut être très intéressant, parce que c'est vrai que sur ce premier tome-là, c'est pas vraiment abordé à fond. C'est quoi comme maladie? Alors, c'est une maladie cardiaque. C'est ce qu'on nous dit rapidement. Bon, elle va lui donner son cœur à la fin. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? À la fin, elle suicide dans le tome 2 et puis elle lui file son cœur. Genre, il a besoin d'un cœur, elle est compatible. Dans le tome 4, elle devient serial killeuse. Elle cherche des donneurs compatibles. Alors, c'est une série terminée au Japon, c'est en 9 tomes. De toute façon, c'était sûr que ça durerait pas une éternité. Alors, si tu veux, pour le côté guimauve, justement, elle décide de s'attacher à lui et de faire en sorte que lui s'attache à elle, parce que, en gros, elle lui dit que l'amour va guérir ton cœur. Voilà. Ça va bien avec son côté superficiel, son côté un peu plein d'idéaux. Pour toi, toutes les filles sont superficielles, c'est ça? Non, c'est ça que t'es en train de dire, salaud. C'est ça que t'es en train de dire, espèce de cis hétéro là. Écoutez, moi j'ai lu Wonder Rabbit Girl. Là, c'est bien la preuve. Hein. alors que moi j'ai lu Grand Miss School, j'ai appris que les filles étaient vénales. C'est vrai aussi. Ça m'insupporte. Moi j'ai lu Monster Musume, j'ai appris que toutes les filles étaient des serpents à qui il fallait caresser la queue. Le propos c'était que toutes les femmes étaient des putes, non c'est pas ça, et des monstres, et elles sont des monstres aussi, voilà. On en parlera le mois prochain, mais c'est un petit peu le propos quand même. Quelle violence, ça balance. On dirait une émission d'Arthur. En même temps, Monster Musume, Musume ça veut dire départ. Ah la vache, arrêtez les gars, il y a trop de Dominique Fachot autour de cette table aujourd'hui. Dominique Fachot et Jean-Michel misogyné là. Anouna, c'est pas du tout sexiste, c'est très progressiste. Anouna, c'est moderne. C'est les nouilles, c'est pas dans le slip d'une nana qu'il les a mises. C'est son univers, voilà. Ouais, c'est son univers. Son univers impitoyable. On en était où? On en était à dire que Close to Heaven, c'est bien. Ah oui, le mec va mourir. c'est vraiment bien, c'est plutôt subtil, j'ai trouvé qu'il y avait des ambiances vraiment cool. Et mine de rien, c'est frais comme sujet pour du shoujo. Moi j'ai vu le tome 2 et en fait on apprend que Histoire de maladie, c'était juste pour la pécho. Tu fais ça pour trouver la bonne. Imagine. Au lieu de te faire passer pour l'amiguer, ça va pas être trop long. Passé pour 9 tomes dans un an et demi, 2 ans, c'est terminé. Voilà, si Pika fait les choses bien, qu'il les sorte à un rythme régulier, Je vous conseille de vous y lancer. Pas pour les trop jeunes, parce que les shoujo romances, on a tendance à se dire, des fois, c'est pour les gamines de 8-9 ans. Ouais, là, ce serait. Là, les thèmes sont un peu matures quand même. Là, ce serait plutôt pour du public adolescent. Voilà. Parce que sinon, ça apporterait de la dépression. Là. C'est pas un shonen. Non, oui, là, on est plus sur du public adolescent, jeune adulte. Ouais, voilà. Clairement. C'est mieux à lire. Oui, clairement, ça fait partie des bons shows cette fin d'année. Je pense que clairement, ce sera pas Feel Good, par contre. Non. Mais et on va directement enchaîner avec le second titre shoujo du mois, qui lui non plus n'est pas Feel Good à danse non plus. Hein. Non. Good Morning Little Briar Roses, édité par Akata et écrit et dessiné par... Par Megumi Morino. Voilà. Alors, Good Morning Little Briar Rose, c'est l'histoire de Tetsuo, un jeune homme qui travaille en employé de maison, il fait des petites tâches domestiques pour une famille riche, les Karasawa. Et dans la propriété des Karasawa, il y a une petite annexe, une petite cabane au fond du jardin. Avec des petits graviers, j'ai senti en le disant que ça... Avec des petits cailloux. Je suis sûr que ça sonnait mieux dans ta tête. En fait, c'est au moment de le dire, je me suis dit, merde, je vais dire une connerie. La cabane au fond du jardin. Ils y vont quand ils en ont besoin. Une annexe au feu. Annexe 1, alinéa 3. Bon, un bâtiment secondaire dans la propriété. Au fond du jardin, donc. Au fond du jardin, où personne n'a le droit d'aller, donc personne n'a le droit de s'approcher. Sauf que Tetsu va être plus ou moins attiré vers cette annexe, et il va découvrir Shizu, une adolescente qui a à peu près son âge, un peu mystérieuse, un peu bizarre, très timide. Qui est la fille de la famille. Qui est la fille de la famille Karasawa, et qui apparemment serait malade, on apprend assez tôt qu'elle aurait quelque chose, mais sans qu'on sache quoi, on sait juste qu'elle inquiète pas mal son entourage. C'est pour ça qu'elle vit en retrait dans cette annexe. Du coup, elle sortirait très rarement, qu'elle serait sous-entendu scolarisée à domicile, tout ça, quoi. Bah, c'est à ça qu'on pense au début. Assez vite, on découvre que, en fait, Shizu change de comportement et de caractère d'un jour à l'autre, mais de manière assez radicale, et qu'elle se souvient à peine de ce qui lui est arrivé les jours précédents. En fait, t'en dis à la fois trop et pas assez, en fait, autant le dire. Ouais, clairement, autant le dire clairement, en fait, elle est habitée par plusieurs personnalités. Elle a plusieurs personnalités. Voilà. C'est pas vraiment de la schizophrénie. C'est plus de la possession. Et c'est même pas un trouble dissociatif de l'identité, c'est plus effectivement une possession. En fait, elle est comme une éponge. Et quand il y a des esprits qui se baladent et qui en fait, ils viennent en elle. Clairement. C'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant surtout, c'est que, donc, à leur première relation, genre, ils sortent ensemble et tout, ils vont à une nuit d'étoiles filantes. Et du coup, à ce moment-là, le héros lui avoue ses sentiments. C'est au tout premier chapitre, hein. C'est pas du tout du spoil, chapitre va super vite. Du coup, le lendemain, il retourne la voir, et en fait, c'est là qu'il apprend qu'elle a plusieurs personnalités. Ce qui est rigolo, ouais, c'est que la personnalité à qui il a dévoilé son amour, en fait, c'est une personnalité masculine, en fait. Voilà, ça c'est et le petit truc rigolo. Et qu'il a plus ou moins fait exprès pour essayer de lui faire avoir une vie sociale. Voilà. Mais les personnalités reviennent, ou alors elles sont à usage unique, entre guillemets, quoi. Il y en a quelques-unes de récurrentes, mais comme elle a ce côté éponge, c'est aussi pour ça qu'elle est isolée, parce qu'elle peut se faire posséder par à peu près tout et n'importe quoi si elle est au mauvais endroit au mauvais moment. Bah, notamment, sans trop spoiler, il y a un moment où on sait qu'il y a eu un accident mortel à un endroit, et elle s'y trouve, et donc elle prend possession de l'esprit, de l'esprit de la personne qui est décédée à cet endroit-là. C'est ça. Voilà. Là, je suis passé un passage, justement, esprits qui parlent de sa mort. Ouais, très, très inattendu. Je savais pas du tout ce que j'allais lire quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça super surprenant. Le concept est vachement bien. Pour l'instant, il est très bien traité. Moi, je m'y attendais vu que l'éditeur m'a fait le pitch, forcément. Ouais. Alors, quand je l'ai lu, moi, je m'attendais vraiment à pas grand chose. Ah, quand tu l'as feuilleté, tu veux dire. Je l'ai lu. Ah, tu l'as lu ? Je l'ai lu. Ah, tu l'as lu. Ah, merde, je le savais même plus. Oui, je l'ai lu. D'accord, et je m'attendais à un truc bateau. Je m'attendais vraiment à un truc bateau et non, je me suis laissé avoir quelques frissons en le lisant quand même, en disant merde, putain. C'est peut-être mon favori. Ça part vers où là ? Comme d'habitude, hein, Akata sort encore un shoujo super original, quoi. Mais Akata qui sort vraiment des barrières habituelles. Akata, je suis très rarement déçu par ce qu'il sort. Hein. J'ai l'impression que le shoujo, je sais pas si ça a toujours été comme ça et qu'en fait, simplement, que j'en lisais pas. Si, si, je te le dis, ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'avant, on nous sortait vraiment que les trucs super girly. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, mais on les sortait pas chez nous avant. Les trucs originaux, voilà, on nous sortait que les trucs très girly à la base. Sauf certains comme Switch Girl à l'époque où Akata était encore dans le label Delcourt. Voilà, moi Switch Girl c'était original à l'époque. C'était Akata aussi. Bah, c'est le label Akata, mais c'était quand ils étaient chez Delcourt. D'accord. Avant d'être en indépendant chez diffusé par Interforum. Mais ouais. Je crois que certains des shoujo, tu pourrais retirer l'étiquette shoujo et puis mettre une couverture neutre. Mais... ça se vendrait très bien, hein, y a pas de problème. Mais... Comme Akata fait, regarde, il y a pas indiqué shoujo sur la couverture, nulle part il y a indiqué shoujo. Oui, il y a juste indiqué derrière romance, fantastique et c'est quoi le troisième mot, je sais plus. C'est pas mal d'ailleurs ce classement. Romance, mélancolie, fantastique. Voilà. Oui, c'est, le classement Akata était très bien justement d'indiquer juste trois thèmes principaux de l'œuvre. Ça suffit largement quoi. Et ça participe aussi au fait qu'il faut sortir du carcan shonen, shoujo, seinen qui rime à rien quoi. C'est ça. Non, mais c'est parce que voilà, ça c'est accessible à plein de publics. Seinen, ça permet quand même un petit peu encore. Oui, enfin, vu que les éditeurs jouent plus le jeu, ouais. Voilà, vu que les éditeurs ils classent l'attaque des titans en seinen alors que j'ai du shonen, bah non. Voilà, si eux-mêmes font n'importe quoi. À la limite, on remplace seinen par pour public averti. Parce que c'est en ça que c'est intéressant la classification seinen. Mais dans ce cas, elle vaut aussi pour le shoujo. Il y a des shoujo pour public averti. C'est ça. Quand Glénat sort les enfants de la baleine en seinen. Alors que c'est du shoujo, c'est classé shoujo au Japon. Tu vois, ça rime plus à rien. Ou Magi qui est sorti en shonen alors que visiblement ça sort dans un magazine shoujo pareil au Japon. Non, Magi c'est du shonen. Mais Magi, il y a pas de classification, il y a pas de classification chez Kurokawa. Ouais, mais pas d'indication shonen ou quoi. C'est clairement du shonen avec les parcours initiatiques, tous les trucs. Je crois que c'était publié dans un magazine shoujo. Non, pas du tout. D'accord. Mais Magi, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Il faut lire Magi. Il faut que je le dise moi aussi. Magi, c'est très bien. Mais tu n'as jamais lu. Bah si. Ouais, non, mais il a été payé par l'éditeur aussi. Oui, j'ai lu le début. Ah, c'est bien. Mais j'ai pas tout lu encore. D'ailleurs, ça Rolls encombre un peu la rue. Hein. La Rolls, c'est qui, Alex? Ouais, qui est payé par les éditeurs. Ma troisième Rolls. Ah. Il est con, lui. Mais oui, du coup, bah, merci à Akata de sortir encore une fois un truc original. Beaucoup de cœur. Ouais, moi aussi. Hâte de connaître la suite. Alors, j'ai pu souvenir, la série est terminée ou est encore en cours? Je crois qu'elle est encore en cours au Japon. Petit saut. Faudrait avoir. Ah, mais on n'a pas de. C'est toi la dernière fois qui a inventé le son recherche. Mais non, t'en avais. Faudrait l'enregistrer. Ah, mais non, ça c'est le son des news. Ah. Ça, c'est le son pour... Et on va pas commencer à tout mélanger. Mais bon, si tu veux, le son recherche, ça sera ça à partir de maintenant. Je trouve que ça va parfaitement bien. Je sais pas. Un peu malaisant. Un petit peu. Tu crois? Ce podcast devient malaisant. Alors, good morning, Little Briar Rose. Mais sinon, comme d'hab, travail éditorial, bah, super bien, quoi. Oui, bah, kata, quoi. Qualité de cover, voilà. Ah, non, terminé au Japon en 6 tomes. Ah, bah voilà, c'est pas une longue série en plus, c'est parfait. Mais oui, encore une bonne recommandation chez l'éditeur. Clairement, la recommandation shoujo du mois. Ouais, et par contre, Akata, moi, je n'ai toujours pas reçu votre chèque, je crois qu'il s'est perdu par la poste. Donc, voilà, je... Renvoyez-le, s'il vous plaît. Ça, c'est parce qu'ils ont vu tes vidéos sur YouTube. Eh, ils vont me financer, ouais. N'importe quoi. Ils sont fous. On en a terminé avec ce petit tunnel shoujo. On va passer... Allez, on repasse à des trucs de mec. Ah, putain. Dominique misogyne de retour. Le vrai mec. Non, c'est Dominique facho. C'est ça. C'est Jean-Michel qui est misogyne. Jean-Michel misogyne. Ils sont frères. Ils sont cousins. Ils sont cousins. Oh, si dans le Nord, c'est un peu la même chose. Putain. On va ils passer. Ils sont même père et fils. On va retourner chez du. On va retourner sur du comics pour vous parler de Black Hammer, édité par Urban Comics, scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par je ne sais plus. On n'a pas le bouquin sous les mains. C'est Dean quelque chose. Est-ce que j'ai tout vendu? Désolé. Enfin non, pas désolé, mais. Je vais le chercher. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit pitch rapide en attendant? Oui, donc c'est un projet qui tenait à cœur à Jeff Lemire depuis le début des années 2000, qu'il a essayé de propulser chez Dark Horse, mais qui était resté en stand-by pendant très longtemps. Donc il a fait ses premières armes chez Marvel et DC, puis il a reproposé Black Hammer à Dark Horse, justement, qui étaient les premiers intéressés. L'histoire, en fait, se passe justement dans Black Hammer, qui est un petit village isolé. On découvre en fait dans ce premier tome différents personnages qui étaient des héros iconiques du monde qui viennent. Bon, ça s'apparente un peu aux États-Unis quoi. Ouais. Et donc le dessinateur c'est Dean Armstrong. Ouais, là c'était Dean quelque chose, je le savais bien. Voilà, donc on apprend un peu sur leur passé et comment ils s'en sont retrouvés en fait à rester groupés, isolés dans leur petite bourgade à l'extérieur de la ville de Black Hammer. C'est ça. Donc un univers où il n'y a ni super-héros ni super-vilains. Oui. Donc on a une multitude de héros différents. On a un martien, on a un robot, on a quelqu'un qui se balade dans un espèce de monde parallèle cosmique. Ouais. On a une cinquantenaire qui est coincée dans le corps d'une gamine. On sent en fait que Jeff Lemire il a voulu faire un hommage à plein de héros connus. Ouais, l'hommage à Captain America. Ouais, et puis même des héros pulp de l'époque pulp. Voilà quoi. Hommage un peu à Ant-Man, enfin tous les 50, cosmiques. Ouais, c'est vraiment. Le robot il a typiquement un design des robots des années 50-60 quoi. Mmh. Ouais, si on devait résumer en fait Black Hammer vite fait, c'est que c'est vraiment un hommage au Golden Age des héros. C'est ça, mais comics. Un hommage bien fait. Ouais, vraiment superbe. On a l'intrigue principale en fait se tourne sur ces héros en fait qui sont emprisonnés et qui ne peuvent pas sortir du village de Black Hammer. On ne sait toujours pas pourquoi. Et qui sont obligés de vivre du coup comme monsieur et madame tout le monde. Et qui ont eu aussi leur existence altérée, si je peux dire. Alors, leur apparence, leur pouvoir bridé, etc. Bah, typiquement donc le personnage de la petite fille qui peut plus se transformer, voilà. Qui est un hommage à Shazam. Voilà, ouais. Qui du coup, elle est coincée dans son corps d'enfant. Du coup, le père, celui qui tient le rôle de père de famille, l'oblige à aller à l'école pour pas que ça soit suspect. Et bah, du coup, on se doute bien qu'une cinquantenaire coincée dans un corps de gamine qu'on force à aller à l'école, bah, c'est pas réjouissant comme vie, quoi. Surtout qu'elle est un peu violente, elle veut pas du tout se confondre. Ah bah, elle envoie chier la directrice. Ah oui, encore une fois, elle a 50 ans, quoi, donc elle est traitée comme une gamine. Et voilà, c'est ça. On a aussi un autre fil rouge qui se développe par rapport à la fille d'un de ces héros qui est mort. Oui, qui cherche en fait à retrouver tous ces héros qui ont disparu, justement. Je vais pas en dire plus. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais commencer à spoiler. C'est ça. Mais clairement, ce qui est intéressant, c'est vraiment la relation entre tous ces personnages-là. Quoi. C'est vrai que Jeff Lemire, en général, sur les titres d'équipe, il est assez bancal. Ouais, alors sur les X-Men, tout ça, c'était vraiment très bancal. Alors que là, il s'en sort. Là, c'est génial. Mais on voit que c'est un récit qui travaille depuis très longtemps, qui a eu le temps de mûrir en fait dans son esprit. Ouais, bah, il l'explique très bien dans la postface où il parle du déroulement de son projet en fait. Mais oui, scénaristiquement, c'est super intéressant quoi. C'est de voir tous ces personnages qui se forcent à vivre comme tout le monde. Le plus intéressant, forcément, c'est ceux qui n'ont pas une apparence humaine de base. Le plus intéressant, c'est du coup peuvent pas sortir en public. C'est ça. Donc le robot ou alors cet extraterrestre qui commence à qui ont tous des caractères différents en fait. L'extraterrestre qui commence à souffrir un petit peu à la religion alors que de base la religion c'est pas son truc. Il commence à s'y ouvrir un petit peu, c'est super intéressant. Il y a plein de propos intéressants comme d'habitude avec Jeff Lemire. Quoi. Il y a plein de trucs intéressants qui sont abordés, que ce soit la sexualité, que ce soit les problèmes de racisme aux États-Unis. Il y a énormément de trucs vraiment intelligents qui sont mis en place quoi, pour la suite. Enfin voilà, moi, pour moi, c'est le coup de cœur ultime du mois. Quoi. Le personnage du colonel m'a beaucoup marqué. Ouais. J'ai trouvé aussi très cool, chacun des chapitres, des 6 chapitres du tome, se concentre sur un personnage différent. Alors on les voit toujours tous dans chaque chapitre, mais chaque chapitre en profite pour voir un peu plus en profondeur un des personnages. Et à chaque fois, pour avoir une ambiance différente. Mmh. Donc celui sur le colonel, il fait très justement comics, Captain America. Celui sur l'âge d'or de Marvel. Celui sur la sorcière fait très comics horrifique. Ouais, c'est ça. Celui sur je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui voyage dans les dimensions. Là, c'est le colonel. C'est le colonel. Toi, tu pensais à Gale pour Captain America, non? Ouais, pardon. Donc le colonel, ça fait plutôt un peu. Bah, c'est très dramatique ce chapitre-là, je trouve. Ouais, et puis c'est au niveau de la mise en page, il tente plus de trucs que les autres. Ouais, il y a des pleines pages de dimension en dimension. C'est le fait que ce soit cosmique. Forcément. Ouais, c'est ça. Un peu comme en lisant des pages de Silver Surfer. Bah oui, et puis il y a le Doctor Strange aussi, ouais, ça peut Doctor partir. Strange, ouais. Je pensais surtout à ça. Visuellement, il y a beaucoup de. Enfin, il y a une grosse aspiration Mignola. Oui. Visuellement, ça se sent. Ouais, c'est du Golden Age en général, ouais. Quoi. C'est. Alors visuellement, peut-être feuilleter le comics avant, parce que c'est pas un style qui peut plaire à tout le monde, je pense. Clairement, je pense que c'est un style où on adhère ou on adhère pas. Enfin, c'est. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression aussi que Lemire a demandé à son dessinateur d'essayer de prendre un peu son style à lui. Tu sais, il y a des planches qui font très Lemire dans l'esprit. Lemire, il dessine aussi, mais il a un dessin très, très simpliste, particulier, quoi. Lemire, le style de Lemire, ça plaît. Bah, ça dessert pas assez son scénar, quoi. Voilà, c'est ça. Et très souvent, en fait, Lemire dessine lui-même ses comics quand c'est des comics très personnels, en fait. genre Sweet Tooth, typiquement. C'est une histoire super personnelle qui traite du racisme et des différences. D'ailleurs, ça l'a aidé justement pour Black Hammer. Il explique dans la postface que il a commencé à écrire Black Hammer, puis il est parti sur ça, Sweet Tooth, et puis il est revenu sur... Ça aussi, c'est une grande, un grand comics, Sweet Tooth, en 3 tomes, pareil, édité chez Urban. Ça aussi, c'est une bonne petite claque. Mais ouais, très souvent, l'émir s'illustre lui-même quand c'est des projets vraiment super personnels, quoi. C'est-à-dire quand il veut vraiment garder la main à fond sur un truc. Voilà. Voilà, méga coup de cœur. Ouais, carrément, ouais. Faut le feuilleter si ça vous intéresse, faut y aller. C'est 10€, 300 pages. Oui, franchement, c'est 10€ pas de... prix de lancement jusqu'à la fin de l'année. Pas 300 pages. Non, il y a 200. Non, il y en a 160 et quelques. Il y a 6 chapitres, si, chapitres, 24 ouais. pages. Si, c'est 160 et quelques. Ah ouais ? Oui, oui. Ouais. Je crois qu'il y avait 200 plus. Non. Ne t'enflamme pas, mon cher. Sur les 4000 pages. Bah, franchement, hein. On était. Non, pas. Ouais. Enfin, j'arrondissais quand j'ai 300, mais je pensais que c'était 260 ou quelque chose comme ça. Non, mais ouais. L'édition est de bonne qualité, le papier est épais. Oui, éditions Atlas. Donc, c'est peut-être ça qui t'a induit en erreur. C'est que le bouquin, le papier est très épais, donc le bouquin l'est également. Mm-hmm. C'est peut-être ça qui t'a induit en erreur. Parce que comme d'hab, avec Urban, quand c'est du titre indé fait par des gros auteurs, la qualité est là, quoi. Ouais, au niveau du papier et tout, les mecs, ils assurent, quoi. Et donc, voilà, prix de lancement 10 balles jusqu'à la fin d'année, faut pas passer à côté, quoi. Quand c'est du comics de ce niveau-là, il faut clairement pas passer à côté. La série est toujours en cours aux US, par contre. C'est pas encore fini. Il y a des spin-offs aussi avec Frankenstein. Voilà. Et je pense que c'est une série qui risque de durer. En tout cas, avec un pitch comme ça, ça peut durer. D'ailleurs, la collaboration avec Mike Mignola sur Frankenstein. Ouais. Voilà, que dire de plus si ce n'est que c'est un comics à lire. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Black Hammer, une recommandation de tous les trois. On est bon sur Black Hammer? Ouais. Ah oui, tu peux enchaîner. Eh bien, enchaînons avec un titre un peu moins prise de tête, un petit peu plus défoulant, édité par Weta, Judge Dredd, Alien, Predator. Et les tuches. Et quoi? Et les tuches. Et les tuches. Et les bronzés. Scénarisé et dessiné par... John Lehman, avec les dessins de Chris Mooneyham. Enfin, je sais pas comment on prononce. Je veux pas dire de conneries. Mooneyham, ouais. Ok. Avec la coordination, alors, soit de... Oh putain, je vais te le dire, je vais te le passer, parce que là, il y a des trucs, j'ai peur de les écorcher. Michael. La colorisation, c'est ça? Ouais. Michael Atien. Atié. Voilà, j'avais peur de dire de la merde. Atié. Là, Atié, hein, pour moi. Entier. Oui. Et adaptation Entier. De Julien Bourrigan. Et donc c'est le troisième tome d'une espèce de série de sur alors, Judge Dredd, Alien, c'est Predator. Le troisième tome d'une série de plusieurs mini en fait. Ouais, c'est voilà, ça, ouais. Mais qui peuvent se lire comme des one-shots chacun. Oui, qui sont indépendants toutes. Ouais. Ça c'est bien. Bah disons qu'ils ils font mention des précédentes dedans, mais rapidement quoi. Ouais. Voilà. Donc les précédents c'est quoi? C'est Alien versus... Bah, je les ai en rayon, je vais te dire ça tout de suite. De toute façon t'as un VP dans le lot, hein, parce que... Bah, je pense que les titres changent à chaque fois. Mais le premier c'est Judge Dredd Alien, et le second c'est Judge Dredd Predator. D'accord. Et là du coup pour la troisième, les trois sont réunis. Et sinon il y a quand même des Predators dedans, où tu comprends qu'il y a eu aussi l'AVP, enfin l'AVP entre temps. Ouais. Voilà, donc tu comprends que ils se sont rencontrés déjà les bestioles. Attends, des Predators 2 au cinéma ils s'étaient rencontrés déjà. Voilà. Et dans ce magnifique film, c'est à la fin de Predator 2, on voit dans le vaisseau des Predators un crâne d'alien, donc bah, toute façon, sous-entendu ils se sont déjà rencontrés. Ouais, puis il y a eu ce magnifique film aussi, Alien versus Predator. Ouais, mais Predator 2 ça date d'avant. Voilà. Ah, visuellement c'est vraiment propre, hein. Ah, visuellement c'est très bien. Alors on va parler d'une sorte d'île du Docteur Moreau. Ah, mais c'est clairement ça. C'est voilà. C'est une chasse de prédateurs dans une île où il y a des créatures... toutes créées par un scientifique un peu barjot. Voilà, qui a décidé de faire un homme reine, un homme gorille, un homme... je sais plus, il y a tout. Il a trop lu One Piece. Bah, et puis lui-même, déjà, il s'est fait mi-homme, mi-araignée, quoi. Voilà. Déjà, lui-même, il a mixé son propre ADN avec celui d'une araignée, donc c'est que bon, ça tourne par en là-haut. Ouais. Et sinon, donc on tombe sur un prédateur qui se fait défoncer la gueule. Mais avant de se faire... Achever pose quand même une balise pour que ses copains viennent le rejoindre. Une balise de secours. Et avant que les copains arrivent, justement, tu as justement le vaisseau qui est plein de trophées aliens, dont un crâne de xénomorphe, qui est récupéré par une des créatures et amené au professeur qui trouve que cette créature est absolument magnifique. C'est l'arme ultime. Et a un potentiel génétique absolument génial. Et là arrive Judge Dredd avec son équipe sur la même île. Parce que la loi, c'est lui. Et qui décide effectivement de faire valoir la loi en plein milieu de cette décadence. Parce que tout ce bordel pourrait foutre en l'air la sécurité de Big City One. Pourrait, éventuellement. Ah, peut-être. C'est une forte possibilité quand même. Hein. C'est pas faux. Dans le cas de... Donc, vous l'aurez compris, c'est pas un comics qui se prend à fond au sérieux. C'est clairement une lecture détente et ça le fait très très bien. C'est ça. C'est... En fait, il y n'y a pas grand-chose à en dire. C'est de la pure détente. C'est cool. Ça. Si, alors on peut préciser que c'est du format bande dessinée traditionnelle européen. Ouais. C'est pas du format comics. Alors, bon, à la base, c'est du format comics. Voilà, on peut préciser ça. Et même si c'est très déconne, je trouve que ça respecte mieux la saga que Prometheus. Mais tout respecte mieux la saga que Prometheus. Bah, et que Alien Covenant. Hein. Et que Alien Covenant. Ah ouais, Alien Covenant, qui en plus vient à cracher sur Prometheus aussi. Donc du coup, comme ça, tu vois, c'est à total. C'est, allez, c'est fait. Combat d'infirme. La Covenant, il crache sur tout, en fait. Voilà. Il crache sur, à partir de Alien 2, il crache sur tout. La Covenant, puisque, bon... Ah, je crois qu'il peut même cracher sur Alien 1, hein, en s'y mettant bien, en cherchant. Non, non, bah non. Il crache même sur son public, alors. Ouais, voilà. Non, vraiment, il crache sur tous les Aliens, à mise à part, sauf le 1. Parce que déjà, il crache sur le 1, concept... C'est vrai que le 1, on connaît pas trop la... Bah oui, voilà, on sait rien. Il crache... si, le seul rapport, c'est qu'il y a un vaisseau de... Tu sais, le vaisseau où il y a les œufs, c'est un vaisseau de... comment il s'appelle, cette race extraterrestre, là? Ah oui, les architectes, enfin, oui. C'est dans un vaisseau architecte qui trouve les œufs. En fait, il crache aussi sur le 1 par un décalage qui est assez fréquent dans les... quand on fait des préquels aujourd'hui. C'est que technologiquement, ils sont plus avancés que dans le 1. Donc si, ils crachent sur le 1. C'est... Oui, mais moi, je te parle vraiment au niveau du lore Alien, quoi. Bah, justement, pour moi, ça fait partie du lore. Oui, c'est parti, oui. Oui, c'est pas faux, mais bon. Après, c'est un peu... on pourrait te sortir la même excuse que Lucas sortait pour Star Wars, quoi. C'est quand on lui disait « Oui, mais les vaisseaux, ils sont plus beaux et ça paraît plus technologique dans la prélogie. » Il disait « Oui, mais dans la prélogie, il n'y avait pas de guerre. » Et donc, du coup, bah, les vaisseaux, c'était pas des trucs tout pétés à cause de la guerre des clones qui a eu lieu. Ça, c'est une excuse qui peut se tenir. Mais elle n'est pas bonne quand même. Et le robot... Ah, mais ça peut se tenir. Le robot qui se fait brûler les pieds. Une guerre dans Alien. Ah bah, je sais pas. C'est... je te rappelle qu'il y a 6 films de prévus en tout. Le robot qui se fait brûler les pieds, c'est... Avec un peu de chance. C'est quoi l'explication? Ça, c'est bon, ça. Alors, non, mais, alors que, par exemple, Covenant, bon, on fait vraiment une grosse parenthèse sur Alien Covenant. Alien Covenant, bah, du coup, il efface carrément le concept de reine alien. Donc, pour le coup, il nique vraiment tout, quoi. Et puis, enfin, il nique Alien 2, quoi, ça va. Ah, puis, j'ai beaucoup aimé... Alien 2 et Alien 4, aussi. Oui, c'est pas faux. Voilà. Ça, c'est plus chiant. Voilà. Et puis, il nique aussi, bah, du coup, il nique les AVP. Oui, bon. Puisque non, on va pas les regretter. AVP 1, il est pas mal. Ouais, enfin, vite fait quoi. Oui. Ouais, je veux dire, c'est pas non plus une grosse insulte à la licence. Ce que je veux dire, c'est qu'il les nique dans le sens où on apprend avec Covenant que le tout premier Alien, il est né dans les années 2070 et quelques quoi. Oui, non, mais alors qu'AVP, il se passe dans les années 2000. Simplement. Donc du coup, bah, ça nique tout. Mais surtout, ça nique tout. Attends, tu prends le premier Théus, déjà, t'as une gueule de reine alien qui sert de décoration. Tu vas pas me dire que ça existait pas avant, qu'ils savaient pas quelle gueule ça oui, avait. C'est ça. Je veux dire. Non, mais rien ne rime. Quand tu rien, vois la créature poulpe, tu te dis, bah ouais, mais c'est pas un alien. C'est, ça a rien à voir. Cette créature, elle existe. Ouais, c'est un nouveau truc, quoi. Ça a rien à c'est voir. C'est ça. Donc ouais, ça, comme origine, allez vous faire foutre. Mais c'est con parce que entre les mains d'un vrai réalisateur ça aurait pu être bien quoi. Enfin Prometheus entre les mains d'un autre réalisateur et sans faire un lien avec la saga Alien ça aurait pu être super cool ouais. Vraiment, et surtout s'ils n'avaient pas rejeté des idées qui étaient avec très bien avec un autre scénario ça aurait pu être bien typiquement dans Prometheus moi je trouve que l'idée d'une race extraterrestre qui nous aurait créé nous-mêmes c'est une bonne idée quoi. Oui, mais après c'est un gros cliché de la SF hein, mais qu'elle ressemble pas à un humain oui voilà. Bah si, après tu peux te dire qu'elle ressemble à un humain parce qu'elle nous a créé à leur image, quoi. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, pourquoi on laisse... Enfin, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de l'évolution, bah oui, on devrait plus ressembler à... On devrait plus pète ressembler pas tout, à l'origine. Pète pas tout. Et on a eu aussi une évolution qui fait que, ben, on ressemblait pas au truc qu'il y avait 3 millions d'années avant, quoi. Oui, oui, bah... Donc, non, c'est con. C'est alors con. Que dans Buffy... Non, je déconne. Non, mais c'est con. Il est con. C'est juste con. Mais Covenant, apparemment, à la base, le scénario qui avait été écrit était un truc parti pour durer 6-7 heures. Ouais. Et il y a eu du gros cut dans le scénario. Voilà, ouais. c'est pour ça que ça rime à rien, je pense. Mais dans déjà, ce cas-là, t'en fais 3 films. Déjà, quand ils en font déjà 6, alors ça aurait voulu dire 11 films. Faut... Non. Quand on sait que normalement, le personnage de... Cet acteur connu qui pour autant tu le vois en train de cramer dans sa capsule au début du film quoi. Putain, je suis 127 heures. Oui, putain, comment il s'appelle? Je me souviens pas de son nom. Ah oui. Enfin, vous voyez. On va l'appeler Jean-Claude. Voilà. Jean-Claude, normalement il devait avoir toute une introduction à Covenant où en fait on voyait l'équipe se préparer James au voyage. James Franco. Normalement oui, il devait avoir une introduction dans le script original. On voyait toute l'équipe se préparer au voyage, quoi. Alors que là, on le voit pas. Non, et puis aussi... Bah, et du coup, le début est nul parce que on apprend la mort du capitaine, mais on sait pas. Alors, sais pas qui c'est. On l'a jamais vu. Bah si, on l'a vu via... Comment on est censé être touché par ça? Le seul moment où on le voit, souviens-toi, c'est dans des vidéos qu'une nana regarde sur son PC, quoi. Waouh, ouais, super. Si, en fait, il y a un truc aussi qui était très con, c'est... on se fait tous un cliffhanger à la fin du premier film, et tout sur quoi reposait le cliffhanger, tu revois que finalement... Ah bah non, il y a une ellipse. Mais voilà. C'est fini, on passe à autre chose. Mais non, parce que ça, c'est le scénario du prochain film Alien. De quoi? Il se passe entre les deux? Mais oui, il se passe entre les deux, c'est l'explication de ce qui s'est passé entre les deux, ça en fait. Pas mais qu'est-ce qu'on s'en tape, fait là. Enfin, bah non, il veut se la faire à la Lucas. Bah le problème, c'est qu'il prend le mauvais exemple, quoi. Ouais. Parce que Lucas, mis à part créer des univers, bah, il a pas beaucoup de talent, le monsieur. Bah même pour créer des univers, hein. Il a créé la base, bah, il s'est... Oui, très voilà. Basique. Il s'est créé des bases, quoi. C'est moi où il y a toujours les mêmes 4 planètes dans Star Wars. C'est ça, il y a 4 modèles de planètes, en fait, et il les duplique. Il change le nom de temps en temps, c'est... et c'est bon. D'ailleurs, c'est prévu, hein. C'est dans Star Wars 14, ils vont nous raconter l'origine story des planètes, et en fait, c'est une photocopieuse. Et dans le 15, on va apprendre que la planète au début du 7, bah en vrai, c'est Tatooine. Ah, alors non, le 15, ce sera un nouveau reboot qui reprendra le scénario du 7. D'accord, tu mais c'est lequel où on fait toute une histoire sur celui qui avait dit que Luke avait une sale gueule. C'est quand la préquelle de la prologie. Bah, et puis le spin-off sur Jar Jar Binks. Ah, tout le monde l'attend. Bon, sur ce, arrêtons de parler cinéma. Jar Jar Binks au pays des Ewoks. Jar Jar Binks au pays des Ewoks, pourquoi pas. Avec Dorothée à la musique. Voilà, voilà ce que ça m'inspire. Bon, et si on retournait aux comics et au manga, messieurs? Alors, après ce image énorme. Mais du coup, vous le recommandez, Judge Red? Je recommande. C'est super coloré, c'est bourrin. C'est cher, par contre, je trouve. Ouais, c'est 25 balles. 5 euros, ça fait cher. Voilà, c'est cher. Par contre, sinon, oui, pour revenir sur le truc, l'histoire est vraiment sympa. En plus, même les interactions entre les prédateurs et l'équipe des juges est assez sympathique. C'est-à-dire qu'ils perdent chacun de leur côté des membres. Il y a quand même une interaction non-verbale qui se fait entre eux, où il y a quand même un respect entre les deux. Et genre, ouais, ok, vous aussi, vous prenez dans la gueule et vous êtes de l'autre côté. Ça passe bien. Non, clairement, c'est vraiment un bon petit comics détente. Si on aime les... Alors, on n'est pas obligé même d'aimer les trois licences. Hein. Si on en aime au moins deux, ça suffit largement. Parce que je sais, par exemple, que toi, Issam, l'univers Judge Dredd, bah, tu connais pas trop. Oui. Alors, bah, justement, pour ceux pour qui Judge Dredd, c'est le film avec... Avec Stallone. Avec Stallone. Donc, pour les gens de mauvais goût. Non, mais on va y revenir. Mais c'est absolument pas pareil. C'est le film avec Stallone et visiblement une grosse trahison de l'univers de Judge Dredd. Oui, oui. Même si je le trouve fun. Il est et fun. Je vous emmerde. Ouais, bah, je l'aime bien, il est fun. Ah, mais... Tu nous emmerdes et tu rentres à ta maison, quoi. C'est ça. Mais sinon, oui, il ressemble beaucoup plus déjà à Dredd, le film Dredd. Mais il l'a pas vu, c'est ça le souci. Ah, t'as pas vu? Non. Ah, d'accord. C'est un film sur des Rastas. Non, parce que. Quand... Non, c'est l'autre film de Judge Dredd. Genre, par exemple. Sorti que en vidéo en France. Dans la BD, il se retrouve entravé avec d'un côté un Predalien et de l'autre un juge fusionné avec un alien, donc il est dans une sale posture, il peut pas bouger, il a pas d'armes et tout, et là il fait « Si vous me relâchez maintenant, vous n'aurez droit qu'à 300 isocubes ah !» oui, et là, le mec il dit « Mais il est sérieux, là? Il est en train de nous donner nos droits, là ?» Non, c'est Judge Dredd. Il y a deux créatures sur la gueule, il va crever, et il dit ça, lui. Non, par contre, on peut conseiller le film Dredd. Donc film de l'univers Judge Dredd qui est sorti seulement en vidéo chez nous, qui est pas sorti au cinéma. Et qui est très très bien. Bah, justement, la Psyker, on trouve qui fait une très très bonne utilisation des ralentis. Oui, les ralentis. C'est la première fois que je vois des ralentis utilisés avec autant d'intelligence. Et justifié. Parce qu'en fait, c'est des personnages qui en fait consomment une drogue qui fait qu'ils voient le monde au ralenti. Et c'est comme slow-mo. Ça que le réalisateur utilise les ralentis en fait. Et cette drogue s'appelle le slow-mo. Tu vois, pour slow motion. Et alors, la première mort. On parle de la première mort du film, juste comme ça. Il y a quelqu'un dégueulasse. Enfin, il y a des personnes qui sont éjectées en haut d'une tour des mégacités. Donc c'est super haut quand même. Bah, ça fait au bas mot 900 étages, quoi. Et avec, en plus, il leur donne du slow-mo juste avant. Donc pour eux, la chute paraît encore plus longue. Une seconde paraît une minute, quoi. Tu dis que c'est le seul film qui utilise bien les ralentis, les derniers X-Men, tu Non, pas j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il l'utilise de manière intelligente par rapport à l'histoire du film. Bah, encore une fois, X-Men, ça me paraissait intelligemment utilisé. À quel moment? Ah, la scène... La scène avec Sylvain. Ah oui, ouais. La scène où les mecs sont tellement cons qu'ils utilisent deux fois le même procédé à deux films d'intervalle. Bah oui, bien joué, les gars. En même temps, tu vas pas inventer un procédé. Et oui, si tu veux. Mais la scène est cool. Ouais, si tu veux. Dans les deux. Ouais, si tu veux. Pour moi, les films X-Men, c'est du caca depuis X-Men 2. Donc, je suis pas voilà. D'accord. Bah oui, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais voilà. Depuis le début, hein. Sauf les derniers. Ah non, le premier, il était bien. Sauf les derniers, ça dépend. Parce que encore, les derniers, il n'y a vraiment que les scènes avec Quicksilver, quoi, qui sont assez. Dans le dernier, je suis d'accord. Moi, j'aimais bien celui d'avant. Days of the Future Past. Ouais. Oh. Ah, il a des lourdeurs quand même. Oh. Oui, il y a des lourdeurs, il y a des inégalités. Mais à la tête d'Alex. C'est Omar Sy, c'est ça. Pire. Il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est comment Magneto, avec un rail, pouvait réussir à contrôler des robots, mais des programmes des robots. Et là, j'ai pas. C'est Marvel, ta gueule, c'est Magneto. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bugué sur le pouvoir, je me disais, putain, il est cheaté en fait, Magneto. Je veux de l'argent, hop là, il prend une pièce, il la transforme en paillettes, ah c'est bon, le distributeur, il file les thunes. C'est comme ça, tu vois, c'est le mec qui fait du hacking avec des rails. C'est du hacking magique. Ah oui, non. Il y a des trucs intéressants, notamment les rapports de mort des X-Men, des mutants qui avaient été récupérés par le professeur. Non, sympa, mais bon, après... Et puis après, moi, enfin... Le dernier, t'as aimé, du coup, des X-Men? Non, le dernier, Apocalypse... il est catastrophique. J'ai pas passé un mauvais moment au cinéma, pour être honnête. Après, en fait... Disons qu'avec les effets spéciaux, t'en as eu pour ton argent, quoi. Non, justement, c'est plutôt le côté effets spéciaux que je critiquerais. Mm-hmm. C'est... Apocalypse. Ce que dans le dernier, c'est qu'il est trop... Il a aucune personnalité. Bah oui, bah, en même temps, il est nul. Quoi. X-Men, bah, en même temps, rappelle-moi le réalisateur. Bryan Singer. Voilà. Bryan Singer, dans le précédent et dans les deux premiers X-Men, je trouve qu'il arrivait à amener quelque chose. Il arrivait à amener des thématiques, au moins qui lui étaient personnelles. La réalisation, c'est vrai qu'elle n'a jamais été folle d'originalité. Quoique dans les deux premiers, elle était tentée. Je sais pas. En plus. Oui, il y a des trucs qui me perturbent même dans la scène avec Quicksilver. Bah, je m'en fous. Il y a des moments dans la scène avec Quicksilver où le personnage arrête de courir. Pourtant, tout est toujours au ralenti autour de lui. Non, ton pouvoir, c'est pas de ralentir le temps. Ton pouvoir, c'est d'aller vite. Tu vois. Alors qu'il y a vraiment des passages où il s'arrête et tout autour de lui est toujours au ralenti. Bah, il peut s'arrêter vite. Peut-être. Ça va être super vite. C'est parfaitement logique. Oh la vache. Oui, parce que je pense pas qu'il voit tout comme une mouche en accéléré tout le temps, le personnage. Sinon, ce serait chiant pour parler. C'est ça. T'imagines parler avec quelqu'un. Le mec qui passe 3 heures à sortir sa phrase en se disant putain, je me fais chier. Mais bref, regarde Dredd, il est bien. Ah ouais, Dredd, très bien. Je pense qu'on a terminé avec Judge Dredd, Alien Predator. Ouais. Ouais, grosse recommandation. Ouais, clairement. J'ai passé du bon temps. Et donc le spin-off avec les touches à venir. Voilà, c'est ça. Merci de placer ta blague que t'attendais de placer avec impatience. Quoi? Quoi? C'est de ma faute. Il y aura un crossover avec Plus Belle la Vie et tout ça après. Oh, en parlant de Plus Belle la Vie, le showrunner, créateur s'est retiré. Il s'est retiré? Ouais. Il arrête. Mais pas la série. Mais si, la série, je crois qu'il y a une fin qui est annoncée, non? Ah bon? Ouais, pour 2075. Attends. C'est le directeur de AMC, donc la chaîne de télé américaine, a dit que potentiellement Walking Dead pourrait durer encore 20-30 ans. Oui, non, mais il a fumé le chichon, parce que même Kirkman, sur son comics, il est sur la fin déjà. Ouais, donc, là, oui, mais bon, après, là, une série télé, tu peux inventer, tu peux chipoter encore des années. Là, ils ont des soucis. Moi, j'aime bien sur la dernière. Il y a Robot Negan qui arrive. Non, pas du tout, ça cartonne encore. Apparemment, elle démarre mal. Ouais, mais elle démarre mal par rapport à du score Walking Dead, mais sinon, c'est du carton. De quoi? Bah oui, les scores d'audience Walking Dead. Au prix que ça coûte une série comme ça, à mon avis. Oui, mais ils s'en foutent. Un spectateur qui regarde Walking Dead, c'est un spectateur qui paye, c'est du câble. Et ouais. Ouais, faut voir. À mon avis, à défaut d'arrêter la série, ça peut vite faire baisser son budget. Et déjà, avec un gros budget, j'ai l'impression que c'est du carton-pâte. Ouais, déjà. Romero faisait mieux dans les années 60. Déjà, le budget de Walking Dead, enfin, les effets spéciaux sont pas toujours foufou. Hein. Mais c'est ce qui est fou avec Walking Dead, c'est qu'ils ont 10 fois plus de budget que le premier Romero. Et le premier Romero est mieux fait. La première saison, c'était 2,5 millions en moyenne par épisode. Ça pose les bases. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. C'est énormément d'argent. Après dis-toi qu'il y avait... Et donc, j'ai vérifié, il n'y a bien que 4 épisodes dans la première saison. Mmh. Donc, dis-toi que bon, ça va. 2,5 millions avec 4 épisodes, ça va. C'est pas trop. Ouais, trop oui. C'était la meilleure saison. 4 ? Ouais, il n'y a que 4 épisodes dans la saison 1. Sérieux ? Ouais. J'en ai dit 6. À 4 ou 6, je sais plus. Mais un peu plus. C'est vrai que j'ai l'impression que ça baisse à chaque fois que t'en parles. Là, dans 3 émissions, il y a un épisode dans la saison 1. Je crois que c'est plus si c'est dans la 1 ou dans la 2. Il arrive dans la ville et puis il se retrouve enfermé dans le temps, ou un truc comme ça. Non, ça va assez vite. La première, elle se termine avec dans le laboratoire scientifique pourri. Là. Ouais. La première, c'est la fin pourrie de saison. Là. Mais ça arrive assez vite quand même. Hein. C'est vrai que c'est des gros épisodes. Avec cette belle explosion. Elle était tellement mal faite. Enfin bon, il y a des putains de fonds verts super voyants dans la saison d'avant. Là, dans la saison qu'on passe l'actuelle, l'autre, donc c'est la saison 7, je crois. Oui. Il y a des putains de fonds verts. À un moment, il y a une biche faite en numérique, elle est magnifique. Hein. Alors, va sur YouTube, tu tapes Walking Dead biche, c'est des heures et des heures de rigolade. mon jeune ami. Voilà, allez. Alors que dans un truc de zombie, une biche ou un cerf qui était super bien fait, c'était au début de Dernier Train pour Busan. Ouais, pour Busan. Voilà. Et limite, la scène avec le cheval était sympa parce qu'elle n'était pas numérique. Bah, dans la première saison, tu veux dire. Ouais. Ouais. Mais sinon, on peut retourner effectivement à la lecture. J'essaie de recadrer en même temps. le cheval, il y en a un de vachement bien fait aussi dans Devil Story. J'ai vu le diable. Il est minuit 35, nous n'avons toujours pas fait terminer le podcast. Oh putain, il y a deux œuvres. Il y a deux œuvres avec. Donc, pour en revenir... De plus, la recommandation d'Alex. Ah, bon, pour revenir à Electric. Putain de merde. Et si on parlait de Doctor Who, tu vois. Ah oui, c'est vrai, on en a pas encore parlé. Le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Non, c'est dans quel ordre? On va parler maintenant de Red Dragon, édité par Glénat. Ah, je l'ai pas lu. Et dessiné par Masahiro Ikeno. Puisque tu prends le bouquin, Issan, ça vous sous-entend que tu veux en faire un petit résumé? Ouais, mais j'ai oublié le nom des personnages. Ah bah c'est des noms chinois. Li Wang, voilà. Li Donc, Wen. Alors, les ça se Dynasty passe Kin. En, voilà, ça se passe bon. En Chine. T'as tous les persos, c'est bon. Jackie Chan. Jackie Chan, Jet Li. Donc on va les appeler Jet Li, Jackie Chan. Voilà, c'est bon. C'est ça. Ah, monsieur Jean-Michel raciste maintenant. Ça faisait longtemps. Oh, c'est un peu Jackie Chan, hein, son compère, là. Ouais. Non. Oh là là. C'est par rapport à Denem. Il y a tout me dire qu'il faut un menu C14 et tout. Non, c'est, non je quitte cette table. Là, là, là, là. Je quitte cette table. Bande de fous. Alors, Red Dragon, ça raconte l'histoire de Luan et Liu Bang, deux amis, mais presque frères. Bah, c'est deux amis, enfin deux enfants qui ont grandi dans la merde ensemble et c'est des frères. Quoi. Qui sont à la tête d'un groupe de brigands un peu à la Robin des Bois. Donc qui aident les populations pauvres autour d'eux, mais qui représentent du coup un défi au pouvoir en place, et donc le pouvoir veut les éliminer. Sauf que eux finissent par se dire, bon bah puisqu'on veut nous éliminer, bah, on va intervenir les premiers et on va prendre la tête de ce putain de pays. Voilà. Enfin, c'est un bon résumé. Oui, résumé. Bah, c'est surtout l'un des deux protagonistes qui, depuis l'enfance, en fait, face à l'injustice justement du pouvoir, se dit qu'il veut renverser tout le pays et prendre le contrôle du pays pour changer les choses. C'est ça. Et ils vont notamment obtenir l'assistance d'une sorte de princesse locale. Perverse. Perverse. Ah ben bah non, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, elle est perverse dans son comportement. Oui, perverse, ah oui, perverse au dire, sens tordu. Oui, tordu, oui, pas perverse, elle montre son corps. Pas White Rabbit Girl, quoi. Voilà, c'est ça. Faut préciser, hein, vu ce dont on a parlé dans cette émission. C'est ça. White Rabbit. Et globalement, j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais, c'est très bien. Déjà, j'aime beaucoup l'univers qui est installé. Il y a un fond d'intrigue politique, mais pour l'instant, il reste relativement léger. Il va peut-être s'accentuer dans les prochains tomes, mais pour l'instant, ça reste plus un manga de guerre, on va dire. Beaucoup de présentation de personnages sur ce premier tome. Visuellement, c'est magnifique. C'est un mélange entre un style manga et des estampes chinoises et japonaises. Il y a vraiment des planches qui sont classe. Le mélange des deux, tout du long, fonctionne bien et ça donne des planches absolument magnifiques, dans les plans d'ensemble, notamment, je trouve. Bah, la planche où on découvre la fameuse princesse avec son tigre blanc, magnifique celle-là. Ouais, c'est ça. C'est très joli. C'est au début. Ou même les planches de confrontation entre le colonel chauve là et le personnage principal. Non, c'est au début, un tiers. Au début. Je saurais plus trop le situer, quoi. Je vais chercher, je vais bien finir par tomber dessus. Ouais, mais sur le dernier tiers. De toute façon, c'est pas très important là sur le moment. Oui, quoi. Voilà. Les affrontements sont très dynamiques aussi. Il y a vraiment un gros travail sur le mouvement dans les cases, quoi. Bah, et puis je trouve les personnages super attachants. Bah voilà, t'y es. Case là est vraiment très très jolie. Donc à la moitié. Okay. À la moitié, c'est finalement. Ça. Au début de la moitié, donc. Donc, ouais, grosse recommandation pour moi. En plus, ça va être assez court, il y aura 5 tomes. Non, 6. 6. Bon, 6 tomes. Bah, la série vient de se terminer au Japon. Enfin, la fin vient d'être annoncée au Japon. Donc, il y aura 6 tomes. Voilà. Donc, c'est assez court. Je pense que ça va s'en tenir, du coup, à un seul arc qui, à mon avis, a un bon potentiel. Donc, grosse recommandation pour moi. Oui, clairement. Je ne vous engagerai pas pour longtemps. Si on aime vraiment les mangas vraiment un petit peu médiévaux... politique, même si pour l'instant ça se met doucement en place. Mais typiquement, si on aime des mangas comme Altaïr, ça peut plaire. Ouais. Clairement. Toi, je sais qu'Alex, t'es un peu plus J'ai un avis un peu plus réservé. Je dirais pas que c'est magnifique, je dirais pas non plus que c'est moche, c'est joli. C'est très joli, ça se laisse largement regarder. Je regrette juste que le côté diplomatique soit pas plus développé. Encore une fois, c'est un premier tome. Ouais, mais quand même. Je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus développé. Ça aurait rendu les choses beaucoup plus intéressantes. Donc j'attends de voir le tome 2 pour me faire un avis final. D'accord. T'admettras que visuellement, c'est un truc qu'on voit pas tous les jours. Ah mais de toute façon, visuellement, ils trouvent pas ça moche. Ils trouvent ça... Ouais. C'est propre, quoi. Ouais, pour moi, c'est du même niveau que de ce qui est vraiment... Ce qui laisse vraiment regarder ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Je trouve que ça se démarque pas du reste. Ah bah, je trouve justement, si... Moi aussi, quand même. Moi, non. Je vois pas en quoi, mais... Je pense que c'est perso après, hein. C'est genre oui, chose, c'est perso quoi. C'est très subjectif. Hein. Mais en tout cas, pour Issam et moi, oui, grosse recommandation de cette fin d'année. Le tome 2 sort tout bientôt. Ah ouais, déjà ? Ouais, il sort la semaine prochaine. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Oui, parce que au final, le tome 1 il est sorti en début de mois. Début de mois octobre. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, grosse recommandation de cette fin d'année. Typiquement, si on aime du Altaïr. Si on aime chez Urban China la princesse vagabonde, oui. Pareil, c'est à peu près dans le plus, c'est pareil, c'est l'histoire de la Chine médiévale. Donc ouais, typiquement, c'est le genre de bouquin qu'on peut apprécier si on aime ces histoires-là. Mais ouais, en tout cas, j'irai quand même lire le tome 2. Ah, surtout qu'en plus, c'est une petite série, donc il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de risque de... Ouais. C'est ça. Bon, et puis si vous aimez One Piece, lisez-le aussi. On sait jamais. Bah, si vous aimez White Rabbit Girl... oui, tentez. Si vous préférez la soupe aux choux, vous pouvez quand même essayer. Vaste débat que l'amour qu'on peut ressentir pour la soupe aux choux. Oh, j'ai vu des chaussons de la soupe aux choux, faudrait que je vous envoie la photo. Des chaussons ? Ouais. Est-ce qu'ils font la musique quand tu marches ? Oh, ce serait terrible. À chaque fois que tu fais un pas, ça enclenche le truc et ça te fait la musique en continu. Tu vois les gens qui font du jogging. Tu sors dans la rue avec. Hein. Non, mais ah oui, bah tu fais ton jogging avec. Ouais, faut que je trouve où c'est en vente, quoi. Ah mon dieu. Ah oui, mon dieu, effectivement, ouais. On en a terminé avec Red Dragon. Oui, on peut passer à la suite. Mais on va passer à la même dernière sélection de ce podcast. Avec Weaver. Avec Weaver, édité par Ankama. Ankama Comics. Écrit et dessiné par... Alors, écrit par Simon Spurrier, dessiné par Dylan Burnett. À la couleur, on a Triona Farrell, lettrage US Jim Campbell, couverture Dylan Burnett, évidemment. On fait le reste. Assistante éditoriale, Cameron Chittock, graphiste US, Scott Newman, bref. Donc, petite série en 5 ou 6 chapitres, si je me souviens bien. Ouais, c'est une mini en 6. Vous voulez que je fasse le résumé ? Bah, vas-y, t'es bien parti pour. Donc, on a une histoire un peu de... À la sauce, c'est un peu de la mafia, en fait, si je résumerais ça. Mélangé avec du fantastique, en fait, puisqu'on a un clan des... Bah, c'est les Weaver, non ? C'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Qui sont en fait... Le clan des araignées. Ouais, le clan des araignées, puisque chaque personne est possédée par une petite araignée qui confère des pouvoirs différents. Donc on a par exemple le chef du clan qui maîtrise un peu la chaleur, donc c'est, bon, voilà, la chaleur. Il peut se faire chauffer les tasses. C'est ça, t'en as une qui vole, etc. Enfin bref. Et donc l'histoire va tourner sur une guerre de clans entre eux et... Les Russes. Pour déterminer en fait... qui est responsable du meurtre d'une haut placée du clan des Weaver. Donc évidemment, les Russes sont soupçonnés dès le départ. Et on va suivre un personnage en particulier, un nouveau du clan des Weaver, qui a récupéré les pouvoirs de celle qui a été assassinée, justement. Oui, parce que les araignées agissent comme des parasites, en fait, dans le corps des gens. Et quand le porteur de l'araignée décède... Quand l'hôte décède, ouais. L'araignée ressort et peut donc rentrer de force dans un autre corps. Et ce personnage, en fait, va chercher le responsable. Et on va le suivre durant ces chapitres pour savoir qui est le responsable. C'est ça. Alors, juste un petit aparté sur la transmission de pouvoir et tout ça, ça m'a fait penser un petit peu au côté Green Lantern. Mm-hmm. Sur le fait que quand une lanterne meurt, elle passe à la nouvelle relais. Chercher un nouveau porteur. Voilà, et là, il y avait un peu ça pour moi avec cette araignée-là. C'est c'est bon, lui, il fera l'affaire. Hop là. Oui, parce que l'anneau, mine de rien, dans les Green Lantern, fait une vraie recherche. Oui, oui. Alors que l'araignée, c'est le premier passant qui passe. C'est le premier mec qui passe. Quoi. Ouais, parce que de ce qu'on comprend, en plus, les araignées, c'est un peu des petites. Pour rester poli, des petites saloperies, quoi. Parce que. Typiquement, elles se servent des hôtes à leur dessein, quoi, mais elles en ont rien à foutre. Oui, c'est ça. Il faut que. Il faut qu'elles servent la toile, comme on a dit. C'est ça. Il faut que l'hôte serve le bien des Weaver. Voilà. Je pense qu'on ne doit pas trop en dire sur l'histoire, ouais, parce que franchement, s'il y a beaucoup de rebondissements... Ouais, quand même, ouais. Un truc qu'on peut dire sans trop spoiler, c'est le fait que la partie découverte des pouvoirs est assez longue. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas « Ah, je suis le meilleur et tout, et j'arrive trop vite à utiliser mon pouvoir. » Non, non, c'est, il en chie. Bah, ouais. Même à la fin, il ne les maîtrise pas toujours. En voilà. Fait, hein, c'est... Et ça, c'est intéressant. C'est pas... non, parce qu'il y en a un peu ras-le-cul du petit génie, ou même de celui qui galère, et puis d'un seul coup, finalement, il réussit, ouais, à battre tous les records. Ça va. Non, non, là, c'est... Par contre, les pouvoirs sont sympas, ouais, et très divers. Ouais. Bon, il y a un pouvoir qu'on peut... qui est le pouvoir de donner la tourista. On en parle de ça. Ça sert, hein. Ce qui peut ça être pratique. Enfin, c'est une partie de son pouvoir, puisqu'en fait, son pouvoir, elle, c'est... Enfin, si j'ai bien compris de quel personnage tu parles. Ouais. C'est... Elle suggère, en fait, elle donne un petit coup de pouce, comme elle dit... aux événements, quoi. Donc, ouais, en fait, elle peut suggérer plein de choses. Et c'est l'explication de son pouvoir. Oui. C'est... Et lui, il va aller aux toilettes parce que il va voir la rue pressante. Mais comment, ah, comment tu sais? Parce que c'est au pouvoir. C'est là, je me suis dit, mais son pouvoir, c'est de donner la chiasse. Au final, son pouvoir, il est... merde. Bah oui, c'est pas le pire. Son pouvoir, il est godlike, quoi. Elle peut faire tout et n'importe quoi. C'est... Mais tu fais ça sur toute une armée, il y a moyen d'obtenir un spectacle intéressant. Hein, c'est comme l'épisode de South Park avec la note marron. Là. Oh, il est génial cet épisode. Oh là là. Un comics que moi j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Très sympa. J'ai beaucoup aimé. Il me semble que toi, Issam, t'es un petit peu plus réticent. C'est bien, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, les poses sont vraiment très très très statiques, très. Ça, c'est dommage, tiens. Ça, voilà, j'adore ces planches. De poses extrêmement statiques. Mm-hmm. Et ça peut déranger, mais finalement, tu te dis que dans la vraie vie, on bouge pas tout le temps, et puis on n'a pas des super plans de caméra stylés, donc finalement, ça passe. Ah bon ? T'as pas ton équipe de caméraman qui te suit tous les jours, toi ? Ça m'a fait penser à du Mad Fraction. Un petit peu, ouais, à certains moments. En fait, j'ai trouvé ça assez osef dans l'histoire, finalement. Mm-hmm. Non, mais voilà. Non, mais y a rien à développer, du coup. C'est... Ouais, l'oséfrie a développé, c'est pas terrible. C'est ça, il y a une histoire, elle tient la route, mais voilà. Tu t'es pas attaché plus que ça, non, au personnage C'est ça, je trouve pas que ça aille chercher bien loin, que ça apporte grand-chose. J'ai été intéressé, mais à la fin d'un chapitre, j'étais pas non plus à fond pour découvrir la suite, voilà. Bah, j'avoue que moi, dans ma lecture, j'ai fait comme s'il n'y avait pas de personnage principal à un moment. Je me suis juste suivi l'histoire, mais sans me concentrer sur un personnage en particulier. C'était vraiment un... Mais l'univers est cool. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelques rebondissements qui sont plutôt bien amenés. Oui, oui. Bah, c'est vers la fin où tout pète, ouais. Ouais, c'est un silence qui en dit long. Est-ce que c'est... Quand tu dis que tout pète, est-ce que c'est lié au pouvoir de la fille? La soupe aux choux, on y revient. Non, moi, globalement, je trouve que c'est une bonne petite série indépendante. Ça aurait peut-être gagné à être un peu plus long. Oui, après, je pense que c'est un premier travail où ça fait partie des premiers travails de l'auteur. Donc, tu sais, il fait des trucs courts au début, et puis après, il se fait les armes, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un retour qu'on fait assez souvent sur des comics courts comme ça, qu'il manquerait un ou deux chapitres. Oula. Là, il a survécu. Le comics a failli tomber par terre. Tu casses, tu payes. Pour citer notre ami Arnold dans Batman et Robin. Ah bon? Bah, ouais, ils sont par un magasin de cristal, truc comme ça, et tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Salut Freeze, je suis Batman. Je les empoignerai avec joie, tes joyaux. Je ne sors jamais sans elle. Et puis là, il sort sa carte bleue Batman. Je t'ai un froid. Petit teasing pour le prochain. Ah oui, c'est vrai. Garde éclat. Bah, mais non, mais celui-là, on ne la vendra pas. Ah non, on ne fait pas partie du DCI. On en parlera peut-être en annexe. C'est pas bête, encore. Hein. Ouais, bah, non, on sera obligé d'en parler. Faut qu'on les oublie, ces films-là. On en parlera dans une émission spéciale à son comics au sens large. Déjà, j'avais pas compris le point commun entre une nana qui est fanat de la vie des plantes et quelqu'un qui veut faire une ère glaciaire. Enfin, étrangement, normalement, c'est pas censé cohabiter. C'est pas censé cohabiter. Tu te dis, ah bah, une ère glaciaire dans la jungle, bah, vont bien vivre les plantes, tiens. En Poison Ivy, c'était Uma Thurman, non ? Oui. Oui. Actrice que j'aime bien, mais là... Ce qui était peut-être le seul bon point du putain de film, en fait. Bah, elle ressemble quand même à la nana de Marier deux enfants, quoi. Si tu veux, c'est comme dans Forever, hein, le seul bon point du film, c'est Jim Carrey, en fait. Ouais, j'aurais plutôt dit qu'elle ressemble à Madonna, mais c'est vrai que ça m'a... Même pas, en fait. Même pas l'autre film avec Jim Carrey, non, même pas. Je trouve que Jim Carrey, c'est le meilleur point du film. J'ai pas dit que ça sauvait le film. J'ai dit que c'était le meilleur point du film. Même lui, je trouve qu'il est mauvais. C'est-à-dire qu'il surjoue du Jim Carrey, quoi. Et du coup... Je pense que c'est ce qu'on lui a demandé de faire, malheureusement. Oui, mais c'est mauvais. Oui. Mais bon. Bah, il fait plus ce Joker comme mystère, en fait. Et puis, surtout, quand t'es fan de l'homme mystère et de son flegme un peu anglais, sur sa façon de se présenter et tout ça, là, tu vois Jim Carrey qui surjoue en spandex vert à point d'interrogation, tu dis non, non, dégage. Avec une teinture de rouquin. Ah, c'est horrible. Quoi? Non, rien, choix, je pensais que j'allais faire une blague. Juste pour pouvoir placer ton... Non. On l'a déjà assez mis. On a déjà assez mis Monsieur Le Pen dans cette, cette émission. Mais on l'aime en même temps. Non, putain. Oh la vache. Je désolidarise. Putain. Attends, j'ai un appel de sa fille. Oh, puis merde, j'arrive pas à trouver. Voilà, un appel de sa fille. Je pense qu'il est temps de conclure cette émission avec les recommandations de Monsieur Alexandre, qui va donc nous recommander Sunstone et Nozokiana. Donc deux œuvres très, très sexy. Oui, parce qu'en fait, moi, je voulais parler de... Je suis très, très friand d'histoires d'amour qui sortent un peu de l'ordinaire. Deux œuvres moins là, de 16 ans. Et là, on est devant... Enfin, non, plus de 16 ans, plutôt. Oui, plus, deux œuvres très... Bibliothèque rose. Ouais, non, mais là, c'est même pas le bon son encore, parce que là... Ah, ça, mais c'est très fort. Tu préfères... Non. Ça, c'est hyper malaisant, ce que tu fais. Oh là là. Là il aurait fallu finir sur du Le Pen pour achever le malaise. Jade, au secours. Nous perdons le contrôle de cette émission. Secours. Voilà, bon, essaye d'enchaîner maintenant. On enchaîne. Donc Ah mais oui, mais c'est par là que t'aurais dû commencer. C'est quoi ça? Voilà. Quoi, trop de mon truc, ça c'est un porn, ça c'est possible. Non, moi je pense que c'est une télé-réalité, ce truc. Ah oui, possible. Je pense, hein. Ouais. C'était mis en pays total. Donc où on en était? Tu pouvais présenter des trucs. Voilà, donc moi je suis très friand d'histoires d'amour en fait qui sont un peu matures, qui sortent de l'ordinaire. Ah oui, matures, oui. Donc j'ai sélectionné les deux œuvres qui sont assez majeures dans le genre. Mets 38 cm dans le cul de ta sœur et... Non, ça ce sera dans un autre podcast. Donc je vais commencer par Nozokiana, qui est un manga de Wako Ona, en 13 tomes, chez Kurokawa. Ah, c'est alors, Oui. Oui, bah, ça a commencé à sortir en 2014, je crois. D'accord. Donc oui, ça a été terminé assez rapidement. Il précise bien, moins de 16 ans, donc on est un truc bien adulte. C'est du seinen orienté amour, très sexuel. Le postulat de départ, en fait, on est plongé rapidement dans l'histoire d'un lycéen qui emménage dans son appartement d'étudiant et qui se rend compte en fait qu'il est espionné tous les jours par sa voisine au travers d'un petit trou dans le mur. Et en fait, elle s'amuse à le regarder tous les jours et à se toucher, voilà, sur lui. Oui. Pas sur lui. Donc, sur lui, sur tout ce qu'il fait. Donc, quand il ramène une fille, elle le regarde. Quand il mange, elle le regarde. Quand il dort, elle le regarde. Bref, voilà. Les premiers tomes tournent essentiellement autour de ça, en fait, autour du voyeurisme. T'as pas précisé un truc? C'est que lui s'en rend compte, et après il passe un deal. Il y a certains jours de la semaine, c'est lui qui espionne, certains autres jours de la semaine, c'est elle qui espionne. Oui, en fait, c'est... Oui, voilà. Ouais. Oui, parce que voilà... C'est... Du coup, il y a un vrai jeu de voyeurisme qui s'installe entre les deux. Oui, parce qu'ils peuvent voir aussi bien l'un que l'autre par la fissure dans le mur. Je voulais dire après, mais c'est pas... Non, t'as raison de le dire maintenant, en fait, parce que ça aurait plus de logique. Donc oui, les premiers tomes tournent essentiellement autour de ça, du jeu de voyeurisme. Donc c'est assez cru, on a beaucoup de scènes de sexe, mais aussi d'amour. Qui sont assez explicites, ouais. Qui sont vraiment explicites. Et je dirais que c'est autour du milieu, donc sûrement autour du tome 6-7, que là on tombe vraiment dans une histoire d'amour qui prend vraiment tout le corps du récit. Et qui tourne autour des deux personnages, en fait. Avec à la fin, un final vraiment, moi qui m'a touché, qui me touche encore. De manière spirituelle, je précise, c'est pas physique. Toi aussi tu te touches encore. Non, putain, y a non. C'est pas physique, c'est spirituel. Calmez-vous. Oui. C'est toi qui te touches, on a dit. Calmez. Spirituel. Calmez vos ardeurs. Tu la sens, ma grosse spiritualité. Yeah. Non, c'est plus sur Sunstone que je vous touche vraiment physique. Non, je calme. Donc voilà, Nozukiana... Par l'auteur de Wonder Rabbit Girl. Non, il y a quand même plus de talent dans Nozukiana. Donc Nozukiana, je m'étais mis assez au hasard il y a 2 ans, je crois. J'avais commencé à le lire parce que je voulais me mettre à lire des trucs assez matures, assez... du hentai et tout ça, quoi. Visuellement, c'est très joli. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est super joli. Ce qui vous explique pas, c'est que sa connexion internet était down et qu'il pouvait plus aller sur YouPorn. Il y a que ça que je pouvais télécharger en fait. Je pouvais télécharger que du papier. Voilà. Et bah, ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est vraiment une super œuvre. Donc je la conseille, je la conseille, je la conseille, je la conseille, je la conseille. Ok. C'est visuellement, c'est très c'est beau. C'est très, ouais, très bien dessiné. Mm. Les couvertures aussi sont très très jolies. Mm. Regarde la couverture, regarde la couverture. Les expressions des visages des persos sont vraiment cool. Voilà. Ouais, puis ça. Le côté. Mais en fait, je pensais justement au départ, j'avais vu et je pensais que c'était carrément une sorte de papier qui est, enfin, ah, papier non. transparent. Oui. Alors, c'est. Mais donc, non, le côté voyage, jusqu'à la couverture. Alors que les couvertures japonaises sont dégueulasses. Ah ouais, voilà. Elles sont. Attention. Elles sont mignonnes, mais elles sont pas aussi belles que celles de Kurokawa. Bah, et puis même, elles sont pas du tout représentatives, quoi. Non, pas du tout. Le côté voyeurisme, bah, ça fait très... pas du tout sur... Non, ça fait très mignon, en fait, les couvertures japonaises. Les couvertures japonaises, c'est souvent un fond blanc avec les personnages sur la cover. Bah, t'as les trois filles avec le petit titre en voilà, bas, c'est ça. Et voilà, ça peut induire en erreur, quoi, parce que typiquement, le mec qui va ouvrir ça... voilà, c'est ça. Il va pas s'attendre. Et sinon, tu veux nous parler aussi? Non, j'ai pas fini encore. Je voulais rajouter une chose, c'est qu'il y a un spin-off sur Nozoki Hana. Donc c'est Nozokimi, qui est pas encore sorti en France. J'avais envoyé un tweet à... Kurokawa. À monsieur Hello, qui m'a dit qu'il le ferait peut-être. Grégoire Hello. Le Silver Mousquetaire. Et tu sais s'il est bien? Bah oui, parce que je le lis en ligne. Désolé. J'ai pas d'autre choix. Il y a un OAV. Enfin, il y a des OAV. Il y a 4 OAV, je crois. Sur Nozoki Hana. Alors après, les OAV, ça doit pas rendre pareil. Hein. Et le spin-off est, je dirais, mieux et beaucoup plus abordable pour tout public. Le spin-off, c'est une préquelle, du coup? Non, je crois que ça se passe en même temps. C'est juste que ça se concentre sur c'est personnage, d'autres personnages, en fait, mais c'est un autre genre de voyeurisme. D'accord. Et en fait, le spin-off est beaucoup plus accessible dans le sens où on a moins de scènes de sexe cru, etc. Et je pense que c'est peut-être mieux dans un sens. Tiens, donc, typiquement, je vais montrer les cover jabs sont comme ça. Dans ce délire-là, alors que voilà, les covers françaises, c'est celle en bas à gauche. Ah oui, c'est de la merde, ça. Voilà. Alors que toutes les covers françaises, c'est toujours le symbole d'une serrure avec le personnage caché par la serrure. Donc, si vous voulez vous lancer dans des séries assez matures, pas forcément hentai, mais qui a quand même... C'est ça, parce que c'est jamais... Temps, quoi. Ouais, c'est mignon, en fait, c'est... C'est jamais vulgaire, quoi. Ça des fois, c'est cru, mais des fois, c'est vachement sulfureux, c'est assez mignon, il y a de l'humour. C'est pas de la vulgarité crasse. Ouais, ça me donne bien envie, moi. C'est... Donc voilà, je la conseille. Et maintenant, je vais parler de Sunstone. Pareil, c'est une histoire d'amour assez atypique. Édité par Panini, de Stéphane Sejic. Alors, Panini, là, ça fait deux fois qu'ils nous font un truc sympa, quand même. Donc, Sejic est l'auteur... de Witchblade notamment, qui a fait aussi quelques travaux chez DC récemment. Donc ça tourne autour du BDSM, donc c'est un thème qu'on n'a jamais vu, je pense. Oui, qu'on voit rarement en comics, enfin même au cinéma ou en série télé. Hein. Bon, et 50 nuances degrés. Oh putain. Non, c'est pas du BDSM. Ouais, on est là. La première saison d'American Horror. C'est quand même une œuvre majeure là-dessus. Hein. La première saison d'American Horror. C'est un best-seller, ça veut pas dire que c'est bien. Puis c'est une fanfiction de Twilight. Oui. Voilà quoi. On va pas en parler. Tu sais, si tu vas là, la Bible est un best-seller. Hein. Oui. Mais c'est moins BDSM. Je suis un peu déçu. Je sais pas, il y a quand même de la lapidation. Et... La fin m'a déçu. Bah, disons qu'ils auraient dû s'arrêter à la fin du tome 1, je trouve. Ouais, ils auraient dû s'arrêter à la mort de Payne. Hein, c'est pas de la... Non, on en parle déjà. Non, je crois que ça c'est le tome 60 à peu près. Donc Sunstone, c'est l'histoire de Lisa qui est une... C'est le destin de Lisa, c'est ça. Oh non. Oh non. Ah, je l'aurais pas osé. Oh non, cette série. Ah, j'ai la musique en tête maintenant, c'est horrible. T'es fier de toi, hein. Alors je vais la refaire. On suit Lisa. Voilà, c'est mieux. Qui est une auteure de romans assez érotiques qu'elle publie en ligne sur son blog et qui est fan évidemment de BDSM et qui va faire la rencontre un jour de Ali qui est aussi une fan de BDSM mais qui est plutôt du côté dominant tandis que Lisa est plutôt du côté dominé. Et donc elles vont se rencontrer un jour et ça va être le début d'une relation amoureuse qui est juste magnifique. Ah, elle est sulfureuse hein, déjà. Elle est sulfureuse. Donc on passe par différents stades. C'est d'abord la recherche des sentiments. Elle se cherche un petit peu, elle se repousse. Et par la suite, la relation amoureuse va commencer et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et c'est magnifique, enfin, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est magnifique. Un truc que je peux dire là-dessus, c'est que les relations, par exemple, les relations privées entre elles, on sent une sorte de passion vraiment entre les deux personnages, on sent les émotions, les hésitations, c'est assez bien rendu. Ouais, CJ qui retranscrit très bien les sentiments des deux personnages et... Notamment le personnage principal, on ressent surtout ces moments d'hésitation au début, et puis après on sent ces moments de... Ah, la petite envie là. Ça, ça se voit sur un petit détail sur le visage, tu sais, quelques petits détails sur le visage, tu sais que là, elle est dans, elle est dans le mood. Et il n'y a qu'un tome ? Non, il y en a 5. Il y en a 5, et celui-là, bah, je l'ai trouvé sur... 5 ? Ah ouais ? Bah oui, il y en a 5. Ah, j'en avais 4 ? Non, il y en a 5. D'accord. Le cinquième est plus épais, tu sais. Non, quoi ? Tu ne pas quand tu me l'as vendu. Oui, mais je croyais que justement c'est le quatrième. Et sinon, bah moi je l'ai découvert justement sur internet, en furetant dans les pages qu'on peut trouver à droite à gauche. Toi aussi tu voulais aller sur YouPorn. Ouais, la connexion était foireuse. Hein. J'ai mis 2 heures à charger chaque page. Hein. Oui, parce qu'en fait c'est J qui a commencé à publier cette œuvre sur le site DeviantArt. Oui. Et du coup, bah, en fait, je suis tombé sur une scène, c'était notamment une scène d'amour qui a été mise en avant, où elles sont deux habillées en tenue, et l'héroïne qui est entravée. Et j'avais trouvé ça super beau. Je me suis dit, putain, mais c'est qui a fait l'œuvre, c'est quoi? Et surtout qu'en en plus, il y a eu un retravail sur toutes ces planches, parce que c'est pas le premier jet, en fait, de son histoire. Ouais. C'est lors de la publication, il a refait des dessins, etc. Et... Pour préciser aussi que c'est une bouffée d'air frais pour lui. Parce qu'il cherchait absolument à sortir de l'univers Witchblade. Du truc mainstream en fait, voilà. En général. Quoi. Il cherchait à quitter le mainstream et surtout à quitter l'image de la nana en petite tenue de super-héroïne cliché. Quoi. C'est ça. Du coup, il a mis des nanas sans tenue. Alors, c'est des tenues différentes. Voilà. Mais sinon, j'avais apprécié. Hein, c'était l'un des auteurs dont j'ai vu finalement du coup, la progression de l'album. Parce qu'au fur et à mesure, il mettait des nouvelles planches sur j'en suis là. Là, j'ai fait ça. Et du coup, bah oui, c'est cool. Donc en plus justement d'avoir une histoire super intéressante d'amour assez atypique, on a vraiment une partie graphique qui est atypique elle aussi, parce que personnellement, à part Cégic, je vois personne faire quelque chose d'aussi beau. Alors le travail des couleurs et les expressions, j'ai trouvé ça super. Le lettrage, les bulles, etc. Ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment son style à lui. Donc si vous avez jamais feuilleté Sunstone, je vous invite à le faire. À mon avis, ça va vous donner envie de plonger dans cet univers. Il y a 2 suites qui sont annoncées. Enfin, c'est plutôt en fait l'œuvre est une trilogie, donc il y a Sunstone, Mercy et non merci. Non, c'est de rien. C'est à la fin, ça se finit en relation, elle a plus envie, donc elle dit non merci. Alors je me le mets pour moi. Hein. Voilà. Non, il y a un troisième titre, c'est bon. Bref, je l'ai oublié là, je l'ai pas sous la main. Et en fait, les 2 autres titres se concentrent sur d'autres personnages de la même histoire. D'accord. Et qui traite aussi de BDSM ou... Non, je suis pas certain que ce soit toujours du BDSM. Non. Et c'est tout aussi bien. Je les ai pas lus. Je les ai pas lus, mais on a vu... vu le Sunstone... C'est chez nous Non, c'est que aux US pour l'instant. Non, en fait, c'est disponible justement sur le compte de Cégic sur DeviantArt, où il a posté toutes ses planches. Ça va bientôt sortir en VO. Aux US. Donc il aura sûrement retravaillé encore les planches comme pour Sunstone. Et par la suite, ça fera comme justement pour Sunstone, ça sortira en relié, etc. Ouais. Tout public pourra en profiter. Ah, voilà. Et puis, à savoir que dernièrement, c'est sur Aquaman qu'on a pu retrouver son travail. Aquaman, sur les différents tie-ins pour Metal. Ouais, et sur Aquaman, ce que j'ai compris, il a fait du beau travail en plus. Oui, il a fait un arc tout entier. Voilà, il est là pour 6 épisodes. Enfin, il est resté sur le titre pendant 6 épisodes. En espérant que ça lui donne plus de visibilité et ça donne envie aux grandes maisons de lui donner un titre. Par contre, est-ce qu'il bosse sur le retour de Witchblade ? Parce que Witchblade va être relancé en décembre. Non, il bosse pas dessus. Pas dessus hein. Non, Witchblade, ce sera un tout nouveau personnage. Donc il relance dessus. La franchise, mais avec d'autres persos et donc d'autres auteurs. Ouais. Très bien. Et ben voilà. Ouais, je l'ai lu. Ah, je recommande, c'est le coup de cœur de toute une vie. C'est... Oui, je l'avais lu en entier. Et pour moi, c'est... Dès qu'il était dispo, avant qu'il soit dispo en physique. C'est-à-dire, je l'ai lu entièrement sur le net avant qu'il soit dispo en physique. Ah, parce que si tu veux, tu peux tout lire en ligne, c'est gratos. Hein, ouais, mais je suis pas tellement adepte. Lecture en ligne. Surtout qu'effectivement, visuellement, ça a l'air magnifique. Donc, Ouais, autant en profiter en format papier. Je l'ai lu en ligne parce qu'il n'existait pas sur format papier à l'époque. Hein. Après, quand j'ai vu ici, moi, j'étais super content. Ah, il est là ! Mais du coup, t'as dû le lire vachement, enfin, il y a longtemps, quoi. Ah, bah, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ah, j'étais super... Il le lisait sur Minitel. J'ai super content qu'il soit au 44 rue du Jard. Il était chargé en 56K. La librairie ouvrait des bulles, tu veux dire ? Ouais. Quand il l'a lu en ligne, c'était du Minitel, et un Minitel qui n'affichait pas les graphismes. Ouais. C'était du coup, entièrement c'était en du ASCII. Code texte. C'était en ASCII. En ASCII. Ah, il fallait pas, finir à des fois que le 5 hein. C'était un téton. Donc voilà, pareil, si vous voulez vous lancer dans de la lecture mature, mais qui est pas non plus. C'est beaucoup moins cru que Nozokiana, ouais. Par exemple. C'est très soft et c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. C'est beau. Tu fais chier, les deux ont l'air super cool. Oui. J'ai un budget, moi. Moi, ça me va. Je te conseille d'aller vers Sunstone. D'accord. Et après, tu vois. Et ouais, puis, je pense que Sunstone, connaissant Panini, a plus de chances un jour de rapidement plus être disponible. Ah, c'est vraiment à Nozokiana. Ouais. D'accord. Donc voilà. Donc oui, c'est peut-être mieux de se tourner vers Sunstone d'abord. Donc je vous recommande, c'est un des meilleurs comics au monde, il faut y aller. Ouais. Tu nous as... Je sais pas si quelqu'un a vous rajouté. Tu nous as soufflé. Ah bah ça va, très bien. On très est bien, très bien. On fait un blanc là. Voilà, c'est ça. Pour se remettre. C'est ça, bravo. On l'applaudit, il a fait une description correcte et passionnante. Je m'étonne moi-même, hein. Là je suis plein d'émotion, je sais pas quoi dire. Bon, il est grand temps de boucler cette émission, de dire au revoir, n'est-ce pas? Oui. Allez, oui, on est d'accord. Un mot de la fin pour chacun. Un petit tour de table. Un teaser de la prochaine émission. Un petit tour de table. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur sa chaîne. sur le Twitter de Casse sur Table, toujours dispo si vous avez des questions ou des suggestions. Voilà, je suis là. Très bien. Necro sur Twitter. Sur Twitter, sinon aussi Necronomicore, arrobase Necronomicore. Voilà, et si jamais vous avez aussi des questions globales, on peut aussi... Voilà. Oui, façon, on est tous les quatre dessus. On est tous les quatre abonnés de toute façon à Casse sur Table et on suit ce qui s'y passe. Casse sur Table et la guerre des claps. Hein, et la guerre des claps. Hein. Et de toute façon, si vous posez une question, vous aurez réponse très vite. Hein. On communique beaucoup via Twitter. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Issam. Je remarque que le nombre de téléchargements et d'abonnés augmente au fur et à mesure des épisodes. Et on en profite aussi pour remercier les gens qui s'abonnent. Merci beaucoup et n'hésitez pas à parler surtout de ce qu'on fait autour de vous. Partager, ouais. C'est ça. Mais t'en es où dans ta recherche, toi, pour... Ta recherche d'emploi. Ta vidéo. Ah, mais non, c'est... Non, ta vidéo, pas recherche d'emploi. Ça a super stagné, mais il y a des personnes qui vont tester, à qui j'ai donné envie de tester le jeu. Ah. Du coup, ils vont tester le jeu et dire ce qu'ils en pensent. C'est génial. Avec ton nouveau PC. Oui. Voilà. Et là, normalement, bientôt, j'y joue chez un ami qui va faire tourner la Recall Box pour qu'on mette ce jeu-là et voir ce que ça donne. D'accord. Issam, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de l'archiviste du cinéma. Les émissions principales de l'archiviste reprennent bientôt avec une saison 2 de 10 épisodes qui est en cours d'élaboration. Je monte le premier épisode, là. Ça va être très très bien. Ça marche mieux sur un nouveau PC, du coup. Ça marche mieux maintenant que j'ai un bon PC sur lequel je peux faire tourner le logiciel de montage, ouais. J'ai ouï dire qu'il y avait un nouveau format d'émission. Et il y a un nouveau format d'émission appelé Opération Nanar. C'est très très bien, on peut recommander aussi. Ouais. Avec trois amis, nous regardons un nanar. Pour le premier, c'est Devil Story, Il était une fois le diable. Et on commande ça en direct, voilà, c'est très très bien. Nanarland a retweeté quand même. Ouais, Nanarland a retweeté et 1h20 d'émission quand même. 1h20 d'émission, et encore, on ne s'est pas lancé dans les films, mais c'est plutôt indiens. Et c'est plutôt passionnant, 1h20 passe très très vite. Alors, ouais. Toujours un big up à la personne qui tient la caméra. Toujours. Ouais. Que j'ai vu statique, des fois, elle répondait quand on lui parlait, mais sinon elle était... Alors, Marion, si tu nous écoutes, tout le monde te remercie à chaque fois, voilà. Là, c'est marrant parce qu'il y avait le bas de son visage qui était caché par la caméra et le haut qui était bouffé par le cadrage. Donc de toute façon, on la reconnaît pas. Hein. C'est ça. Quant à moi, vous pouvez me retrouver... Elle voulait pas qu'on sache que non, c'était elle. Ah bah c'est non, bien qu'on sache qu'elle participe à ça. Bah c'est bien caché. Voilà, quant à moi, vous pouvez me retrouver ici au 44 du Jard, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission. Également sur Twitch, sur la chaîne Bizarre Gamer Aventure pour des lives jeux vidéo. Gamer Bizarre Aventure pour des lives jeux vidéo actuellement du FF9. Il t'a corrigé le nom de ta chaîne. Il pas le nom de sa chaîne. J'ai beaucoup trop de projets sur cette terre, c'est pour ça. D'ailleurs, la librairie n'est pas du tout 44 du Jard, hein, elle est 25 rue Jean Moulin. Ah merde. À Lille. Dans le 15e. C'est oui, à chaque épisode. Hein. Ah, mais c'est pour ça que j'ai fini au commissariat l'autre jour. C'est pour ça. On a cru que j'essayais de cambrioler. Donc voilà, également sur la chaîne YouTube, du même nom pour retrouver les rediffs, mais également les deux podcasts qu'on fait, car vous pouvez aussi tous les quatre nous retrouver dans La Guerre des Claps, notre podcast cinéma. Le prochain, ça sera d'ailleurs sur pas sur les adaptations, sur le MCU et sur le DCU, puisque les autres adaptations de l'univers Marvel et DC, ça sera pour une prochaine émission. On va quand même pas, sinon on risque de faire une émission de 6 heures, quoi. Voilà, c'est ça. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour une prochaine émission de Casse sur Table. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Pas de problème. Et lisez côté. White Rabbit Girl et voilà. Non. Il est grand temps de dire au revoir. Et lisez Ed Trick et Gambling School. Ah aussi. Ouais, il faut soutenir. Allez. Oh, putain. Au revoir et à la prochaine. Salut. Salut.